Ah, je croyais que. Après une semaine à l'hôpital, il serait pas en même temps de sortir, Cédric. Bonjour, non, précisément, ils le foutent dehors. Ils vont le relâcher. Ouais, bonsoir, Cédric, comment vas-tu? Ah, je suis trop content, putain, je suis à l'hôpital. Il est content. Je croyais qu'il venait de le savoir, moi. Est-ce que tu es toujours avec ta petite jupe, là, avec laquelle tu m'as reçu hier soir? Il avait le cul à l'air. À l'hôpital. Non, non, mais il m'a montré ses boules, c'est dégueulasse. Il était jambes écartées sur son lit avec sa petite jupe qu'il a remontée. Et il m'a montré une de ses boules ignoble. Marie est très jalouse parce qu'elle, elle l'a pas vue, la boule. Pourquoi pas moi? Ben oui, pourquoi pas toi? Fallait venir, Marie, fallait venir. Ouais. Moi, j'étais en week-end. J'avais autre chose à foutre que de venir te voir, connard. Week-end, je suis parti en week-end, moi. Tu vois, non, ton... là, je suis trop content. Oui, mais je l'ai appelé. Je sors demain, quoi. Voilà, tu sors demain. Je rappelle que Cédric est rentré pour une clavicule cassée pour se faire opérer et La clavicule est toujours pétée. Voilà, a été transféré dans un truc gastro parce que bon, on l'avait déjà remarqué. Vous le saviez vous aussi. Vous lui le disiez depuis longtemps. Moi aussi. T'as un problème au bide, Cédric a chié 6, 7, 8 fois, 10 fois par bah jour. Oui. Liquide tout le temps, il y a un souci. Eh bien, ils s'en sont rendus compte, même à l'hôpital, tu vois. Bah, il était temps. T'as bu l'eau que je t'ai ramené, parce que je vais ramener de l'eau. Oh, c'est gentil. Ouais, j'ai bu ton eau. Romano m'a payé un pack d'eau, Wow. Un pack d'eau Vittel. Waouh. En fait, je croyais que c'est de la Vittel, mais j'ai foutu de l'eau du robinet. Il a mis un peu de pisse, un peu de. Non, pas de pisse, Marie, mais un peu de. Comment ça s'appelle les trucs pour faire chier? De laxatif. Un peu de laxatif. C'est ça, du laxatif pour toi, Cédric. Donc ouais, voilà, pour vous donner des nouvelles. Elle était bonne à l'eau, hein. Ouais, elle est bonne, nickel, elle transite, nickel. Et Romano, il est royal, il offre des cadeaux de ouf, c'est dingue. Tu me surprends. Bah non, parce qu'en fait, quand je l'ai eu, je lui ai dit, ouais, t'as besoin de quelque chose. Au début, je voulais lui ramener un petit truc à bouffer, mais vu qu'il pouvait pas. Moi, j'ai ramené une tarte aux framboises, il en voulait pas, alors. Ouais, donc moi, je lui ai dit, t'as besoin de quoi? Il me dit d'eau. Moi, j'ai dit, bon, moi, je vais te ramener de l'eau. Banco, je vais te rapporter de la flotte. Donc, vous voulez des nouvelles de Cédric? Eh ben, vous les avez. Mauvaise nouvelle. C'est quoi? C'est quoi? Je suis dégoûté, ça. Et dans 15 jours à peu près, il va falloir que je me foute une coloscopie en fait. Ah, enfin, il va avoir son tuyau dans c'est le cul. Bon, moi, je plains le tuyau. Rest in peace, tuyau. Plein de tuyaux. Ah bah, attends, t'aimerais être le tuyau qui rentre dans le cul de Cédric, toi? Ah non, Marie. Pas du tout. Rest in peace aussi, les médecins. Rest in peace. Ah bah, la totale. Bon, je vais avoir le droit. Donc, demain, tu retournes à l'hôpital et tu reviens nous voir quand, Cédric? Bah, je sais pas, parce que j'ai encore l'épaule cassée, par contre. Ah, ça, c'est pas fini. Ah, ça, c'est pas fini. Putain, mais quand je vous dis que c'est galère, man, si vous avez eu des galères aujourd'hui, eh bien, écoutez, Cédric, et vous allez voir que votre vie est belle. Ah, bah, tu relativises. Et ta clavicule, alors, du coup, c'en est où, cette histoire? La clavicule, elle est cassée. Pour l'instant, elle a encore pété. Oui, non, mais merci, je sais, mais, il compte te la réparer, ça se fait tout seul, tu te fais couper le bras. Non, je vais attendre un petit peu, et puis, normalement, bah, je revois le médecin, et il me dira dans une semaine, 10 jours, à peu près, si on opère ou pas. Vous avez vu, dans l'équipe, on est comme vous, on a nos galères. Enfin, surtout Cédric, d'ailleurs. Ah bah, ouais. Le reste de l'équipe va bien? Vous avez passé un bon week-end, Romano? Ah bah, bon moi, week-end, super. Paris, bah, à part la visite à Cédric, ouais. Magnifique. Ah bah, pareil, moi, j'ai un week-end sympa par la visite à Cédric. Ouais. Bah, ah, mais moi, en tant qu'Ariol, j'ai failli la laisser là-bas. Ah bah, elle a failli vomir, tellement ça sentait mauvais. Non, c'est qu'elle a fait un malaise, tellement ça sentait mauvais. Non, mais c'est laissé là-bas. Non, mais sérieux, mais. Non, mais c'est juré. Non, mais déjà, tiens, à la base, elle a un peu la phobie des hôpitaux, quoi. Donc, elle a aussi la phobie de Cédric. Elle a fait un effort pour y aller. Déjà, bon, toi, Cédric, pas vu, mais déjà elle m'a fait tout un sketch. Elle me dit, ouais, je vais acheter un masque, je veux, parce qu'il y a plein de maladies là-dedans. Oui, surtout hein, tu peux le dire, Romano dit là, même si Cédric est là. Non, et Cédric sent très, très, très mauvais. C'est pour ça, en fait. Et non, mais tu sais qu'elle voulait aller à la pharmacie. Je lui dis, non, mais tu vas passer pour une tarée, arrive avec ton masque à l'accueil, quoi, tu vois. Donc, on arrive à l'hôpital, elle rentre dans la chambre de Cédric, elle fait, putain, je me sens pas bien. Ah, ça pue. Mais qu'est-ce que c'est qui pue comme ça? Je lui montre un truc. Il y avait un petit papier avec une goutte de sang. Et là, elle s'allonge dans le fauteuil. Elle fait, oh, je crois que je vais tomber dans les pommes. Ah, mais t'as deux doigts de tomber. T'as deux doigts de tomber. Cédric qui appelle l'infirmière pour la faire chier. Vous avez vu, c'est dangereux d'aller voir Cédric à l'hôpital. Non, mais d'ailleurs, elle était plutôt sympa, l'infirmière. Bon, tu as vu tous les messages qu'on a pour toi, Cédric? C'est gentil. Ouais. Depuis le début de l'émission, il y en a deux. Waouh! Wow. Mais attends, Cédric, la dernière fois, c'était un. Ouais, tu vois, t'as quand même doublé. Là, il y a beaucoup de messages. Ouais, il y a plein de messages. Ah, Cédric, je voulais te demander, gros. T'as écouté le clash de vendredi ou pas? Ouais, vous avez gagné, ouais. Non, j'ai gagné, gros, parce que Marie, elle a servi à rien. Gros. Quoi, j'ai servi à rien, j'ai parlé, bah, et tout le monde a voté pour Karim et Marie. Ça, je vais pas dire le contraire. Marie n'a pas servi à grand chose. Bah, ah si, elle a fait waf waf. Bah, tu m'as dit de faire la chienne, j'ai fait la chienne. Tu veux faire le clash ce soir, Cédric? Ouais, vas-y, ouais, grave. Allez, bon, bah, on se prépare, on va le faire dans pas longtemps, hein. Si vous avez une méthode pour Cédric, pour Romano, si vous voulez participer au clash, c'est bon, retour de la victoire ce soir. On va pas tarder d'ailleurs pour le clash, Cédric, parce qu'après. Vas-y, t'inquiète. Oh, bah, c'est bon. Après, frère à l'hôpital, on sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que ça, je vais même y aller sans méthode. Bon, merci pour tous les messages pour Cédric, tout ça. Bonjour à Jules, bonjour à Mes couilles sur ton nez, Léo du 84. Salut à Ludo du 89, Anissa qui nous fait un gros bisou. Bonjour à Nolan, à Sofiane, à Mathéo. Salut Mathéo, qui voulait savoir quel est le chanteur qui chante Je lui ai dit ouais ouais. Eh ben c'est Elam qui était dans Planet Rap tout à l'heure, je crois. C'est ça, ouais, je crois. C'est le son qu'ils ont passé en tout dernier dans Planet Rap. Vous avez des questions à poser, vous voulez passer dans l'émission, vous avez un petit souci vous aussi comme Cédric, ou un gros souci aussi comme Cédric, vous n'hésitez pas à nous appeler. Vous voulez parler de tout ce que vous voulez faire les cons avec nous, c'est ouvert. 01 53 40 30 20, le 41 759 pour nous laisser des messages, et puis l'appli Skyrock évidemment. Vous laissez vos messages, ça arrive directement dans le studio. Vous avez vu cette histoire de Kim Kardashian, Romano? J'ai promis à la police. Ah putain, elle s'est fait plumer. De te demander si c'était. Moi, je la trouve bizarre cette histoire, mais bon. Mais de te demander si tu y étais pour quelque chose ou non. Puis ça s'est passé juste avant le morning, hein, quand même. Hein. Ben, puisqu'on l'a appris à 6h dans le morning. J'avais décidé de me lever un peu plus tôt que prévu. Oui. J'avais 2-3 trucs à faire. Je devais aller dans une résidence, un truc privé, là, Kim de luxe. Kardashian. Bah. Parce que là, il y a Kim Kardashian qui nous dit et qui nous laisse un message. Il dit je suis retourné aux États-Unis. Oui, elle est retournée aux États-Unis. Bonjour, ah bah, Kim direct, Kardashian. Ouais, elle a pris son jet. Privé, ouais. Ouais. Mais apparemment, Kanye West serait venu à Paris la chercher. Ah. Kim Kardashian. Ah bah l'autre, il a arrêté son concert. En plein milieu d'un morceau, en plus. Ouais, il a arrêté en plein milieu du concert. Là, tu vois, j'ai un problème familial. Désolé, faut que j'arrête. Bon, Kim Kardashian, je fais cambrioler ses bijoux à Paris. Bienvenue à Paris, Kim. Bienvenue. Ouais. C'est autre chose que les States, hein, c'est nous, t'as vu. Hein. Ah, bah, il est reparti direct. Hein. Ouais, par contre, sans bijoux. Donc, oui. Kim Kardashian. Elle est un peu plus légère. Est repartie plus vite que prévu de Paris. Elle s'est volée pour 10 millions de bijoux, 9 millions de bijoux. Mais qu'est-ce qu'elle foutait avec 10 millions? Mais 10 millions sur elle? Ou dans un sac? Elle vaut 4 millions. Ouais, la bague, elle vaut 4 millions. On va vous mettre les photos des bagues et tout le reste là. Kanye West. Non, mais elle était à la Kim Fashion Kardashian. Week. Et bah ouais, donc elle avait sorti tout son truc. Elle avait sorti toute sa cacaillerie. Ouais, mais le mec, il lui a volé comment? Bah, ils sont. Alors, c'est des mecs qui sont rentrés chez eux. Tiens, le son de Kanye West, le dernier, c'est ça d'ailleurs. Hein. Le chéri de Kim. C'est I feel a fade. Kanye West sur Skyrock. Encore une découverte, Sky. Et donc, la chérie de Kim, de Kanye West. Sa femme, même. Sa femme, même. Sa femme. Oui, sa femme. Ils sont mariés. Et ouais. Et du courage. Elle était donc à Paris, dans une petite maison particulière. En fait, c'est une résidence privée de luxe. Ouais. Voilà. C'est ça. Je suis bien parti dedans, moi. Et il y avait un mec qui gardait la résidence. Déjà, moi, ça me paraît chelou. Je vous dis, je la trouve chelou, cette histoire. Un mec qui gardait la résidence, avec 10 millions de bijoux à l'intérieur, et Kim Kardashian dedans, et tous les paparazzis qui lui courent après. Bon, bizarre. Et puis, Non, parce qu'a priori, non, à la base, c'est une résidence. Il y a les entrées, elles sont cachées, tout ça. Mais bon, elles sont moins cachées, du coup. Mais ouais, moi, je la connais, la résidence. C'est vers où? C'est vers où dans Paris? Dans le 8e. C'est vers la Madeleine. C'est genre, c'est une résidence vers la maison et tout, c'est non, c'est en fait c'est à côté du ministère de l'Intérieur, hein, pas loin. Ah, comme ça. Non, en fait, c'est comment, c'est une résidence, c'est un espèce de bâtiment privé. Genre, y a un immeuble qui est complètement privé. Ouais, voilà, ouais. Sauf qu'il est privé, quoi, en fait. Normalement. Oui. Ouais, bah, il y avait un agent, ouais. Bizarre. Ouais. Quand tu rentres sur la droite, il y a l'entrée de l'immeuble et il y a un seul mec en fait qui surveille l'immeuble. Il devrait pas faire marcher les assurances, Romano, dans cette histoire là. Ouais, je pense aussi, moi. Ah, problème. Je sais pas trop. Ou faire un peu le buzz, peut-être. Moi, je dirais surtout que les deux, c'est réussi, hein. Il doit y avoir quand même une complicité de quelqu'un à l'intérieur. Ah ouais, peut-être. Parce que les mecs sont rentrés direct. Alors, Kim Kardashian, c'est où? Elle est là. Normal. Okay. Et dans cette résidence, on sait s'il y a d'autres stars vraiment en place. Non, mais en fait, c'est des logements. C'est comme un hôtel, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Tu sais, c'est les gens, ils louent à la semaine, à la journée. Il y a déjà eu Leonardo DiCaprio. Ouais. Leonardo de Copro. Ouais, c'est ça. C'est la copie. Ah, okay. Kim Kardashian et Kanye West, c'était déjà venu là-dedans. Il y a plein de stars. Jay-Z aussi, il a déjà été là-bas. Bah, en tout cas, Kim Kardashian s'est fait cambrioler cette nuit à Paris. Elle est repartie aussi sec. Ce matin, elle était plus là déjà. Non, mais a priori, quand même, la meuf, elle s'est fait ligoter et tout. Oui, dans la salle de bain. Salle de bain, on va raconter ce matin. Il est pointé avec un gun aussi, non? Les mecs, en fait, ils étaient déguisés en keuf. Ils sont venus à la réception. Et ils ont donné au mec, elle loue Kim Kardashian. Ils ont braqué l'agent de sécu, en fait. Voilà, ouais. Et l'agent de sécu. Déguisé en keuf. Et voilà, l'agent de sécu, il les a emmenés jusqu'à devant chez Kim. Avec un gun sur la tête, il avait pas le choix. Non, mais même elle, tu vois, même si elle est conne et tout, ça t'a quand même fait. Elle a dû flipper, la meuf. C'est C'est impressionnant. Il y avait sa gosse ou pas? Non. Non, apparemment, elle était toute seule. Ouais, elle était toute seule dans sa chambre. Kim était toute seule dans sa chambre. T'as des mecs qui arrivent, qui ligotent dans la salle de bain, ils te braquent avec une arme. Marie, on t'entend pas. Merde, avec un flingue sur la tête, tu te réveilles, c'est chaud, quoi. Ah bah ouais, c'est chaud, ouais. Bon bah, en tout cas, c'était les dernières nouvelles de Kim Kardashian. Bienvenue à Paris, Kim. Welcome à Paris, maintenant elle est partie. Ritter. Reviens quand tu veux. Ritter, Ritter in the USL. Ah là là, la dure vue parisienne. Bon, Cédric Pépantin pour le clash, on va y aller dans un instant. Et puis pour les messages pour Cédric, regarde, il y a Franck qui t'embrasse, et, enfin qui t'embrasse pas, mais qui te dit bonjour. Oui, faut peut-être moi pas pousser non plus. Pro rétablissement à Cédric, reviens vite en forme pour écraser Romano, Léo du 84, qui veut que tu l'écrases, Romano. On va l'écraser, t'inquiète. Il suffit que tu lui montes dessus, hein. Ouais, et puis c'est terminé pour moi, ouais. Non, mais j'ai maigri par contre, hein. Vous allez être surpris quand vous allez voir mon Ah point. Non, mais moi je t'ai vu hier, t'as maigri. Maintenant, en fait, tes mentons, c'est devenu, tu sais, comme les vieux qui ont. La peau. La peau. Frippé, quoi. T'es tout frippé des mentons. Bah, comme le vieux politicien Baladur. Voilà. On va t'appeler Balamou, tiens. Pélican, quoi. Baladrique. Balamou. Ouais, Balamou, Baladrique, oui, c'est ça. Vous allez voir dans ce studio, vous allez halluciner. Ah, bah ouais, oh bah que je t'ai vu, t'es pas non plus devenu une beauté, hein. L'enfoiré. Et pourquoi tu m'as reçu en jupe et tu m'as montré tes couilles hier? Ah, mais moi, bah, j'ai eu la même tenue. Mais t'as montré ses couilles? Bah oui. Mais pourquoi? Mais n'importe quoi, j'ai pas montré mes couilles. Franchement, Cédric, tu m'as pas montré tes couilles? Elle t'est passée de la jupe? Qu'est-ce que je t'ai dit quand, t'es. Ah, quand bah, je vois ta couille. Ah, bah ouais, il y avait une espèce. Je vois ta couille. Il y avait une espèce de gros machin. Je vois ta couille. Rose. T'as vu, elle est balèze, hein. Elle est balèze ou pas alors? Une boule de pétanque, quoi. Et t'as pas fait demi-tour? Ah, non, j'ai t'as pas réussi à rentrer, quoi. Courageux. Eh ouais, courageux. Bon, on te retrouve, Cédric, à tout de suite. Allez, tout de suite. Allez, à tout de suite, en direct avec, avec nous. Pour le clash qu'on va faire pas trop tard ce soir, on va même le faire dans la première heure de l'émission. Préparez les familles pour le clash. On prépare ça. On a Cédric avec nous. Romano, t'as ta méthode? Pas encore, mais elle arrive. Cédric, t'as ta méthode? Bien sûr, j'ai ma méthode. Ah, mais moi, je crois que ce soir, peut-être, il y a les 100 méthodes. 100 méthodes, ouais. C'est Cédric, mon adversaire, hein. Oui, oh, le bâtard. Mais toi, tu te la racontes. Mais t'es abusé, là. Bon, à tout de suite, Cédric. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Vos méthodes pour le clash, si vous voulez les donner à Cédric et à Romano, vous nous les laissez sur le 41759, sur l'appli Skyrock. En plus, c'est Romano qui va tout récupérer. Cédric n'a pas les messages. Ouais. Bah, ça, c'est pratique, quoi. T'as pas les messages, Cédric? Non, j'ai pas les messages. Envoyez les méthodes, ouais. Je vais faire des stocks. Je vais faire des provisions. Bon, à tout de suite, Cédric. Vous voyez que les nouvelles sont bonnes, ça fait plaisir. On démarre la semaine bien, bien, bien. Bon, on aura des nouveautés. Écoutez, ce soir, on sera le nouveau Booba, là. Bah, tiens, on va se le passer d'ici 10 minutes, le nouveau Booba. Oui. Il s'appelle DKR, c'est ça, hein, le nouveau Booba. Ouais, c'est ça, DKR. DKR, nouveau Booba. Écoutez, ce soir, Pitbull, Florida. Ça, ça nous a accompagnés tout l'été. Moi, j'aime ce morceau. J'aime bien ce morceau, là. Pitbull et Florida, écoutez aussi. Et puis, si vous avez envie d'écouter d'autres sons, on sera du PNL aussi avant minuit. Vous nous demandez sur le 41759, sur l'appli Skyrock. On fait de la radio ensemble tous les soirs sur la première. Radio Urbaine Mondiale. Exactement. Et sur la plus grande Radio Libre de France. Oui. C'est Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Et on vous accueille en direct tout au long de la soirée. On va démarrer avec Joe, là, qui doit être au téléphone avec nous. Salut, Joe. Bonsoir, équipe. Bonsoir. Coucou, Joe. Salut, Joe. Salut, mec. Joe, t'es parisien et t'as 19 ans, toi, Joe, c'est ça? Ouais, enfin, je suis parisien. Je suis sur Paris, hein. Ah, ouais, parce que t'as pas l'accent de Paris. Je suis du sud à la base. Eh, oh, wow. Yes. Alors, bonjour, bonjour le Parisien. Oh, salut Jo. Parisien, une tête de chien. Aïe, c'est que moi le vieil. C'est que moi le vieil. Donc, t'es à Paris, mais t'es Marseillais, toi, non? Je suis de Aix. Aix-en-Provence. Oui, c'est pareil. Aix. Enfin, tu sais, pour un Parisien, ou pour un. Moi, je suis Stéphane, pour, je suis Stéphanois, mais pour un Stéphanois, ça t'est. D'ailleurs, bonjour aux Lyonnais qui nous écoutent. On vous a laissé gagner hier pour votre premier derby. Dans votre stade, parce qu'on est sympa. Ouais, vous avez donc fait ça, c'était, exprès, la, c'était la petite parenthèse. Mais pour un Stéphanois, Aix et Marseille, c'est la même. Ouais, ouais, bon. Ah, pour nous aussi, c'est presque pas. Ah, c'est la famille, on se sait que le vieux. Non. Oui, voilà, on se sait que le vieux. C'est bon, pas très loin. T'as 19 ans, Joe. Qu'est-ce que tu fais à Paris, toi? Bah, je travaille, hein. Tu travailles à Paris? T'es monté à Paris pour bosser? Voilà. Et tu travailles dans quoi? Je suis photographe. Très bien. Est-ce que tu fais des photos sexy? Ah, justement, c'est le sujet. Ah, c'est le sujet, moi je savais pas. Alors vas-y, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Alors moi je vous appelle parce que moi je suis sur Paris depuis un peu plus d'un an. Ouais, t'aimes bien Paris, franchement, hein, Frenchman, comme on dit à Marseille. Frenchman, est-ce que tu aimes bien Paris, hein? Frenchman, Paris, tête de chien parisien. Ah, Paris, franchement, c'est bien, mais la famille, elle est dans le sud, hein. Ah, d'accord, t'as laissé. Ah, quand t'es du sud, tu t'as laissé ton cœur, ton cœur dans le sud. C'est ça, c'est. Oh. On n'est pas, c'est pas pareil, c'est pas même ambiance. C'est pas pareil. C'est ça. Ouais. Ah, Aix et Marseille, c'est le jour et la nuit, dit Foul. Ouais, bon, ça c'est clair. Bon, si vous voulez, c'est Astrobal qui me dit. Mais bon, ça. On est cousins, on est frères, quoi. C'est voilà, vous êtes pas loin. Ouais, c'est pas loin, c'est clair. C'est le 13. C'est le 13, voilà. Donc t'as laissé qui à Marseille? T'as laissé ta mère, ton père, enfin toute la famille? Ouais, mais j'ai surtout laissé ma copine, quoi. Alors les parents, ils s'en foutent, hein, bien entendu. Bah, surtout pour le sujet, tu vas voir, les parents, c'est pas trop le. Alors t'as laissé ta copine Aix-en-Provence, c'est ça? Enfin, ma copine, elle est de Marseille, justement. Et depuis un an, ça marche quand même, la relation. Parce qu'il y en a souvent qui nous laissent des messages, qui nous posent des questions et qui nous disent oui, est-ce que l'amour à distance, ça peut marcher? Toi, ça marche? Franchement, ça marche. Mais après, le problème, c'est qu'on se voit pas beaucoup. Ouais, tu la vois tous les combien? Une fois par mois, à peu près. Ouais, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà pas mal. Et du coup, le problème, c'est que pour combler le manque, on fait des FaceTime, des appels, tout ça. À sexe? Ah ben ouais. Ah, absolument, ouais. Parce que pour combler le manque, j'ai compris. Manque, ouais, c'est ça. Manque pas, j'en ai marre de me séguer levier tout seul dans mon appartement à Paris. On y vient. Je passe ma vie à me séguer levier. Et donc, absolument, oui. Donc tu fais des FaceTime avec ta copine, donc, quoi, tu te fous à poil, tu lui montes ta bite, elle te montre sa chatte et c'est parti. C'est un peu ça, sauf que le problème, c'est que j'aimerais qu'elle sache un peu plus, en fait. Alors, c'est-à-dire, toi, t'es comment quand t'es au téléphone? Par exemple, t'es au téléphone avec ta meuf. On va, je vais demander à Pamela de venir nous rendre visite. Ouais, pour simuler un petit peu ce qui peut se passer au téléphone. Ah, allô, Pamela? Bonjour, Pamela. Bonjour, Pamela. Excusez-moi, j'étais en train de me doigter. Ah, avec les trois doigts? Je salue d'ailleurs tous ceux qui sont en train de se doigter, toutes celles surtout qui sont en train de se doigter. Excusez-moi, je n'avais pas prévu de passer à l'antenne. Oh là, merci Difool pour la dédicace, je suis en train de me doigter. Ça me fait bon envie d'un coup, je retire mes trois doigts. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Pamela, on va faire un test avec Joe, on va voir comment il fait avec sa copine quand il fait un petit FaceTime sexe. Truc de cul. Voilà, petit FaceTime sexe. Ah bah, allons-y. Alors, attention. Comment ça se passe, Joe? C'est pas comme Patrick, mais c'est pas Wayne. Ah non, mais t'as raison de t'amuser, c'est avec ta meuf, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est bon, ça. Puis y a pas de ronde dans se branler au téléphone. Non, puis t'es en couple. Moi, j'ai un pote qui était sorti avec une Marseillaise, Joe. Je sais pas si t'es au courant de cette petite histoire. Non, il l'a baisé. Il était sorti avec une Marseillaise, il était tombé très amoureux d'une meuf. Il l'a bien baisé, il lui a bouffé ses gros tétons. C'est gros ça, mais comme des grosses pastèques. Je sais pas si tu connais une certaine Mamouta, mais en tout cas, il avait des relations téléphoniques avec et il nous a dit. Ah, meuf, elle avait des citrouilles, quoi. Il nous a dit qu'il se branlait au téléphone avec elle. Non, ça c'est pas vrai. Si, pendant que t'es en ligne avec elle. Non, bien sûr que non. Tu lui as expliqué que tu bandais. Non, mais je me suis pas branlé, je l'appelais d'ici. J'allais pas me branler dans un bureau. Ouais, tu t'es déjà branlé ici, gros. Oui, mais dans les toilettes. Excuse-nous. Quand même, et malheureusement, il n'y a pas le standard dans les toilettes. Ah merde. Donc, au truc et téléphone, ça marche. Dites-nous si vous avez déjà fait des. Non, par contre, je me suis déjà branlé au téléphone au tout début avec Carriole. Ouais. Mais elle savait pas que je me branlais, en fait. Elle me parlait de trucs et moi, je me branlais, moi. La meuf, elle lui parlait de sa vaisselle, de trucs et lui, il se branlait. Ah, j'étais là. Oui. Alors, il vas-y. Ah oui, les fourchettes et les couteaux. Ah, je comprends. Donc, toi, tu. Voilà, moi, je me branle sur Roman. Ouais, du calme, Cédric. Oh, Cédric, il est chaud. Jamais de la vie. Non, mais t'inquiète, je vais te satisfaire tout à l'heure, je vais t'enculer. Donc, au téléphone, comment ça se passe? Raconte-nous. Donc, tu l'appelles, vous appelez, vous êtes sur FaceTime, vous vous regardez. Bon, là, vous êtes habillé ou vous êtes déjà tout nu? Ah non, quand même. Oh. Non, au début, on est habillé normal, on discute. Ouais. Mais genre, t'es quoi? T'es allongé sur ton lit? T'es... Ouais, sur le lit, sur le canapé, n'importe où. Ouais. Absolument, ouais. Et. Après, on commence à discuter. Des fois, après, on commence à parler un peu de cul, quoi. Ouais, ça vous manque. Absolument, c'est normal. Oui. Ouais, et après, du coup, elle commence à montrer. Je lui montre. Tu lui montres quoi? Ta queue? Ouais. Tu lui dis quoi? Regarde comme je bande. Ouais, mais c'est ça, en plus. Hein. Ah, c'est ça. T'as vu, tu me fais bander. Et elle te montre, elle te montre sa petite schneck? Bah non, elle commence par les seins d'abord. Ah, on y va, oui. Bon. Absolument. T'es fou, t'as fait une voix de Patrick en plus. Sa petite schneck. Ah, mais c'est vrai, t'as sa petite schneck. Ta chatte est comment? Eh oui, il y a une petite schneck. Donc elle te montre ses seins, puis après elle descend, elle te montre sa chatte. Et toi, tu fais quoi? Tu te branles? Ouais, c'est ça. Après, elle commence à se toucher. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais quand c'est ta copine et qu'elle habite loin, t'as pas trop le choix. Non, mais on comprend, t'inquiète. Ouais, absolument. On comprend et on bande. Ça, pour l'instant, c'est normal. Ça va, on est bien. Vas-y, continue, s'il te plaît. Vas-y, on continue. Comment ça se passe? Vous simulez une relation ou vous regardez juste et puis Non, on se regarde, on se parle aussi. Mais vous dites des trucs cochons? Ouais, je dis j'y vais bien fort, des choses comme ça. Ouais, j'y vais bien fort, je te la mets bien profond, quoi. Ah ouais, c'est comme si vous aviez une relation et je te baise, allez. Hein, tu la sens rentrer là? Mais elle se met combien de doigts dans la chatte? Pourquoi tu veux? Elle se met la main? Non, mais je voulais savoir. Non, en fait, le problème, c'est ça, c'est que je trouve, elle sache pas ça, en fait. C'est bien. Ah, déjà. Elle se lâche pas. C'est vrai qu'elle fasse quoi, toi? Ah, j'aimerais qu'il y ait comme quoi on est ensemble, en fait, limite. Ah, genre qu'elle se mette des doigts carrément vénère, quoi. Ouais, carrément. Parce que là, elle se fait quoi? Elle se caresse un peu le clito, tout ça, mais elle se rentre pas de doigts dans la chatte, non, quoi. Non, si, franchement, elle se doit. Mais qu'un doigt. Mais par exemple, elle a des godes, mais elle veut pas utiliser. Ah, t'es avec qu'elle utilise des godes comme si c'était ta bite, en fait. Carrément. Ouais, mais là c'est chaud déjà, mon pote. Oh bah écoute, attends, ça va. Sème, Oui, mais bon, il y a pas toutes les meufs. Comme dirait Cédric, il y a pas de tabou. Il y a pas de tabou. Il y a pas de tabou. C'est vrai. Il y a pas de tabou et. Salut les filles. Tu devrais faire bouler, c'est une bonne idée ça, tiens. Il y a Gaëtan qui nous laisse une idée sur le 41-759. Gaëtan, 17 ans. Il dit, tu devrais te faire bouler ta bite pour un god. Toi, tu fais un god spécial avec ta, avec ta bite moulée. Ça existe en plus, je crois. Mais bien sûr, ça existe. Ouais. C'est certain. Voilà, j'en veux une. Voilà, je veux ma bite pour me la mettre dans le cul. J'aimerais m'auto-baiser. Ah ouais. Ah ouais. Oh ouais, j'aimerais m'auto-enculer. Voilà, c'est super. Hein, Cédric? Ah, mais toi, je vais te défoncer quand je vais revenir. Tu vas comprendre. Bah, de toute façon, tu n'auras rien défoncé du tout. Va t'acheter une épaule, mec. T'as pas baisé depuis combien de temps, Cédric? Va changer ta clavicule. Avec une main, je vais te défoncer. Ah, il baise avec une main. T'as pas baisé depuis combien de temps, Cédric? Ça fait un petit temps. Oh là, le sifflement. Mais tu te branles ou pas? J'arrivais même, non, je bandais même pas, t'es fou. Tu bandes plus, mais peut-être qu'elle est en panne ta bite maintenant. Ah putain. Mais non, mais t'as trop mal, c'est pour ça. Ah, rien que d'y penser. Ça me fait tout bizarre. C'est étonnant. Galère, quoi. Donc toi, tu voudrais demander à ta meuf si. Est-ce que vous le feriez, les filles? Tiens, dites-nous, vous êtes loin de votre mec, vous l'aimez très fort, tout ça. C'est une belle histoire d'amour, comme avec Joe. Ça fait un an qu'il est loin. Et vous êtes. Et vous avez le moyen de le contacter sur FaceTime. Est-ce que vous toucheriez sur FaceTime? Et surtout, est-ce que vous iriez un peu plus loin que sa copine? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Tu voulais qu'on fasse quoi pour toi, Joe? Nous. Et ouais, avoir des conseils, un peu, savoir comment faire. Et Marie, est-ce qu'elle a déjà fait ça un peu? Évidemment. Bah, regarde, oui, elle a une démonstration, là. Évidemment, elle va nous faire ce soir, d'ailleurs, tiens. Non, mais j'ai jamais fait ça, moi. Mais Marie, elle fait des show cam, tu sais, mais payant. Ah, mais quel con! Mais comment on fait pour faire ça? Parce que j'ai vu que tu t'inscris sur des sites, hein. Donc tu t'inscris, il te file de la thune. Tu t'inscris, en fait, en gros, c'est un hébergeur. Mais en gros, comment? Comme Cédric. C'est par exemple toi Difool, tu veux te dénuder à la cam. Non, j'ai vu il y a des mecs, des meufs, des couples. Ouais, ouais. Bah ce que tu fais, tu t'inscris sur un site qui héberge les cams. Ouais. Toi chez toi t'as la cam. Camfort par exemple. Ouais voilà, et après ils te reversent de l'oseille suivant le nombre de minutes où les gens ils se sont connectés sur toi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Non mais parce que Romain qui arrive évidemment, on parle de ça, donc t'as fait ça j'imagine Romain parce qu'il arrive avec un sourire encore de pervers. Romain des réseaux sociaux, tu fais mais des toi, tu connais, en fait. Bah j'ai déjà vu des trucs camfort, oui. Oui bah tu connais le nom camfort. Ouais, bah, je suis pas débile non plus. Il est content, il se sent seul. Tu veux qu'on se donne rendez-vous tous les deux sur Camfort ce soir? Ouais, tu pourrais t'inscrire. Il est bizarre, un jour on découvrira un petit peu mieux ce nouveau personnage. Ah bah là, déjà petit à petit, on commence à en savoir beaucoup. Nouveau personnage du net. Trop d'ailleurs. Ouais, c'est ça, beaucoup il s'occupe trop, des réseaux ouais. sociaux dans l'émission. On le voit différemment déjà. C'est vrai. Donc, mais t'as déjà fait ça de te faire payer pour. Non, pas payer. Ah d'accord. Non, mais c'est ça que je voulais savoir. Non, lui, c'est un gogo qui va payer, lui. C'était pas une queue. Ça d'aller visiter. Ah ouais, ouais. T'as une sexualité triste quand même. Non mais agité. Non mais payé pour avoir une meuf à poil, c'est quand même. T'as autant aller sur YouPorn quoi. Bah il y en a plein qui le font, oui c'est vrai. Et donc si tu veux le faire, tu t'inscris sur le truc et te file de la thune chaque fois que tu gardes des gens. Ouais c'est ça. Hein. Il file un pourcentage quoi, parce qu'ils servent aussi évidemment. Hein. Évidemment. Ouais. Ah bah oui c'est logique. Bon alors pour. Il y en a qui sont gratuits aussi hein. Ah toi je vois qu'on tu te sègues beaucoup levier toi. Non mais ça peut se comprendre hein, ça fait un an que t'es dans ça. Ah c'est bien meuf. Tu veuilles le faire avec ta meuf. Et tu l'as jamais. C'est toujours mieux que de la faire cocu. Ouais. Justement tu l'as jamais trompé en un an toi. Justement c'est ce que j'allais vous dire là en ce moment vu que. T'es chaud. Niveau cam c'est pas trop ça et tout ça franchement je suis tenté d'aller voir ailleurs et. Ouais. J'ai pas envie d'un côté parce que ça fait 2 ans et demi que je suis avec elle. Ça serait con, t'as tenu un an comme ça, en plus tu vas la voir tous les mois, bon. Ouais, et puis tout ça pour une histoire de god, c'est triste. C'est vrai. Donc alors, elle ferait bien de se mettre un god. Faut bien faire des efforts quand même, celle-là. Ah, ça, c'est bien dit, Romano. Dites-nous si vous avez déjà fait ce genre de truc, donc les cams avec votre chérie, hein. Vous nous faites signe, vous laissez vos messages sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. On va faire un petit tour de l'équipe. Tu l'as déjà fait, Romano, tu nous as dit non, tu te branles en cachette, toi. Mais elle n'est pas au courant, tu l'as fait avec Cariole et Mamouta. Avec non, pas Mamouta. Hein. Et la gothique. Ah oh, ouais, tu l'as fait avec la gothique. Ah, gothique, ouais, je me branlais, ouais. Vous entendez ça quand même. Il l'a pas fait avec, il l'a fait une fois avec Cariole, mais il l'a fait tellement de fois avec la gothique, tellement qu'il l'a. Ouais, mais la gothique, elle était loin, elle. Ouais. Elle était en Bourgogne. T'as déjà fait, Karim, te branler comme ça avec une meuf à la cam Mais je t'ai dit, gros, l'autre fois, même toi, quand tu m'appelles, des fois, je suis en train de me branler, je continue à me branler, gros. Ouais, mais j'ai jamais vu ta bite, par contre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais je continue pas à me branler, mais je la bouge pour qu'elle reste dure. Non. Je sais pas toi, ce que je veux dire. Je te passe plus jamais un coup de fil. Pendant que tu lui parles, ah ouais, c'est mieux. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ça arrive souvent. Hein. Ouais, tu vas pas tout recommencer depuis le début. Ouais, quoi. C'est relou. Ok. Mais sinon, t'es jamais branlé avec une meuf en face, elle se touche, tu te touches, vous touchez. Genre en caméra? Ouais. Non, pas en caméra. Elle n'a pas voulu, elle déconnecte. Ouais, ouais, c'est clair. Non, au téléphone. Disconnected. Ça fait bloquer l'internet mondial. Samy, tu l'as fait? Ouais, j'ai déjà fait, moi. Moi, je trouve ça excitant, c'est pas mal. Ma bite et tout, une caméra. Je dis, il peut toujours y avoir des gens extérieurs qui regardent. Non, mais quand c'est

veulent quitter. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson, cribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te mailler. Me tiens par la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme autre tchum, mais oh, j'suis médaillé. Vamos, non, ce négro, allez, dalle. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas douter ces hyènes. J'suis pas un plat de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de pion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hyper que de gauche et droite. Tyson, Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran. Booba sur Skyrock, c'était DKR, le nouveau Booba. Tifoul, Radio Libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Ah, Booba pour démarrer la soirée. On a démarré tout à l'heure avec The Weeknd et Daft Punk. Booba pour suivre, c'est bien. Et surtout, vous tous et vous toutes en direct de toute la France, vous pouvez nous passer un coup de fil si vous voulez débarquer ici. 01 53 40 30 20. Blablabla. Et tu as du gros son à suivre ce soir, hein. Du Pitbull, du Florida. Allez. Floride, comme Miami, comme Booba à Miami. Hey, y en a dans ma tête. Hein. Ça fonctionne. Hein. Florida a retrouvé. Ghetto Phénomène et Jul. On ira à Marseille. On vous offrira Jul tout à l'heure dans la roulette. Les places de concert à gagner, c'est seulement sur Skyrock. Premier sur le rap, premier sur Jul. Drake avant minuit. PNL aussi, un extrait de l'album de PNL. Et on sera un petit Ken Jones pour terminer la soirée. Histoire de passer une bonne soirée jusqu'au bout. Et ben jusqu'au bout, restez avec nous. Hein. C'est en direct, c'est sur Sky. On salue Eminem Beach, on salue Blue, on salue Jess Loulou. Bonjour Jess Loulou. Kardashian qui est avec nous. Bonjour Kardashian, toujours là depuis le début. Il y en a plusieurs d'ailleurs des Kardashian qui ont laissé des messages ce soir. Mmh. Elle est un peu à la une de l'actu avec ses histoires de bijoux à 4 millions d'euros quand même. Elle a plus de bijoux. Elle a plus de bijoux. Elle a plus de bijoux. Fini. Ah bah non. Enfin, il doit en rester chez elle. Je pense 2-3 de côté. Elle va avoir une assurance. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui, bah on est prêts. On va revenir à Joe, le Parisien. Enfin, le Parisien, non, le nouveau Parisien. Avec soi. Ah ouais, avec ses sex-cams. Le Marseillais. Ses sex-cams et sa copine. C'est qu'on a eu des réactions. Il y a des filles qui vont venir en parler. Inès, de Béziers, du Sud en plus, qui est avec nous. On va la retrouver dans un instant, elle doit déjà être là. Le mec, il est chaud, avec plaisir, tu sais. Avec plaisir. Il en peut plus, Joe. Ah ouais, il va craquer, quoi. Tu es déjà là, Inès? Ouais, bien ou quoi? Ça va. Ouais. Ah, tu t'as vu la voix? Oh, le lover. Hein? La voix de pervers lover que tu nous as pris. Tu peux éteindre la radio, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est marrant, dans le standard. Je parle à l'antenne. C'est un nouveau truc. Ah oui, mais je me disais, mais il y a quelqu'un du standard qui parle. Parce que moi, j'entends la radio. Je dis, je crois que c'est Cédric. Tu peux éteindre la radio? Ah merde, ça a coupé du coup. Allô, allô. Ah non, mais ça a coupé. Ah ouais, c'est marrant. Donc en décrochant une auditrice. Tu peux éteindre la radio? Mais vous avez pas prévenu, c'est le nouveau réglage. Pour faire écouter un peu les coulisses. Et moi, je voudrais dire, tu peux pas éteindre ta radio, s'il te plaît, je m'entends double. C'était en fait, je m'entendais à la radio en fait. J'ai cru que c'était toi qui avais une voix de pervers. Joe, excuse-moi, c'était Samy la voix de pervers. Non, mais j'ai pas la radio, elle me dit. D'ailleurs, la meuf, tellement t'avais une voix de pervers, elle s'est barrée. Non, je parlais juste. Bon, on va retrouver Inès dans un instant. Donc il veut réagir par rapport à tes sexcams que tu fais avec ta copine. Absolument, oui. Donc en fait, tu te branles et tu. Est-ce qu'il va jusqu'au au bout, c'est la question que nous posait 124C sur SMS. Dans le sud, on sait jamais les choses à moitié. Hein. Ah bah tant qu'à faire. Mais tu lui montres quand tu jouis, elle est contente quand tu gicles? Ouais, franchement, elle kiffe. Oh, les questions. Le problème, c'est qu'elle voit plus rien, je les fous partout sur la caméra. Ah, il faut le faire proprement. T'sais, j'ai dégoulinade de foutre sur l'objectif. Voilà, j'adore. Oh ouais. C'est quoi les sites de cam sur lesquels vous allez? Si vous allez sur des sites de cam, là, on parlait de Camfort tout à l'heure. Moi, je sais, parce que dès que tu vas sur, des sites un peu de cul, genre Pornhub, YouPorn, ça te balance des espèces de fenêtres, il y a écrit Camfort dessus. Moi, je suis sur YouPorn, moi. Ouais, moi aussi, je suis pas trop cam, moi, perso. Hein. Non. Même pour regarder. Non, et puis payer, c'est bon. Ah non, mais payer. Ah ouais, ça, c'est sûr. Bon, on va y revenir. It's not possible. Ce n'est pas possible. J'ai bien compris. It's not possible. Ce n'est pas possible. Ah, trop cher. Non, mais ouais, moi, je sais pas, moi, payer pour ça, non. Bon, pour ça. Inès, je crois qu'on l'a retrouvé. T'es de retour, Inès? Oui, je suis là. Ah, très bien. Bah, bienvenue à toi. Donc, t'as 22 ans et t'es à Béziers. Salut tout le monde. Salut Inès. Je te présente Joe de Paris, mais qui habite à l'origine à Aix. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis. Et il y a Cam qui nous dit, moi, je suis de Toulouse, qu'on est bien dans le sud, là. Ouais. Vous êtes chauds, les sudistes, ce soir, là. Et mon ex était à Aix-en-Provence, encore, tiens. Et on se touchait au téléphone toutes les nuits. Il y a aucun problème. C'est normal. Amandine qui dit, un petit conseil à Joe, faut que tu lui en parles. Il y a, bien sûr qu'il faut qu'il lui en parle, elle nous dit, même. Amandine. Tu vois, Joe, il n'y a aucun problème. Les auditrices de Sky sont très ouvertes. Les deux non, mais bon, ta meuf, elle est ouverte. Le problème qu'il y a, c'est que toi, t'aimerais qu'elle s'ouvre encore plus, quoi. Non, ouais. Mais le problème, c'est que tu vois, par exemple, quand elle jouit, tu as vu, en fait, elle se cache. Ah, elle se cache, c'est très bien avant tout le début à la fin. Mais ouais. Mais je te comprends. Et toi, Inès, tu le faisais avec qui, toi? Bah avec mon copain. Ouais. On le faisait de temps en temps parce que vu qu'on n'habitait pas ensemble, etc., c'est un peu dur de se voir. Parle bien dans ton téléphone, Inès, parce qu'on te perd. Vous m'entendez? Ouais, vas-y, comme ça. Vas-y. Comme ça, vas-y. Continue. Ouais. Vas-y. C'est bon. Absolument, oui. Bah, du coup, ouais, on le faisait de temps en temps au téléphone, mais bon. Voilà, après, je trouve que quand même, il a de la chance, Joe, parce que il n'y a pas toutes les filles qui accepteraient de faire ça. Donc, ah ouais, même de montrer leur sein et leur schneck. Ouais, je pense qu'il devrait s'estimer heureux d'avoir une fille comme ça, parce que moi, j'accepterais pas de le faire à la femme. Ah, toi, tu ne te mets pas genre la chatte à l'air, quoi. Non. Pourquoi? Parce que t'es un peu comme moi, tu te dis, il y a peut-être des gens qui sont extérieurs à nous et qui le voient. T'es dans ta paranoïa ou pas? Je suis dans ma paranoïa. Hein? T'es complètement parano, toi aussi. Parano. Mais dis tout, tiens, est-ce que vous le feriez, vous? Vous êtes loin de votre meuf, vous êtes loin de votre gars, et il ou elle vous propose de faire un petit truc sur cam, tous les deux. Mais rien que tous les deux. Vous le faites ou vous le faites pas? Sondage express que je lance immédiatement tout de suite. Sondage express. Et pour s'exprimer, c'est facile. Vous allez sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. Vous y allez, oui. Vous n'y allez pas, non. Top sondage express. Top. Sondage c'est parti. Express. Donc moi j'ai répondu non, Romano. Ouais, moi c'est non mais bon alors attends. Caméra, oui. C'est une meuf avec qui c'est un peu comme Joe quoi. C'est une ta meuf fiable. Ouais, bah moi je le fais. Ouais. Tu le fais, Marie, tu le fais. Ah moi avec mon mec actuel je le fais parce que j'ai confiance. Vous savez que je me suis déjà mis l'ordinateur dans la chatte avec la caméra pour qu'il voit. Ah ouais. Et alors il a vu quoi? Parce que la caméra elle était sur mon Mac. Il a vu ses intestins. J'ai jamais fait, ça m'excite pas de le faire, mais avec mon mec actuel je le ferais. Tu le ferais, ouais. Karim, tu ferais ou pas? Ouais, moi je taperais ma bite sur la webcam. Pas après la webcam, elle purait la bite. Samy, t'as dit ouais. Ouais, moi je ferais direct. Putain, je suis le seul à pas le faire, moi. Paranoïa. Non, pas du tout. Inès, on est ensemble, Inès. Oui, oui. À donf, tous les deux là. Et Cédric, qu'est-ce que tu ferais, Cédric? Non, moi je ferais pas. Eh ben tant mieux. Ah, c'est venu du cœur, ça, tiens. Eh ben tant mieux. On va te donner les résultats du sondage express dans un instant, Joe. Et donc, ton mec, il te disait quoi au téléphone, Inès? Ben, comme Joe, genre qui croyait. Mais vous pouvez pas nous montrer tous les deux, faites-le là. Ah ouais, non, c'est Joe qui avait quelque chose. Inès et Joe, le grand spectacle. Et nous, on se branle pendant ce temps, ça vous dérange pas, j'espère. Ouais, sur Marie. Non, mais ça va pas, non. La chatte est comment là? Ouais, en fait, vous simulez des relations sexuelles, en gros. Ouais, voilà. Ouais, c'est là, tu me suces. Ah oui, je te suce. Oh oui, c'est bon. Oh, c'est oh. Ça. Ah ouais, mais ta langue. Ah, vas-y. Alors, vous le feriez. Ouais, moi je le ferais pour l'argent de mon Romano. Pour Vivi du 7-6, perso, non, tu le ferais pas. Avec une nana sûre, sans problème. Pour Good Vibes. Salut, Good Vibes. Ouais, c'est ça, faut être sûr. Moi, je le fais. Et quand je le fais, c'est vraiment chaud avec ma copine. Mathias, 20 ans, lui, il le fait. Sans problème pour Valentin de Lille. Non, je ferais jamais. Pour Jules, je t'aime. Une fille de 16 ans. Bisous, Jules, je t'aime. Moi, à Walpé direct, sur Skype en conférence même. Ah, lui, il le fera en public. Oh, bah super. C'est le câble HDMI de la PS4, le câble HDMI De la PS4. De la PS4 qui est là. Moi, j'ai pas confiance. Ah, paranoïa. Jess, qui nous les envoie un message. Sur Snap, j'ai déjà fait pour Coclic du 83, 23 ans. Salut à toi. Non, hors de question pour Nana 93, 15 ans. Non, pour Astrobal, une fille. Moi, j'y vais direct pour LOL, 20 ans. Ah, on va voir. Moi, direct, on l'a déjà fait. Ah, la blonde, elle l'a déjà fait avec son mec. J'ai peur qu'on me regarde. T'es comme moi, Tommy. Absolument, oui. Jamais je le fais. C'est trop facile à pouvoir accéder à une cam sans que tu t'en rendes compte. Je te regarde. Ah, merci. Tu vois, il nous donne raison, Inès. Merci, Dark Drac Walls. 18 ans. Toi, t'en sais des trucs, là. Ouais, à Walpé. Oui, mais d'accord, ok. Meeting. Techniquement, le mec, il y a quelqu'un qui peut, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de voir ta bite, quoi? Bah, c'est ma bite, il a pas à la voir. Non, mais bon, c'est un mec au fin fond, je sais pas d'où. Bah, s'il se branle sur ma bite, moi, ça me dérange, ah, bah, je m'en bats les couilles. Moi. Ah, bah, ça te dérange pas qu'un mec, il se branle moi, sur ta bite. Moi, là, j'en veux. Ah, Cédric, bah, Cédric, il se branle sur moi, donc. Non. Quel coach. Cédric, il me kiffe, quoi. Ouais. En secret. Alors, attendez, bougez pas, on a aussi Camille de Toulouse qui est avec nous. Bonjour, Camille. Et bonjour, Difoul. Bonjour, Camille. Toulouse, Béziers, Paris, Aix-en-Provence, la France entière est sur Sky, ça fait plaisir. Exact. Alors, toi, tout le monde. Ouais, c'est gentil. T'as 23 ans, toi, Camille, hein. Exact, ouais. Et toi, tu l'as déjà fait? C'est toi qui kiffes, on m'a dit? Ouais, moi, ça s'était très bien passé. On avait pris notre plaisir comme ça, vu qu'on habitait loin l'un de l'autre. Ouais, il n'y avait pas le choix, quoi. D'accord. Tu l'as fait avec plusieurs mecs ou tu l'as fait juste avec un mec? Avec deux. Un avec qui ça s'est très bien passé. Ouais. Et avec l'autre, il y a eu un petit incident, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Il a giclé sur la caméra, ça l'a foutu en panne. grâce à lui, tout Toulouse me connaît. Moi, j'espère pas. Non, toute la France m'a connu. Toute la France, carrément. Pourquoi il a fait le connard? Le mec a une star. Le mec a pris les vidéos et les a diffusées? Non, c'était une photo, en fait. Une photo de ma poitrine. Ouais. Et en fait, il y a eu. Enfin, je sais pas si c'est fait pirater ou quoi. C'était une histoire un peu louche. Et pirater, t'es sûr que c'est pas ton ex, non? Ça a été sa version. Ouais, et en fait, elle a fini sur un Skyblog à l'époque. Ah ouais. Voilà. Envoyé ta tête. Et non, ça va. Envoyé juste ma bouche. Donc, j'étais pas trop reconnaissable. Mais bon, ça avait tourné parce que la personne qui avait créé le blog avait rajouté en fait toutes les personnes, bien sûr, de mes amis. Et c'est des amis qui m'ont envoyé un texto en disant il y a ta poitrine sur internet. Magnifique. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Tes parents étaient au courant ou pas? Il existe encore le blog? Ouais. Dis-nous l'adresse, on va aller voir. On va vérifier. Ça s'appelait skyblog.com, mais je crois que ça n'existe plus. Ah, j'espère qu'ils te l'ont sorti. Romano, tu as sorti sa bite, ça y est. Mais non, pas du tout, mais je vais demander dans les archives qu'on vérifie. Je vais pas t'arrêter. Ah ouais, donc faites attention. Donc toi, tu viens rajouter à ma paranoïa et à la paranoïa de ceux qui disent non, j'ai pas confiance, comme Paco, tiens, du 33. Non, mais là, il y a rien du tout. Le mec, il a rien été piraté du tout. C'est lui qui a balancé la photo. Ouais, mais raison de plus pour. Non, mais je pense que du coup, c'est pour ça que sa copine, elle a peut-être peur de se lâcher aussi, quoi. Parce que je pense qu'elle doit y penser quelque part dans sa tête. Elle doit se dire. Ah ouais, c'est possible. Mais toi, Camille, là, le mec avec qui ça arrivait, là, la photo qui a fuité, là. Ça faisait longtemps que tu étais avec lui? Ça faisait quelques mois. Ouais, donc c'était plutôt un truc. C'était une relation, un peu particulière parce que je l'avais jamais vu en vrai, en fait. J'étais jeune. Je dois avoir peut-être 15 ans par là. C'était une amoureuse sur le net, quoi. Ah, d'accord. C'est ça, voilà. Ah oui. Voilà, il y avait que du sexe sur le net. C'est ça. Très bien. Bon, mais je bois un petit coca à votre santé, hein. C'est pour ça que je suis en train d'avaler, rien de sexuel. Je tiens quand même à préciser à tout le monde. Bon, bah, sympa pour le témoignage, Camille. On fera attention, hein. Ouais, voilà. Merci après, pour le témoignage. La deuxième fois, ça s'était bien passé, quoi. Enfin, il faut juste qu'elle se laisse aller et qu'il lui plante le décor et tout. T'entends? Faut vraiment. Plante le décor, Joe. Ouais, faut vraiment qu'il y aille doucement et tout, qu'il la mette à l'aise. Vas-y, Inès. Mais ça fait combien de temps qu'ils font ça ensemble? Joe? Moi, ma copine? Ouais. Ça fait depuis que je suis à Paris, ça fait un an à peu près. T'es mis avec et t'es parti, quoi. Ouais, juste après. Ah, c'est con. Ça fait deux années qu'on est ensemble. Ah. Et ça fait un an que tu fais ça sur les réseaux. Ouais. Sur Skype. Depuis que t'arrives à Paris, quoi. Ok. C'est ça. Bon, bah, Joe, essaye de la chauffer un petit peu. Faut la faire monter, hein. C'est ce que vous disiez, les filles, hein. Ouais, exactement, ouais. Et j'ai le résultat du sondage express qu'on a lancé il y a un instant. Et après, on s'occupe du clash avec Cédric et Romano. J'espère que Romano, tu as enfin trouver une méthode. Ah, mais aucun problème. Très bien. Et Cédric, j'espère que tu n'as pas oublié ta méthode, parce qu'il est capable d'oublier la méthode. Non, t'inquiète, j'ai ma méthode. Je m'en rappelle plus. C'est la méthode webcam. Eh, je vois que tu t'es cassé le cul ce soir. Avant de te le faire casser. Ta méthode à toi, connard. Moi, je suis agriculteur, mec. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais, je suis agriculteur. Parce que c'est un bourguignon. Et moi, je sors, je vais labourer la femme. Labourer la femme. Les résultats du sondage express, je vous ai demandé est-ce que vous le feriez ou pas. Ouais. C'est assez serré, mais plus de oui que de non. Vous êtes 57% à être OK pour le faire sur cam avec votre copine. Eh bien, allez-y, faites-le. Donc, avec t'es majoritaire, Joe, Camille aussi. Et vous êtes 43% à dire non. Ouais, bah quand même, hein. 57 et 43, Marie, ça fait. Ça fait 100. Eh bien joué, bravo. Ouais. Bravo au téléphone. Vous savez qu'on a répété, on a répété avant l'émission. Prix Nobel de mathématiques. Ah, ouais. On répète depuis vendredi. Donc il y a ceux qui disent j'ai pas confiance, je ferai pas. Donc ils sont 43%. Et ceux qui disent ok, pas de problème, moi je me branle avec ma copine sur ouais, comme mon mec. Hein. 57% disent oui. Voilà pour la réponse du sondage express. Donc Joe, continue. Et comme le disait Inès, t'es pas satisfait à fond, mais c'est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, est-ce que vous pensez que ça peut durer comme ça ou pas? Bah, de toute façon, tu leur vois mais tous les mois, ça donc peut oui. Durer comme ça. Bah oui, tu leur vois tous les mois, c'est bien déjà. Bah, nous, du côté féminin, en général, on est plus fidèles déjà que les garçons. Ça y est, c'est vrai. Bah, tiens, on va te présenter Marie. Ouais, tu vas voir. Exemple de fidélité. Bah ouais. Non, mais Marie, on s'entendrait bien. J'aime bien la bière aussi. Ça, c'est cool. Après, on couchera ensemble, ma chérie. Voilà. Pas de problème. Quand tu veux. Ah bah, tu vois. Donc, non, et Joe, t'es un exemple de fidélité, toi. C'est bien. Oui. Alors je vous ai demandé quels étaient les sites de cam sur lesquels vous allez. Camfort, ok. Il y avait Nikita Bellucci la semaine dernière et c'était chaud. Il y en a qui se sont branlés dessus. Samy et une boîte pervers au standard, on sait. Non, je parle doucement. Shalawa, elle va sur Bonga Cams. Je connaissais pas ça. Bazookam, ça je connais. C'est Eliam qui va faire un petit tour sur Bazookam. Camfort, c'est gratuit, Romano. Faut juste attendre que les autres pigeons payent pour toi. D'accord. Les cams, Romano, oui, c'est trop bon. Si le feeling passe, la meuf, elle fait tous les trucs que tu veux et qui te font kiffer de ouf. Il est où, lui? T'as pas dit où t'étais. C'est Axo, 29 ans. Toi, t'es un show, hein. Non, mais ils connaissent, hein. Chatroulette, ouais, bon vu. Bah, moi, je préfère YouPorn. Bon. Oui. Chacun son truc. Et puis là, t'es moins sûr que c'est gratuit. Ah oui. Eh ouais. Il y a un autre site, c'est Cam. Ah, attendez, bougez pas. Nous avons Romain des réseaux sociaux. Oui, quel site? Non, c'est Cam Sexy. Cam Sexy. Ouais, là, il y a des hommes qui se mettent nus. Et là-bas, Romain, il sait faire caler. Parce que. Cam Sexy, c'est pas donné, la minute. Hein. Ah, minute non, c'est entre 1,60 et 2,60. Ah, bah ça, non, c'est. Non, mais cher. Faut être complètement. Mais tu payes comment, ce bordel? Bah, j'ai pas ta carte. Ouais, t'as un compte. Et puis ça débite. Débite, il y en a là-dessus, je peux te dire aussi. Ah ouais, donc la meuf doit prendre son temps, tu sais, avant de se déshabiller. Non, mais bien sûr. Évidemment, Marie. Tout, bah ouais. Bah oui. Ça va te coûter une blinde. Bon, bah écoute, très bien. Tu vas oui, c'est clair que la meuf, oui, c'est pas au bout d'une minute qu'elle va se foutre un truc dans le cul. Ouais. Non, ça c'est. Ah non, là, attends, je pense qu'elle te saigne bien une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure, et ouais. Après, éventuellement, elle enlève son soutien-gorge. Non, mais certainement. Tu vas la revoir quand, ta copine, Joe? Là, normalement, j'y vais dans 15 jours. Ah, si elle nous écoute. Ah, elle va prendre cher. Ça va être chaud, ma chérie. Ah ouais, mais quand. Elle va en prendre pour son grade. Ouais, quand vous voyez, vous faites l'amour pendant une journée, non? Ah, ben ouais, franchement, quand on se voit, genre, on se voit généralement 3-4 jours. Ça baisse tout le temps. Sincèrement, on fait que ça, en fait. Ouais, bah, ouais, normal. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Et après, elle boit pendant une semaine. Pour l'instant, c'est pas possible parce qu'elle fait ses études là-bas. Et ouais, elle est Aix-en-Provence et toi, t'es à Paris. Moi, mon travail, il me demande beaucoup trop de temps. Non mais c'est bien, moi je trouve vous avez une relation assez sympa, vous voyez quand même tous les mois, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est pas beaucoup hein, quand on est amoureux, parce qu'elle doit te manquer, mais une fois par mois, c'est quand même pas mal. Et là qu'ils se voient qu'à l'occasion des vacances, hein, qu'ils sortent ensemble, ouais, c'est vrai. Qu'ils se voient que pour les vacances. Bah oui, c'est, moi, oui, c'est vrai. Ouais. Ah mais ça c'est pas possible ça. Ah difficile. Ah tu sais quand t'es amoureux, tu arrives à tenir le choc. L'amour est plus fort que tout. Bah écoutez, merci pour les messages. Joe, on te remercie. On prend des nouvelles, tu vois. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison à Paris, donc maintenant que tu es parisien. Ouais, c'est ça. Il se continue rester en plus, hein. En plus, ouais, très bien. Ouais. Bienvenue, parisien. Tu sais, parisien est la ville où il y a le plus de provinces en France, hein, donc. Allez, Loam! Oh là là, mais qu'est-ce que vous nous avez fait hier? À une minute de la fin du match, vous gagnez? Même pas, une seconde, gros. 93e minute. Comme d'hab, tu sais, c'est troisième match en quatre matchs. Vous faites baiser. Où on se fait baiser dans les arrêts de jeu. Vous avez fait combien? Ils vont revenir plus fort. Si je te dis que ça m'a fait mourir de rire, est-ce que tu me crois? Ouais, moi pas trop, moi. Ah, j'étais mort de rire. Je t'assure que j'étais bordelé. Parce que pour une fois, on tenait une victoire à l'extérieur. Et là, je regarde le match et je me dis, je vais pas regarder jusqu'à la fin. On se fait le baiser. Et là, putain, ils ont gagné les Marseillais. Samy, il va être content. Et après, j'ai Karim au téléphone. Et qui t'a dit un partout. Et qui m'explique. Je fais, ah, t'as vu Marseille, ils ont gagné, fait chier. Hein. Et il me fait, ils ont pas gagné, ils ont perdu à la dernière seconde. Non, on a pas perdu. Ouais, mais c'est tout comme, gros. Non, bon, c'était un vieux match, gros. De toute façon, on méritait pas mieux que les Angers-Marseille. Ouais, c'est vrai, Samy a raison. Et sinon, les Stéphanois, vous allez bien après, vous avez plus mal au fion après la défaite d'hier contre Lyon. On a failli marquer 7 buts. Ouais, mais sinon, vous en êtes pris 2 et vous en avez mis 0. Ouais, en fait, c'était au final, c'était contre les Lyonnais hier. Tiens, on aura des places de foot à vous filer pour aller voir les Bleus. Prochain match des Bleus, c'est vendredi au Stade de France. Et on filera des places dans le morning à 8h-5 à partir de mercredi. Yes. Après-demain matin, vous chopperez vos places pour aller voir les Bleus. Toujours derrière les Bleus, les Français. Alors, on joue contre qui? C'est une très très bonne question. Je sais pas, moi, la meuf qui est complètement largue. Non, non, mais tu as raison, Marie. Bulgarie. C'est une bonne question. Ce sont nos amis bulgares. Ouais, ah, d'accord. Après. Okay. France-Bulgarie, qu'on va vous offrir. Okay. Voilà, c'est un match qualificatif, c'est ça? C'est France-Bulgarie? Ouais, c'est ça. France-Bulgarie, après, il y aura Pays-Bas. C'est qualificatif France. Pour le mondial. Pour le mondial, ouais. Coupe du monde. C'est important. Match à... évidemment, Marie. Ah ouais. Donc, à gagner, le match, c'est vendredi, c'est ça? Ouais. Et on le suivra, et on le suivra dans la radio libre, évidemment, vendredi soir. Merci Joe, raccroche pas. Je vous en prie, merci à vous, équipe Big Up. Salut à toi. Et salut. Bon courage à Paris. Hein. Et puis Camille, on te fait un gros gros bisou à Toulouse. Merci pour le témoignage. Ouais, gros bisous à toute la team et je vote Romano. Merci Camille, bisous. Ça tombe bien parce qu'on va y aller. Et Inès, gros bisous à toi aussi. Oui, et je vote Romano aussi. Merci. Tu entends, Cédric? Merci, public. Tout le temps en plus, Romano. Je suis trop content de t'avoir au téléphone. Bah non. Ah non, ben là, pour le moment, il n'y a personne, Cédric. Si tu peux demander à Joe, tu votes pour qui, Joe? Moi, je vote pour... Ça en fait trop. Cédric, on te fait un bisou sur ta clavicule cassée, quand même. Ah, vous avez bien du courage. Merci. C'est, ça doit sentir bon, là. Vous êtes sympa, c'est parce que c'est de loin. Voilà, oui. De loin, voilà. Cherche pas. Bon, Cédric et Romano, le clash. On va y aller tout de suite. Vous êtes prêts tous les deux. Donc, Cédric, ta méthode, c'est la méthode de la webcam. Heureusement que Joe, t'es arrivé avec ton histoire de webcam. Sinon, Cédric, il était mal ce soir. J'étais en hasse. Ouais, j'ai sauvé ce soir. Ah, tu lui as sauvé la life. J'ai d'autres méthodes, t'inquiète pas. Il en a plein. J'espère qu'avec ce que tu fais depuis un mois, c'est-à-dire absolument rien, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir à tes méthodes. Tu as remis en place de nouvelles stratégies de drague, tout ça, hein. T'inquiète pas, il y a tout qui est en place. Ça m'étonne pas. Au fait, Cédric, j'ai vu avec la compta, c'est bon, tu ne seras pas payé ce mois-là pour tes absences. Bien sûr, tu récupères mon salaire. Oui, aussi. Exactement, oui. T'as tout compris. On se le partage, Cédric. Putain, on va bien, être bien là. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'il est riche, Cédric. Hein. Ah ouais, ouais. Il va pas comme ça. Il pèse. Il pèse dans le game. Quoi. Il baisse pas, mais il pèse. Ah ouais. Donc, méthode de Cédric, la webcam, méthode de Romano, l'agriculteur. Moi, je suis agriculteur. Demain, je dois labourer un pré. Je vais m'entraîner sur la bonne femme, je vais la labourer ce soir. Ou l'homme moi, d'ailleurs. Je vais chauffer sur le net avec des webcams et du coup, j'ai envie de baiser en vrai. Quoi. Ok, Cédric. Donc, on te retrouve tout de suite, Romano aussi. On met la pub en speed, ça va pas être long. On écoute Pitbull et Florida, comme ça on aura le temps pour le clash juste après. Prépare ton fion, Cédric, mets un peu de vaseline, ça va passer tout seul. T'inquiète pas, je suis prêt, mon pote, en direct. Il est prêt à se faire enculer. De toute façon, tu vas te faire enculer dans une semaine par un tuyau, donc autant te préparer avec Romano. Ouais, c'est clair. Ce soir, on lui prépare le trou du cul pour sa coloscopie, voter Romano. Allez, le clash arrive en direct, c'est sur Sky évidemment. Et puis de vous les Florida aussi. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims, Maître Gims, et Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul, c'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigand. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec l'Inana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. So est un étudiant brillant. Son frère, un caïd de Marseille. Moi je ramène les sous, toi tu ramènes ton diplôme. Quand son frère se fait descendre, So est prêt à tout pour le venger et découvrir la vérité. Maintenant qu'on a commencé, on peut plus reculer. Chouf, un film de Karim Dridi. C'est nous ici, tu as compris? Chouf, ouvrez les yeux, mercredi au cinéma. Chouf. Avec Skyrock. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW.

Ça va les filles. Allô, tu fais le beau gosse dessus. Ouais, ça c'est un son pour faire beau gosse. Ouais, c'est clair. Donc demain il nous fera son morceau en live. Mac Miller qui vient des States. Ce morceau il s'appelle Dong. Pas Bang, Dong. Dong. Dong. Mac Miller, son découvert sur Skyrock. Et ça cartonne aux States, hein, Mac Miller. Ça cartonne aussi sur Sky. Et demain soir, il viendra nous rendre visite. On parlera des États-Unis. Et puis il nous fera surtout son son en live, hein, demain soir. Entre 21h et minuit, dans la radio Libre. Il va s'en passer des choses cette semaine. Ouais. Cédric Romano, vous êtes là, vous êtes beau. Non. Mais vous non. êtes là. Oh, non, non. C'est déjà bien. Ouais, ça va. Alors, Romano, t'es beau. Ah bah plus beau que Cédric, oui. Cédric, t'es beau. T'as vu ta gueule. Ouais, sérieux, je t'ai encore vu hier, mais t'es monstrueux, mon pote. Ouais, je pensais te le dire, parce que je suis correct. Hein, mais bon. Donc Cédric en direct de sa chambre d'hôpital qu'il quitte demain. Demain, retour à la maison. Ce que je disais tout à l'heure, retour dans ta maison qui pue, tout ça. Ouais, mais les gens de l'hôpital, ils vont faire une fête quand tu vas partir. Ah ouais, il y a une fête qui est prévue demain à l'hosto, d'ailleurs. Grosse soirée. Là. Ah, une rénovation également de la chambre. Ah ouais. Condamner la chambre. Demain, il y a les ouvriers qui arrivent. Ouais. Mais casse-toi. Bah, il y a des taches partout par terre dans la chambre de Cédric. C'est dingue, des taches de caca. Non, franchement, ouais, l'hôpital loutait l'hygiène moyen, quoi. Non, mais, Ah ouais, c'est vrai. Cédric, faudrait la nettoyer toutes les heures, la chambre, pour qu'elle soit propre. Non, non, mais, c'est en fait, il est coulé du cul pendant une semaine, maintenant. Non, mais par exemple. Non mais par exemple dans le lit d'à côté, tu vois, il y avait un mouchoir avec du sang dessus, sa carriole elle a vu ça, c'est là où elle a failli tourner de l'œil. Mais tu sais le truc il traînait sur le lit du mec d'à côté. Ah mais il était pas là le papy là. Non non, il était pas là. Bah quoi là, le papy. Il est rentré là, justement c'est ça, je suis sorti dans le couloir parce que Il est là, le mec il a 60 piges, il est pas là. Ah ouais, c'est le nouveau copain de Cédric. Là, oui. Cédric il a un copain. Il est allongé, c'est sûr, je vais pas le déranger. Pour le clash. Ouais, bah ouais. Bon, bah, on y va vite, alors, pour le clash. C'est parti. Dans un instant, on aura Rico qui sera là, avec nous. C'est le harcèlement, Rico. On saura si c'est lui qui harcèle, c'est lui qui se fait harceler, par qui il se fait harceler. On va savoir, ouais, on va connaître la série, ouais. On saura tout ça. Mais d'abord, place à l'amour, à la drague, à la séduction, place au clash de la drague. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Mais oui, donc ils sont là, je vous l'ai dit. Romano d'un côté, Cédric à l'hôpital. Et donc vous allez pouvoir voter pour celui que vous préférez. Vous savez comment ça marche. Changement de méthode. Pourquoi tu changes de méthode? C'est jamais bon. Parce que j'ai une nouvelle méthode. T'inquiète, tu verras. Ah, c'est la méthode de la coloscopie que Karim t'a donnée au téléphone. C'est ça. C'est une bonne méthode. Ça. Parce que Karim a gagné, il se dit qu'il va gagner. Ouais, avec. Parce que moi je suis un winner, tu vois, donc je donne des techniques de winner. Ouais, ça va, combien de fois je vous ai piné là, les non, pucelles mais, avant. Ta gueule, je t'ai baisé, man. Non, non, mais c'est toi qui vas fermer ta gueule, parce qu'on vit pas dans le passé ici, quoi. Dans le passé, c'est pas si vieux que ça, c'était vendredi, Romano. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je t'ai baisé. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est bien. En fait, à chaque fois que je dis un truc, je vais me faire caler par Difool, c'est sympa. Ouais, ça va, ça va. En tout cas, oui, je suis vénère, mais tu sais, c'est dans deux minutes, je peux aussi ne pas le faire, le clash. Wow, ouais, c'est comme ça. C'est quoi, bon, bah, moi je vais rentrer chez moi. Alors qu'est-ce que c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain matin. Non, oh, les gars, je fais caca par terre. Ah bah cool. Il faut du foutin. Non, c'est toi le plus fort, Romano. Non, non, moi j'ai pas dit ça. Le plus beau, t'es le plus fort. Non, j'ai pas dit ça non plus. C'est Romano. Dans l'adversité, tu pourrais être encore meilleur. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Bah ouais. Tout le monde t'es là, t'es, tu vois. Eh ouais, fier de nous. Je suis bien les conseils d'un Marseillais. Je vais pas non plus me laisser faire. Tu vois. Mais voilà. Au niveau de la win, on se fait chier. Au niveau de la win, les Marseillais ils sont bons. Et on perd quand même, tu vois. Bon, c'est pas grave. Bon, alors on y va. C'est parti pour toi, Cédric, avec ta méthode de la coloscopie. Donc, tu nous fais une petite démonstration là maintenant, tout de suite. Et, allez, c'est parti, mon Kiki. Juste après, c'est Romano qui enchaîne. Et on voit si on fait un tour, deux tours. T'es où? T'es dans les couloirs de l'hôpital, là? Ouais, bah ouais, je suis dans les couloirs. Magnifique. T'as, il va choquer tout le monde. Ça, ça résonne un petit peu. Allô, Christophe? Allô? Allô, Christophe? Allô? Pas. Ah, merci, ma chérie. Merci, ma chérie. J'appelais pour toi, justement. Ah bah. Allô? Ah. Allô, Christophe, comment ça va? C'est... Ouais, ben je me présente, moi c'est Michel, je suis médecin en coloscopie, et j'appelais justement pour faire une petite coloscopie pour ta femme, pour voir qu'au niveau de l'anus tout se passait bien. Bah, qui c'est ça? C'est je voulais venir la soir à la maison avec avec ma grosse caméra entre mes jambes et puis faire une petite coloscopie à ta femme, tu vois, dans son anus. Bah, allô pas... Hein? J'ai pas de temps à perdre, écoute. Non, non, mais on perd pas de temps, hein. Je viens, je m'occupe de ta femme, ça prendra un petit quart d'heure, 20 minutes, et puis voilà, nickel, hein. Si tu veux, je peux t'en faire une à toi aussi, histoire de vérifier que ton anus se porte bien, et puis voilà, quoi. Ouais, bah, t'as de l'humour, dis donc. Ah, ça grave. Ah, attends, hein. Je suis un médecin plutôt sympa, moi, tu sais. Ouais, je vois ça, ouais, surtout con, mais bon. Bah, écoute, si tu veux, je peux venir à la maison, puis tu me diras ça en face. Écoute, j'ai pas besoin de te voir, hein. Bah non, je verrai ta femme, ça suffira. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, annonce-lui la bonne nouvelle. Dis-lui de préparer son petit anus. Tu cherches quoi, en fin de compte, là? Eh ben, je cherche l'anus de ta femme. Ouais, donc tu cherches la psychiatrie, quoi. psychiatrie. Ouais, je sais pas si. T'es pas loin, si Cédric. Quand même allé en psychiatrie, mais ouais, ouais, bah, c'est pas loin, ouais. Ouais. C'est le bâtiment d'à côté. Ok, bah écoute, tu peux aller là, moi. Écoute, amuse-toi bien. Bah, dans 5 minutes, je suis là et je m'éclate avec ta femme. Ouais, bien sûr. J'espère qu'elle va pas y prendre goût au moins. Voilà. Allô ? Voilà. Je crois qu'il est parti, l'homme. Cédric, la méthode de la colposcopie, je l'ai fait mercredi dernier. Ah merde, merde. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une super méthode, tu vois, hein. Cédric, je suis vraiment merci bonne de m'en informer. Je me rappelais même plus, mais on m'en a informé. Tu l'as fait mercredi, bon, tiens, moi je me rappelais plus non plus. Mercredi dernier, justement, parce que tu nous avais parlé de ta coloscopie, j'avais fait ça pour te rendre hommage. C'était gentil ah comme bah, tout. Ah, gentil. Eh ben voilà, Cédric. J'espère que ça t'handicapera pas pour, Tu sais, y a pas besoin de ça pour qu'il le soit. Je sais. Et, Cédric, par contre, le truc de la psychiatrie, c'est pas con, t'es dans un hôpital, ils ont peut-être un truc psychiatrie. Ah bah juste à côté, ouais, y a un bâtiment. Le seul problème, c'est que la psychiatrie, ça soigne le cerveau. Ouais. Et qu'ils sont toujours en train de le chercher. Oui, ça c'est le problème, ça. Je vais peut-être y aller demain, alors. Bon, Romano, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation exceptionnelle, on peut le dire, de ton adversaire? Bah écoute, au moins... Toi, ça a l'air de t'aller, hein. Non, mais ça a été moins rapide que certaines fois. Ah, tu vois. Bon, pour se terminer par un échec complet, mais au moins tu l'as tenu un peu, le mec. Ah, tu vois. Non, mais t'as déjà dit allô et le mec s'est barré direct, hein. Toi, on appelle chez Madeleine. Madeleine. Ouais, c'est peut-être pas elle, c'est sa famille, quoi. Bah, j'espère. Romano, tu appelles Madeleine. C'est pas contre les Madeleines. Ah, mais parce que Madeleine, ça sonne pas super jeune, quoi. Ça me fait penser aux gâteaux, moi. Ouais, c'est quoi? Ça, les gâteaux de vieux. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fait penser à une vieille. Ah, bah, c'est ça. On reste dans le vieux. On reste dans la guanille. Non, mais je crois que Madeleine, elle est couchée. Tu crois qu'elle est couchée? Elle doit manger ses gâteaux, là. Bon, Madeleine. Malheureusement, on ne découvrira pas la belle voix de Madeleine. Moi, dommage. Tant pis. On va passer à qui pour moi, du coup, là? Ah, t'as envie de changer de numéro. Ouais, parce que Madeleine, ah bah ouais, tu pas attendre trois plombes parce que Madeleine, je crois qu'elle viendra plus. Hein. Moi, Madeleine. J'oublie Madeleine. Alors on va chez qui? Allez, on va chez Jean. Allez vite. Allez, Jeannot, on attend. Ah. Ça sonne. Ah, voilà, ça y est. Jeannot, il est pilon à la détente. Un petit peu. C'est Jeannot. Jeannot se fait désirer. Hein. C'est une méthode pour séduire, ça. Ah. Allô? Ouais, bonjour, c'est Jean? Ah non, c'est pas Jean, non. C'est qui, là? Vous êtes pas chez Jean. Ah, t'as une femme, toi, de toute façon. Allô? Allô? Allô, la connue, tu as une femme? Bah oui, pourquoi? Ah, ça tombe bien, parce que je suis agriculteur. Demain, je commence à labourer. Ce soir, je commence par ta femme. Je viens la labourer un petit coup, là, dans 5-10 minutes. C'était pour te prévenir. Ah ouais? Ouais, ça te pose pas de problème que je passe à la baraque vite fait. T'es qui toi? Moi je m'appelle Jean-Louis, je suis agriculteur là dans le coin là. On a dû se croiser déjà sur mon tracteur. Et je vais arriver dans 5-10 minutes là pour labourer ta femme. Bah je suis pas agriculteur moi. Ouais mais c'est pas grave, ta femme elle est là de toute façon. Moi je peux la labourer. Non mais elle est pas disponible hein. Elle est pas disponible, elle a ses règles. Bah écoute, ce que je vais faire c'est que je vais venir et je vais m'occuper de toi. Ouais, d'accord. Dans 5 minutes, j'arrive et je te fais l'amour. Ouais. C'est toi que je vais labourer. Ok. Et je crois que je vais planter mon poireau dans ton cul. Oh. On va commencer les plantations. C'est Cédric, il est dégoûté. Cette saison. C'est la carotte. Eh ben, je te dis à tout de suite. À dans 5 minutes, mon amour. Très bien. Et en plus, sans avoir le vrai prénom. Bah ouais. Bon, je sais pas. Du coup, on saura jamais comment il s'appelle, ce non, mec. Sébastien, parce qu'il y avait deux. Ouais, ok. Ah, c'est pas ce que... pas de mauvaise foi, Cédric. C'est pas ce que nous dit Magali, là, sur SMS. Magali, oh là là, Romano, l'agriculteur, trop sexy. Ouais, ouais, je trouve aussi, ouais, ça, hein. Sur mon petit tracteur. Trop sexy. On a pas un tracteur, je ferais bien une photo sur mon, sur la tracteur. Si vous avez un tracteur, n'hésitez pas à le refiler à Romano. Un tracteur en majorette, ça marche très bien, mon dossier. Ouais, tu vas être bien. Ouais, nickel. Oui. Bon, on fait un deuxième tour, Cédric, on s'arrête là. Oh oui, quand même. Ah, vas-y, on fait un deuxième tour. T'es sûr, hein, parce qu'on voudrait pas te fatiguer, t'es à l'hôpital, t'es dans les couloirs de l'hôpital, non, tout non, ça. Non, non, non, on voudrait pas déranger. T'es peut-être encore faible. Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel. Alors, tu as entendu le correspondant, lui, il veut pas faire deuxième tour. Est-ce que tu veux faire un deuxième tour? Est-ce que Cédric, tu veux abandonner? Non, jamais de la vie. Non. Bon, eh ben, c'est parti. C'est ton dernier coup de téléphone. On fait un deuxième tour et c'est fini. T'es peut-être encore trop fatigué, malade. Non, t'inquiète pas, on va chez qui, là? Jean-Paul. Ouais. Pourquoi l'émission de Cédric l'a fait au téléphone? Parce qu'il est à l'hôpital, Cédric. C'est pour ça qu'il l'a fait au téléphone. C'est Valentin qui vient d'arriver. Bonjour Valentin, 16 ans du 75. Il continue sa comédie, ça fait 3 semaines. Bonjour. Bonjour madame. Salut beauté. La comédie connard, j'ai chez Marat pendant 4 jours. Ouais. Ah mais ouais, t'as qu'à arrêter de bouffer de la merde. Bien dit ça. Ça ça fait des années qu'on te le dit, Cédric. Il a fallu que tu tombes malade, que tu te retrouves à l'hosto pour vraiment commencer à nous croire. Et pourtant, tous les auditeurs et nous, on te le disait. Oh, cinéma. Attention, que tu vas voir, te faire mal au cul. Ouais. Cinéma. J'ai mal à l'épaule. Ouais. J'ai mal au cul, putain. Cinéma, man. Vous êtes bien chez monsieur et madame Dubois-Michel. Bonjour, la famille Dubois-Michel. Allez, Dubois-Michel, allez. Allez, allez, allez, allez, allez. On enchaîne. C'est qui on va? Ah, j'ai mal, je suis malade. Bah, fais-toi soigner, ne casse pas les couilles. Voilà, demande-leur de la morphine. Ouais. Ça te va bien, la morphine? Vous m'entendez, la team Romano, la team Lebel, il faudra voter pour moi tout à l'heure. Je suis très malade et je suis présent quand même. Bon, ce soir, on l'achève, votez Romano. Hop. Soutenez-moi, votez. Oui, il souffre trop, c'est ça, Romano? Ouais, ouais, allez, ça sert à rien, il n'arrête pas de se prendre. Ouais. Bon. Et Cédric, le médecin de la coloscopie, parce qu'il dit le médecin, c'est un gastro-entérologue. Marie, elle est sonnerie. Voilà. Allô. Allô. Oui. Allô. Ouais, bonsoir, comment ça va, ma belle? Allô. Oui, je vous écoute, mais qui c'est qui est à l'appareil? Oui, bah c'est le médecin, je vous appelais pour la coloscopie, je voulais venir ce soir à la maison. Je voulais vérifier que ton anus allait bien ce soir, avant que tu aies dormi. C'est les gens, bande de cons, va. Voilà. C'est vrai que ça foutre d'emmerder les gens, hein? Bah, moi, c'est des conneries, c'est pas possible, hein? Je voulais que tu passes une bonne nuit, de beaux rêves. Oh ouais, bah toi aussi, connard. Bah écoute, je peux venir à la maison dans 5 minutes et puis tu verras. Non, je crois que Cédric. Bravo, ouais. Cédric. Ça, c'est un appel qui était pas mal. Non, mais bravo, Cédric. On va nous la foutre un bout d'air. Au moins, il se passe des trucs, oui. Connard. Elle va bien dormir, tiens, par exemple. Ah ouais, tu l'as mis au centre pour la nuit, elle. Ah ouais, un bout d'air. Bon, t'es content, ça nous fait plaisir. Ah, il y a plusieurs messages qui nous disent que tu fais mal à la tête avec ta maladie. Ça, c'est le message de Carmelo. Il y a Jules qui nous dit pleurnicheuse Cédric. Cédric qui fait la victime pour Liam. Salut Liam. Salut à toi. Bon, ouais, Cédric, tu fais ton deuxième coup de fil. Romano, est-ce que tu prends ton deuxième coup malgré la réussite du premier? Ouais, vas-y, envoie. Tu le prends quand même? Bah, tant que c'est gratuit, c'est toujours gratuit. Oui, c'est gratuit. Bon, bah, je prends. Bon, si c'est gratuit, tu prends, c'est parti. Deuxième coup de fil, et après, vous allez pouvoir voter ou pour Cédric ou pour Romano. Oh, Trailoff nous dit, il est nul en drague, Cédric. Vous trouvez? Non, n'importe quoi. À peine. Ah, défends-toi, Cédric. C'est qui? Hôtel Vistail, Bordeaux Sud, tu dis bonsoir? Oui, bonsoir, Sybille, comment allez-vous? Sylvie, oui, ça va. Oui, bonsoir Sylvie. Tu es seule ce soir à l'hôtel? Pardon? Il reste des chambres de disponibles? Ça fait flipper. Non, on a peu de chambres. Ah bah c'est nickel, je vais venir dormir avec toi du coup. Voilà, d'accord. Eh bien j'arrive dans 5 minutes, bisous chérie. Et là même là il sert. T'as même une meuf qui tape. Ah non, mais c'est clair, ça. T'as un cul. Vous auriez pu me prévenir si c'était un hôtel, parce que. Surprise. Moi, le laboureur, j'arrive comme un connard sur le tracteur, sur le parking de l'Ibis. Ah, mais faut s'adapter. Ouais, mais c'était à la campagne, donc il y avait moyen, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair. Bravo, en tout cas, Romano. Bravo, Cédric aussi, pour la démonstration, les méthodes et tout le reste. Et là, je te dis. Top vote, il est 22h11. C'est vous avez parti. Jusqu'à 22h16, en effet, Marie, comme tu le dis. C'est parti. Regarde, Sandrine Pilou, Cédric a un message pour toi. Même si je suis triste pour Cédric, je vote Romano. Go, go, go, team Romano. Wow, wow, wow. Bisous, Sandrine Pilou de 06, une fidèle de chez Fidèle. Votez tous Romano ce soir, mes amours. On reprend la coupe tous ensemble. Ahmed nous dit pro-établissement, Cédric. Et je vote Romano. Bon, ce soir, moi, deux appels de serrage, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Oh, quel mytho celui-là, il n'a rien serré du tout. Je rappelle quand même que. Avant la coloscopie, ce soir, c'est une romanoscopie qu'on va lui faire. C'est ça. Vous voulez faire une romanoscopie à Cédric? Votez Romano. Votez Cédric, la famille, au contraire. Au contraire de quoi? Dans ces moments difficiles. Mais fais-toi soigner, tu nous fais chier. Et donc Cédric, lui, ça veut que vous votiez pour lui parce qu'il est malade. Ça dure 3 votez semaines. Votez pour moi, ça me soulagera et ça me soignera. Bon, allez, votez Romano, on l'achève, on n'en peut plus. Allez, à vous de voter, vous déchirez tout, vous nous laissez vos donnez-moi messages. Votre amour. Pour la première fois, je vote Cédric, nous dit Maiden. Attention Romano, attention. Erreur, Maiden. Ah, je vote Cédric par pitié pour Moumous. Attention, oh là là, attention. Par pitié carrément. Pro rétablissement le Belge. Bon rétablissement le Belge, mais je vote Romano, c'est Minimoy. Le talent à l'état brut, c'est Romano. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est Jules. Bon, vous votez, allez-y, parce qu'on ne sait jamais. Regardez, Romano a par exemple perdu son clash de vendredi. Bah, ça arrive, hein, c'était le premier depuis la rentrée. Ouais, mais Cédric, tu dis c'est vrai, mais c'est pas contre toi du con. C'est vrai, c'est con. Ouais, je m'en fous, mais t'es avec mon soutien quand même. Bon, vous votez, vite. que le meilleur gagne. Il faut quand même que je vous en raconte une bonne, que Cédric m'a raconté. Ah ouais, raconte-nous, man. Alors, vas-y, vas-y. Vendredi soir, donc, on en était à savoir pour qui était Cédric et la team Le Belge. Oui, parce que vendredi soir, il y avait donc Karim d'un côté avec la Marie. Ouais. Et de l'autre côté, Romano tout seul dans le clash. Je peux le raconter, Cédric, avec Marie. Ouais, vas-y, vas-y. Et là, Cédric, vendredi soir, était à l'agonie. Il chiait sa race. Il était malade, en crevé. Toujours dans son hôpital. Et Marie, qu'a que ça à foutre, l'appelle pendant l'émission. Allô, Cédric. Tu confirmes. Tu votes pour qui? Et Cédric lui fait, mais je m'en bats les couilles, je suis malade de mourir. Il m'a pas dit ça. Non, les autres, il était en train d'agoniser au-dessus des chiottes. Il était dans un état suivant. Cédric, t'es mytho. Hein. Il me fait, voilà, je comprenais même pas pourquoi elle m'appelait. Elle me dit, en fait, il disait, c'est un mytho, il m'a pas dit ça. Hein. Tu soutiens qui? Mais il était là, tu soutiens qui? Pourquoi? Ah, mes chiottes. Non, mais il allait faire un examen déjà. Ah, là, je soutiens mes chiottes. Il est en train de chier. Je lui ai dit, tu soutiens qui, Karim ou Romano? Il était en train de chier. Il sait quand même ce qu'il était en train de faire. Et Cédric, il me fait, mais genre, a priori, tu lui as mangé la tête. Mais je l'ai appelé 15 secondes. Enfin, dans 5 minutes. Je l'ai appelé 15 fois. 15 minutes. Non, mais tu soutiens qui? Voilà, je sais pas, moi. 15 secondes. Oh putain, mais toi, tu. Oh, les mythos. Non, mais c'est Cédric qui m'a raconté ça. Ah ouais, bah Cédric, bravo quoi. Il reste 2 minutes pour voter. Allez, votez Romano. 2 minutes pour faire les demandes. Non, mais en vrai, en plus. Je vote Cédric pour établissement Cédric. Message de Bibine du 69. Je vote Romano, même si Cédric est malade, pour le verre à moitié plein. Cédric Maréchal Le Pen, Sissi la famille, je vote pour lui. Cédric Maréchal Le Pen. Il fait beau, il fait chaud. Je vote Romano, R-O-M-A-N-O, pour Tristan de Laval. Ouais, bon, il fait beau, il fait chaud, moyen, mais. Il faisait beau, il faisait chaud. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, ça a été. Aujourd'hui, ouais. Pas chaud, faut pas exagérer non plus. Mais c'est bon vivre, hein, ça va. Bon. Ah ouais, putain, moi j'ai eu froid, moi. Ah ouais, non, il faisait bon vivre. L'après, il faisait froid. Bon, hein. Non, le matin, il faisait froid, c'est vrai. À 5h30, là, ouais. Ah oui, ouais, dehors, il caillait, ouais. Ce matin, ça caillait. Mais là, ça va baisser hein, toute la semaine. Hein. Cédric, tu es tombé. Non, il est en train de chier, je crois. Ah, tu chies, pardon. Cédric, il ne faut pas chier dans le couloir, par contre. Ah bon. Bon, alors vous votez encore pendant une minute et dans un instant, résultat du clash, tu bouges pas, Cédric, à tout de suite. Cédric, il est en train de poser un brison dans le couloir. À tout de suite. Vous vouliez des nouvelles de Cédric? Bah écoutez, ça va mieux. Vous l'entendez, voilà, je suis en train de chier dans mon couloir. Voilà, il chie dans un couloir. C'est, quand il chie un peu partout, c'est qu'il est heureux. Oh ouais. Et ouais, ça fait plaisir. Le caca, c'est bon. Et mais oui, mon bon Cédric. Le caca, c'est bon, mais oui. Et sinon. Salut les filles. Salut Cédric. À tout de suite. À tout de suite. Ah bah, à tout. Ah bah. Ah bah. Cédric, il m'a aussi raconté qu'il s'était mis du caca sur les mains. Oh. Qu'il avait mis dans la il m'a dit aussi, ouais. Non, c'est trop bon. Je disais que c'est du mytho là. Si, si, c'est vrai. Mais, bien sûr que si, c'est vrai, espèce de mytho. Non, c'est pas vrai. Je vais pas l'inventer. Donc, on était allé, on parlait de tout puis de rien. Et il fait, voilà. Donc, il a fallu à un moment donné, il nous avait raconté quand il a chié dans ses boîtes là. Ah, c'est des quatre boîtes. Il m'a montré la fameuse boîte. Et en fait. Avec la merde dedans. Mais non, non, non. Il m'a montré la petite. Non, mais c'est vrai que pour toi, laisse tomber la boîte, on dirait. Tu sais, vous voyez les verres en plastique? Ouais. Genre quand tu prends un café, tu sais, à la machine. Ouais, c'est ça, ouais. Cédric chie là-dedans, bon. Oui, alors que Cédric, en général, pose des bouses de vache. Ah ouais, c'est clair. Et donc, il m'a raconté qu'en fait, il pouvait pas se lever, donc il chie allongé. Non, en soulevant le cul, il mettait le pot et il chiait dans le pot. Et ce con, ça a débordé. Ah, donc il avait de la merde dans la main. Et il a appelé l'infirmière en disant, je suis plein de coca. Non, mais tu devais en avoir sur le cul aussi, parce que tu veux pas écarter les fesses. Non, mais parce qu'en fait, avec le bras, il pouvait pas le déplacer, donc il arrivait pas à s'essuyer. Et il a appelé l'infirmière. Oh là, excusez-moi, j'ai mis du caca par là. Quel dur métier, infirmière. T'es vraiment une salope, espèce de mytho. Moi, je pense à toutes les infirmières qui sont occupées de toi, les pauvres. Ah, moi, je t'imagine avec ta boîte collée à ton cul en train de chier dedans. Non, c'est pas ça, c'est que t'es sur le chiotte, en fait, au-dessus du chiotte, et tu dois passer la boîte en dessous. Pour chier dessus, en fait. Non, non, espèce de mytho, tu m'as dit que t'avais chié dans ton lit. Moi, je crois Romano, ça se voit à sa tête, il est sincère. En plus, ce con, il est allongé, il me fait, voilà, j'ai soulevé le cul comme ça, j'ai mis la boîte. Moi, je le crois plus, ça. Non, c'est comme j'étais allongé dans le lit, que je t'ai expliqué, connard, mais tu chies pas dans ton lit, espèce d'imbécile. Non, mais t'as chié dans la boîte, mais dans le lit. Mais non, n'importe quoi, c'est pas vrai. Et t'as fait déborder la boîte, il y avait du caca partout. Je suis du lit, espèce de connard. Et après, il est sorti dans les couloirs, il a fait. Le caca, c'est bon. Voilà, dans la fumée, j'en ai mis partout. Partout. Et après, elle t'a torché le cul et tout. Oh là là. Non, je suis sur le cul tout seul. Ah, tu sais que moi, j'ai de la merde sur la main, j'appelle pas l'infirmière. Même si je suis mourant, je suis prêt à tomber du lit, aller jusqu'au lavabo, laver la main. Ah, je pourrais pas. Ah, me chier dessus, j'aurais trop honte aussi. Ah ouais. Non, mais surtout, chier dans une boîte et en mettre partout, quoi. Je fais caca dans la boîte. Ah, je suis content. La boîte, elle a débordé. Voilà, elle était trop petite. Elle était trop petite, la boîte. Bon, résultat du clash, c'est fini pour les votes. Dans un instant, on s'en occupe. À tout de suite, Cédric. Il y a Rico qui est au téléphone avec nous. Il est où, Rico? Rico dans le 28. Salut, Rico. Salut. Coucou. Comment ça va, Rico? Ça va, Rico? Ah, Rico. Ouais. Ah, humour. Cyril Hanouna, Patrick ouais. Sébastien. Wow. Ah, bah, Diffoul. Ça va pas. Bon, alors, Rico, on va s'occuper de toi. Est-ce que vous avez déjà été harcelé? Moi, évidemment, régulièrement du harcèlement. Ouais, bah, toi, c'est normal. Dans la rue. À cause de ta beauté. C'est ça, la beauté. Bah, c'est ça. Trop beau. La beauté. C'est non, mais franchement, beau. Vous avez déjà été harcelé ou pas? Ouais. T'étais harcelé par qui, toi? Bah, par tête de tortue. Ah, ouais. Et tête de tortue. Bon, après, c'était. C'est oui, un peu, qui, ouais. C'est celle qui avait la grosse tête. C'est vrai que c'était une forme de harcèlement, l'hôtel me suivait partout. Celle avec laquelle t'es sorti, là. Ouais. Non, je suis pas sorti avec elle, non. Elle a dit ouais. Non. Ah non, ouais, c'est ça, ouais. Non, tête de tortue. Non, tête de tortue, elle me harcelait parce qu'en fait, je voulais plus d'elle, elle me gavait. Avec ses seins de cornichons. Elle était là, je peux plus, là. Je te sens que moi. Et tête de panda, en fait, la meuf, elle me suivait. Je me retournais, elle était tout le temps derrière moi, quoi, dans la ville. Oh, mais on a tous eu des meufs, j'allais dire. Ou des gars, les filles. Ou des filles, les filles. Enfin, on a tous eu quelqu'un qui, ne vous lâchez pas les baskets, comme on dit. Non, mais t'avais la meuf. Restez aussi, scotché là. À vos Nike, restez scotché à vos Jordan ou à vos Stan Smith Adidas. Mais c'est pas forcément un ex ou une ex parce que t'avais été. Ah oui, il y avait une meuf aussi. Avec, oui, alors un jour on m'appelle, elle me dit oui, j'ai eu Skyrock, ils m'ont communiqué votre numéro, c'est pour avoir des voyages pas chers. Bah, moi je dis attends. Quel bon système. Si vous voulez draguer Romano, les filles, vous avez compris. Hein. Vous lui offrez un truc. Non, mais sur le coup, la meuf travaillait vraiment dans une agence de voyage. Elle me dit ouais. Je peux vous envoyer la documentation, je fais envoyer, donc je donne mon adresse. Une demi-heure après, elle me rappelle, elle me dit « Ouais, vous préfériez pas qu'on se voit en tête-à-tête pour que je vous redonne la documentation ?» Elle voulait le serrer. Je fais « Non, ça va aller. » Et après, la meuf, en fait, elle m'a appelé en une demi-heure 40 fois. Ouais. Voilà. Elle voulait voir ton kiki. Ah ouais, non mais en plus, elle m'avait jamais vu. Bah, elle devait te connaître, en toi. Ouais, peut-être sur le net. Bah oui, elle t'avait peut-être déjà vu. Ah peut-être. Eh ouais, oui. Car tu es quand même le prince du hip-hop et le roi du clash de la drague, malgré ta défaite de vendredi. Ouais, mais un roi, je suis toujours un moment. Enfin, pour me surlever. Si tu reperdais aujourd'hui. Parce que de toute façon, j'ai fait des études sur mes résultats, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Non, mais le mec. Bien, Rico, Romano nous parle de ses statistiques. C'est comme c'est comme les équipes de foot. Tu vois, ils étudient, ils font des comparaisons d'une année sur l'autre, à tel moment, ils en étaient où. Mmh. Et moi, j'ai remarqué que j'ai toujours des périodes où je lose. Ah, mais pour l'instant, t'en as pas eu depuis le début de l'année. Ouais, mais sauf vendredi. Non, mais je sais qu'elle va arriver. Tu crois que c'est vendredi? Pourquoi c'est quand? Non, t'es pas forcément. Ouais, Romano. Ah ben, ça sera pas ce soir alors. Merci Rico Romano, il est content. Merci. Non, il y a toujours une période entre septembre et décembre. Il y a une période de lose. En général, c'est octobre-novembre. Ah, on est dedans. Après, il y a janvier-avril. Il y a vers février, toujours du merdouillage. Et vous savez que les deux avec leur clash, ils sont complètement tarés. Et après, il y a au mois de mai. Ah ouais. Périodes de lose quand même. Mais c'est des périodes courtes. Mais c'est des périodes où je vais en perdre deux ou trois à la suite. En une semaine, tu vas en perdre deux et le dernier, gagner. Ouais, voilà, pour moi, c'est considéré comme j'ai l'impression que celui-ci, je vois les messages qui continuent de défiler parce que c'est les messages de tout à l'heure. Je suis au message de 22h15, là, pour l'instant, hein. Romano The Best, je vote pour lui, mais ensuite, t'as le beau gosse Diffoul qui vote pour Romano, qui vote pour Cédric. Tuki qui vote pour Cédric. Ah oui, du Cédric, Owen vote pour Romano. Non, ça va être serré. Kevin vote pour Cédric. Je vote pour, Romano. Marie qui vote son petit commentaire. C'est pour Jess. Là, pour les deux, hein. Ouais, mais j'en vois beaucoup pour Cédric. Quand même. Bah écoute, moi je l'ai beaucoup vu pour Romano, donc tu vois. Romano il les a vus pour lui. Les autres, ceux je ne les regarde pas. Mais tu sais, Romano, ça viendra étayer ta thèse de... Ça va aller. On est en octobre, regarde. Octobre. Ah, vous avez craqué. Bah non, mais 3 octobre. Ouais, mais 3 octobre, d'habitude, c'est un peu plus tard. Plus vers Halloween, tu vois. Ça dépend des années, mais. La fête de Cédric. J'ai étudié tout ça. Alors, donc, tu nous as parlé de la meuf qui t'a harcelé, de tête de tortue qui t'a harcelé aussi. Oui, non, mais elle, c'était pas non plus. C'était pas invivable, hein. T'as toujours des ex. Ma tante était harcelée par Cédric il y a une dizaine d'années quand elle vivait sur Paris. Dis-nous en plus, Nanou. On va prendre des choses, Nanou. Tu as harcelé des filles. Toi aussi, t'as harcelé des meufs, Cédric? Non, pas du tout. Bah, si, il y en a une qui a porté plainte. Non, jamais. Bah si, t'as été jugé, gros, pour harcèlement. Mais non, mais parce que la meuf est. Harcèlement sexuel sur mineur. Ouais, fallait pas le dire. Où t'as payé Mais non. Mais non, c'était une meuf qui a mis son numéro sur sa voiture. Elle voulait vendre sa voiture, j'avais pris le numéro. Écoutez bien, galère, man. Elle avait ça à foutre. Il arrêtait pas de l'appeler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, je l'avais appelé toute une nuit, en fait, la meuf, elle a porté plainte. Bah, non, mythoman. Mytho ah. C'est toute une nuit. Non, c'est ce que tu oublies de dire, ça, c'est qu'en fait, la meuf, il l'a appelé, tu sais, il essayait de la draguer, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le mec a pris le téléphone. À un moment donné, le mec a pris le téléphone, et le belge a fait le show à menacer le mec, ils ont été portés plainte, et Cédric a donné de l'argent aux deux. Oh, c'est ça. 1000 balles. Ouais. 1500 balles. Ah, t'avais oublié le petit. Où le mec, ça, ouais, en fait. Cédric, il a fait le show, mais le mec, il a été plus chaud que toi. Et voilà. Eh bien. Il était plus chaud, il était plus intelligent, c'est tout. Rico et vous tous qui nous écoutez, bienvenue dans le monde de Galerman. Le monde de Cédric. Plus non, de galère, c'est comme si tu prends, je sais pas, tu réponds une annonce sur le bon coin, et 2 mois après ou 6 mois après, tu te retrouves au tribunal pour harcèlement. C'est ça. Ouais, bah c'est ça. C'est à peu près ça, Cédric. Non, oui. Et il aimait bien pendant une période faire chier tout le monde. Il me faisait chier, il m'appelait en faisant une voix de bébé. Ah oui, la célèbre voix de bébé, c'est vrai. Et Marie a mis un an à s'en rendre compte. Non, mais non. J'ai un enfant, il m'appelle toutes les minutes de ce truc. Non, mais tu vois, Rico, au niveau harcèlement, on s'y connaît dans l'équipe. Donc, t'as tapé à la bonne porte. Qu'est-ce qui t'arrive à toi, Rico? Alors, moi, j'ai une ex qui est revenue et elle a brisé mon couple. Alors, une ex est revenue. C'était qui? Donc, toi, t'as 24 ans. Hein. Donc, cette ex. J'ai 24 ans. Elle, tu l'étais sorti avec elle? T'avais quel âge? C'était quand? Il y a 6 ans de ça. Donc, t'avais 18 pour faire le calcul 18. Pour Marie, parce que autrement, on en a pour la soirée. 17, non? Donc, non, il en a 24. Ouais, 17 ans. Ah, c'est autant pour moi. Bah oui. Donc, 18 ans, t'es sorti avec elle? Combien de temps t'es sorti avec elle? 6 mois. 6 mois, ouais. Ouais, 6 mois. Bon, petite relation, quoi. Oui, une relation. Pas ouais. Mal. La meuf, 7 ans après, elle revient, quoi. 6 ans. 6 ans. 6 ans, ouais. Problème de calcul ce soir. Ouais, c'est dingue. Marie sort du corps de Robin. Elle revient un moment après, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Elle se plante pas. Et donc cette meuf, donc entre temps, bon, enfin oui, après, t'as fait elle, ta vie, ouais. T'as fait ta vie, t'es sorti avec une autre meuf. J'ai fait ma vie. Bah, à chaque fois, j'ai rencontré une copine. À chaque fois, revenait et a brisé mon couple. Mais c'est toi qui l'as largué ou pas? Non, elle m'a largué parce qu'elle m'a quitté pour sortir avec mon meilleur ami. Ouais, sympa. Ouais, sympa. Ah, c'est une meuf en plus. Une meuf fiable. Ouais, sympa, elle, tiens. Bah, t'as rien. Remets-toi avec elle. Et bon, et quand elle t'a, quand tu dis qu'elle t'a. D'ailleurs, sympa aussi, fiable aussi, ton meilleur ami. Oui, c'est, oui, ah, au oui. Passage. C'est vrai, t'as perdu ta meuf et ton meilleur ami. Ça, c'est l'horreur. C'est ça. Et sinon, donc, le harcèlement, quand tu dis qu'elle te harcelait, tu nous as dit ça au standard, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, bah là, si tu veux, il y a un mois de ça, pile poil. J'ai fait une surprise à ma copine actuelle, là. Je suis rentré du travail avec 2 billets d'avion et je lui ai dit t'as une demi-heure pour faire ton sac, on part en Espagne. Ah, c'est mieux que t'as une demi-heure pour faire ton sac, tu dégages. Tu te casses, ouais. Tu te casses et je vais avec ma nouvelle meuf en Espagne. Voilà la surprise. Non, avec ma copine actuelle. Ouais. C'est un beau cadeau. Voilà, je l'ai emmené en Espagne, on est parti à Barcelone, on a passé le week-end là-bas. Et dans ce week-end-là, j'ai reçu un message de mon ex. Je sais pas comment déjà elle avait eu pour avoir mon numéro. Comme quoi qu'elle avait des problèmes avec sa grand-mère et tout, et voilà, elle voulait me voir. Et je lui ai envoyé, non, je peux pas, je suis avec ma copine, oui. Je suis avec ma femme en Espagne, on verra ça plus tard. Ah ouais, qu'est-ce que tu viens me prendre la tête pendant les vacances? T'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis combien de temps? Ça faisait depuis le mois de mai. Ah oui, quand même, donc oui. Et t'avais encore épisodiquement des nouvelles d'elle quand même? Ouais, épisodiquement. Non, mais en soi, ce que je vais dire, c'est un peu horrible, mais. Dis-le, vas-y, j'adore. Non, mais t'en as rien à branler de sa grand-mère. Ça, c'est bien dit. C'est pas mais complètement. Non, mais à partir du moment où c'est ton ex, tu vas pas rester. Si ça faisait longtemps, si t'as passé vraiment du temps avec. Non, mais moi, attends, je suis désolé, la gothique, elle m'appelle, elle me dit, ouais, ma mère est folle, par exemple. Ouais, bah, je lui dis, ça, je le savais déjà. Tu sais, moi, aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai des problèmes, je fais, mais je m'en bats les couilles avec ma mère, elle prend des choses. Ah ouais, moi, non. Ah ouais, non, mais moi, je suis pas. Non, mais. Ouais, je sais pas, j'ai plus de contact avec elle, la meuf elle revient comme ça. Ah oui, non, mais là oui, j'ai clair. Des problèmes. Bon, bah oui, écoute, c'est la vie de tout le monde, hein. Moi aussi j'en ai. Donc, ok, tu lui as envoyé ça. T'as montré à ta meuf quand elle t'a envoyé le message ouais. Ou pas? Ouais, bah pas sur le coup, sur le coup. Sur le coup, je lui ai pas fait voir. On est parti, bah comme c'était que mon téléphone pour appeler en France et envoyer des messages en France, m'a demandé mon téléphone. Je lui ai passé mon téléphone et je lui ai dit, bah tiens, l'autre elle m'a envoyé un message là et tout. D'accord. Ah bah c'était l'autre. Ouais, hein, mais je comprends tout à fait. Ouais, t'inquiète. Normal, oui. Bon. C'est pour la radio que je dis l'autre, parce que sinon je l'appelle pas comme ça. Tu appelles comment, la connasse, l'autre pute ou... Ouais, l'autre pute. D'accord. Parce que tu vois, je suis tombé dessus. Il y a l'autre pute qui m'a envoyé un message. Elle a vu les messages, elle a regardé les messages, elle les a lus. Elle a bien vu que je lui ai marqué je suis en Espagne avec ma femme, on verra ça plus tard. Mmh. Enfin, je lui ai dit, et je lui ai marqué, on verra ça lundi. Mais parce que voilà, je suis rentré lundi en France, et mais je m'en battais les couilles. Je m'en battais les couilles d'elle. Mmh. Bon, ma copine. Ouais, c'était histoire d'esquiver le truc, ouais, t'envoyais un message, hop, putain. Ouais, c'est ça, c'est je m'en bats les couilles de ta life. Maintenant, laisse-moi tranquille, je suis en Espagne avec ma copine. Bah ouais, c'est clair. Fous-moi la paix, quoi. C'est ça. Et bah. Elle m'a rien dit sur le coup, ma copine m'a rien dit sur le coup, elle m'a dit bon ok c'est bien, hop, elle a envoyé un message à sa mère. Et on est rentré en France, puis parti au travail, et quand je suis rentré le soir, elle m'a dit ouais faut qu'on parle et tout. Qui ta copine bon. Officielle, ouais. Voilà, ma copine officielle m'a dit faut qu'on parle. Merci et... toi, faut que je te parle. Tu vas passer ta vie dans le noir. Hein. C'est ça, oui. Et je suis rentré. On a pas parlé sur le coup, mais elle m'a envoyé un message le soir en me disant que voilà que ça c'était plus possible, qu'elle en avait marre que l'autre à Marseille, qu'elle avait peur que. Tu pourrais rien, elle est casse-couille, elle, tu l'amènes en Espagne, tu lui fais passer de super vacances. Ouais, tu lui montres. À cause d'une ouais. connasse, c'est même pas toi qui lui a demandé d'envoyer un message, qui t'envoie un message, qui te casse les couilles, elle te prend la tête aussi. Les filles, vous êtes pas très tolérantes. Non, hein, mais t'aurais dû lui en parler avant de cette. Non, et puis tu l'appelles. Ouais, et puis le message. T'aurais pas dû lui dire on verra ça lundi. T'aurais dû lui dire fous-moi la paix, j'en ai rien à foutre. Non mais tu peux être plus sympa si sa grand-mère est en train de. Non, ta meuf aurait vu la réponse. Non mais parce que ouais, la meuf elle voit la réponse, elle se dit lui dit on verra ça lundi, donc peut-être lundi il va l'appeler, peut-être qu'il sera encore en contact ouais, avec elle. Et elle se fait des films gros. T'aurais répondu quoi à ta gothique si elle t'avait envoyé un message ma mère est folle par exemple, j'ai besoin de te parler mon Romano chérie, je t'aime. Moi je pense que je répondais même pas. Moi je pense que je ferais comme toi. J'aurais pas répondu moi. T'aurais pas dû répondre Rico, je pense. T'aurais dû même bloquer ce numéro direct. Ah bah pour cette meuf là, ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Mais bon, maintenant c'est fait. Mais ta meuf, il faut qu'elle calme un peu, elle est, tu vois, je sais pas ce qu'elle te fait comme ça. Bah en fait, elle a peur que reparte avec elle. Non mais elle a compris. Si la meuf, l'ex, tu l'appelles constamment la pute, bon. L'autre pute. L'autre pute. Ouais, déjà, puis t'aurais dû l'en parler dès le départ. Tiens, il y a plein de messages. On aura Thomas de Clermont dans un instant qui va arriver avec nous. Thomas de Clermont, à qui a priori il est arrivé la même chose. Vous avez déjà été harcelé par un ex ou par une ex. Il vous a pris la tête comme ça. Et limite, vous connaissez quelqu'un qui a brisé votre couple ou quelqu'un qui s'est fait briser son couple. Faites-nous signe parce que ça, on va en reparler. Qui a déjà regarde, elle a brisé ton couple, nous dit Nassim, 21 ans. Brise-lui la gueule. Oh là, mais non, Nassim est très énervé. Elle est peut-être juste vénère et elle va revenir sur son truc. Mais ça, moi, je serais énervé contre l'ex, ok, mais je serais aussi énervé contre ma meuf. Comment tu réagirais, Romano, si tu recevais un beau message de la gothique et que Cariole te fasse une crise en te disant Putain. Non, mais j'espère qu'elle ne ferait pas de chant de crise. Putain. Voilà, qu'elle dirait. Sacré Christ. Non, mais comme Arico. Fais chier que ton ex, la gothique, tu l'aimes, tu en parles tous les jours. Moi, je dirais, écoute, sois pas conne. Tu lui as pas dit, sois pas conne. Arico. Non. Ah, dis-lui, sois pas conne. Tiens, peut-être plus gentiment. Oui, mais dis-lui, sois pas conne quand même. Tu lui dis, ouais, arrête d'être bête, quoi. Tu vois, je m'en bats les couilles. T'aurais dû la tenir au courant déjà avant. Elle était au courant. Ah ouais, complètement. La meuf, je l'appelle la pute. Qu'est-ce que j'en ai rien à branler, quoi. Oui, c'est vrai. Tu sais, quitte à lui renvoyer un autre message en disant, casse-toi avec ta grand-mère. Ouais, mais ce que disait Karim. J'ai été porté plainte contre l'autre, là. J'ai changé de numéro encore il y a deux semaines. J'ai changé de numéro là. Il y a même plus personne qui a mon numéro là. Il y a que ma famille. Si, elle est là. T'inquiète pas. Ouais. Elle le récupère. Non, mais récupérer un numéro c'est facile. Je fais que tu le donnes à un pote qui connaît un pote qui Ça va vite, toi, les numéros. C'est vrai, ça va vite. Tu peux retrouver. Hein. Bon, dites-nous pour Rico, prends vos témoignages en direct. Il y aura Thomas d'ailleurs qui arrive dans un instant qui téléphone avec nous. T'es là, Thomas? Ouais, je suis là. Ouais, bonjour, bienvenue, allez. Thomas. Salut, bien. Thomas. Et... Allez les verts. Allez, ah, merci, Thomas. C'est bien. Allez les verts. Moi, je dis allez la SM. Ah non. Pourquoi? Apparemment, elle a pas compris. Bah, c'est l'ASM, ces trucs de rugby de Clermont, c'est Non, pas Clermont, non, La Rochelle. Ah, toi, t'es de La Rochelle? Bah, je suis le Poitiers, théoriquement, donc Ah, t'es pour l'équipe de rugby de La Rochelle. J'ai rien compris à ce Alors, il habite à Clermont-Ferrand. En foot, il est pour Saint-Etienne. Et sinon, il est pour La Rochelle. Eh putain, j'avais rien compris. C'est simple. Et t'as 18 ans, Thomas. Tu vas nous expliquer ta story, là. T'as eu à peu près la même chose que Rico avec quelqu'un qui te harcèle. Vous nous laissez vos messages. On y revient dans un instant. Et dans un instant, Cédric et Romano, j'ai les résultats de votre clash de la drague. Attends, il arrive. Je vous donne le score tout de suite. 45-55. C'est donc serré, comme je l'avais prédit. C'est serré, mais qui a gagné? Eh bien, on vous dit tout, juste après le Ghetto Phénomène et Jul. Jul a gagné dans la roulette tout à l'heure aux les concerts, parce qu'il y a plusieurs. La tournée de Jul avec Skyrock dans toute la France, c'est à gagner et c'est à écouter tout de suite sur Sky. 1500, c'est le chèque que tu chopes toutes les demi-heures sur Skyrock. C'est bon, ça! 769, c'est le prix de l'iPhone 7 que Difool t'offre toutes les heures. Un iPhone 7 pour toi qu'on va t'envoyer à la maison. Ah, ça fait plaisir, les gars. 300, c'est le prix de la PS4 Slim.

est parti. Je veux pas finir sous un banquier dans un parking. Mais tu sais que la retour, pour nous c'est la routine. Un aller sans retour, sur le 47 à Poutine. Et je patine, et je patine, du mal à vivre à 200. Et je taquine, et je taquine, tu finiras par prendre ma leçon. Comme Dieu l'en est fait d'or et platine. Innocent, coupable mes frères, on a marre tes candies. Phénomène et Jules, sans Skyrock, Ghetto Phénomène et Jules, on écoutait Maria Maria. Difool, radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et les places de concert pour Jules à gagner, Skyrock, oui. Sur le rap premier sur Jules, et les concerts de Jules sont évidemment des concerts Skyrock, on vous offrira ça tout à l'heure, même ceux qui sont complets, on a des places pour vous, Paris, Marseille, Nantes, et j'oublie Metz-Nancy, Amnéville, je crois, c'est ça. Ça doit être ça. Hein, est-ce que je me trompe ou pas? Donnez-moi les dates de Jules, là. Marie, ah, Romano, c'est toi qui les as. C'est Romano. Moi, j'ai les résultats du clash, je les ai gardés bien au chaud, hein, Romano. Ouais. Ils sont là. Les beaux résultats du, des beaux résultats du clash. 18 décembre, Marseille, le Dôme. Mmh. 20 décembre, à Neville, au Galaxy. C'est ça. 22 décembre, à Nantes, au Zénith. Ah, Nantes. Et 23 décembre, à Paris, au Zénith. Et voilà, c'est pour vous. Et Paris-Marseille, c'est déjà complet. Et Paris-Marseille, c'est déjà et complet. Et les autres, ça ne doit pas être loin, donc sauf, dépêchez-vous. Sauf sur Skyrock. Dans la roulette, on en a plein, on a du stock. On en a. Bon, on pourrait gagner ça. J'en ai détourné. Ah ouais, évidemment, l'autre. Spécialement pour vous. Bien sûr qu'on voulait faire gagner. Éventuellement vendre quelques-unes devant la salle de concert. Faire putain, et l'autre, tu sais, avec sa gabardine. Ah, mais non, un manteau, ça s'appelle. Bah manteau. Ouais, c'est le vieux truc, c'est le vieux là. D'accord, ok, tu l'habilles comme tu veux. Hein. Il peut les vendre aussi en short. Hein. En short, en décembre, ouais. Il y a pas quand même. C'est peut-être tout simplement une doudoune. Bon, en tout cas, sur Skyrock, c'est à choper avant minuit. C'est dans la roulette qu'on fera tourner tout à l'heure. On va reparler de Rico et de la meuf qui l'a harcelé, qui a également brisé son couple, son ex. Il y a l'ex de 6 ans. Et oui, on a des témoignages qui arrivent, on va les prendre dans un instant. On aura Lola d'ailleurs qui veut réagir pour toi, Rico. Donc c'est bien plus tous les messages que vous nous avez laissés. D'ailleurs, il y a des conseils pour toi, c'est ce que je suis en train de mater en même temps là. Regarde, il y a Naïla, elle a 21 ans, elle dit appelle ta copine, dis-lui d'écouter Skyrock et que fais-lui une déclaration d'amour, comme ça elle comprendra qu'il faut pas rompre avec toi, surtout à cause d'une ex à la con qui t'envoie des messages. T'y es pour rien. Mon ex a porté plainte pour harcèlement. T'es là, Rico? Ouais. Très drôle. Ce n'est qu'une excuse. Alors, on va voir ça, parce qu'il y a des messages et pas mal là-dessus. On va peut-être prendre des témoignages là-dessus, là. Une excuse, comment ça? Bah, une excuse pour le larguer, peut-être. Ah, ok. Ah, ouais. Ta meuf cherche un prétexte pour te quitter, si ça se trouve. Regarde, non, Vince. Je pense pas. Il y en a plusieurs qui ont dit ça. Vince. Il a 14 ans, il est dans le 21. Salut à toi, Vince. Il y a beaucoup. Regarde, je pense qu'elle voulait casser, elle a trouvé une sale excuse. Message de Okan. Plein qui dit ça, ce qui revient même le plus souvent. Non, parce que je la vois tous les jours, je la vois au moins tous les week-ends, et tous les week-ends on est dans après, les droits. Moi je suis pas forcément d'accord, hein, parce qu'il y a des meufs, c'est des super jalouses. Oui. Elles peuvent péter un plomb pour rien, quoi. C'est vrai, il a raison. Au début, carriole, un jour, elle avait pété un plomb. Pour rien. Ah non, mais pour un truc à la con. Sur le coup, j'avais pas compris, mais j'ai compris ma douleur après. Un jour, en fait, c'était au tout début qu'on était ensemble. On était chez des potes. Et il y a un pote qui m'appelle. Il me dit ouais, t'es avec qui? Et je dis ouais, je suis avec une copine. Ça lui a pas plu. Ah ouais, ça et là, dire, je suis avec ma chérie, ma meuf, mon amoureuse. Ah ouais, et là, derrière, qu'on est parti, mais j'ai eu droit à une scène dans la bagnole. Et là, dans la voiture, super relou. Bonjour, je suis super relou. Ah, c'était même méga relou. Ouais, méga super relou. Mais tu sais que au début, j'ai halluciné. Je lui dis, mais c'est une blague. Non, non. Elle me fait non. Elle me fait. Je me prends juste pour une copine. T'aurais pu dire pire, je suis avec une collègue de travail. On bosse ensemble le matin. On bosse ensemble le matin. Non, mais là, je pense que je me prenais à taquer. Ah, les filles. Tu sais, j'ai un peu bloqué, mais bon. Tu vois, moi, je pense que la meuf, pour un peu, elle, ça l'a vraiment fait péter un plomb. Ouais, c'est possible, mais bon. Bon, vous êtes relou, mais on vous aime comme ça quand même. Ah, bah oui. Merci. Bon, Lola vient témoigner dans un instant justement pour Rico et les harceleuses et les briseuses de couple. On y revient dans un instant. Moi, je suis très content. J'ai déjà brisé le couple de ma meilleure amie parce que ça ça m'énervait, elle voyait toujours. Elle voyait tout le temps son mec. Mais t'es grave, toi, c'est Gwen qui nous envoie le message. Ah, c'est une meuf, ouais. Bah, c'est la copine de Gwen, l'amie de Gwen, qui était jalouse qu'elle ait un mec et qui a fait casser leur couple. Super, l'amie, quoi. L'amitié, c'est beau. Hein. Ah, ouais, c'est magnifique. L'amitié, y a rien de plus beau que l'amitié. Oh, la saloperie, quoi. Surtout comme ça. Tu te fais traiter par la marée, t'as vu, Gwen. Non, bah, c'est pas cool. Attends, c'est ton ami. On te remercie quand même pour ton message. Et Océane, elle s'est fait harceler sur un site. Après, il a piraté mon téléphone. Du coup, il savait où j'habitais, etc., etc. Il a dit qu'il allait me faire la peau. J'espère que t'as porté plainte. Ouais, faut se méfier, quoi. Océane du 78, 15 ans. Eh ben, j'espère que t'as porté plainte, Océane. Faut pas te laisser faire, hein. Mais déjà, toi, t'as commis une erreur, Rico. Ah, attention. Parce que la meuf, t'as porté plainte contre elle. J'ai posé une main courante. Ouais. Mais déjà, il faut plus que t'aies aucun contact avec elle. C'est-à-dire que. Ah, mais j'ai plus aucun contact, là. Parce que j'ai changé de numéro, j'ai bloqué mon Facebook. Ouais, mais le truc, c'est que là, moi, pour moi, t'aurais pas dû lui répondre. Parce que là, la meuf, ça y est, elle attendait que ça que tu lui répondes et t'es tombé dans le panneau. Là-dessus, on était d'accord. Dès le départ, elle t'envoie son message, tu fais comme si t'existais. Ah ouais, non, c'est clair. Exactement. Ouais, j'avoue que sur le coup, j'aurais dû laisser le message. Ouais, mais pas répondre. Bon, je te donne, on prend Lola, tiens, puis on va voir les messages, ce que vous en pensez d'ici quelques instants. Tu bouges pas, Rico. On reprend Cédric, d'ailleurs, qui est avec nous. Allô, allô, Cédric. Ouais. Ça y est, il a une infirmière. Ah ben, la pauvre. Salut les filles. Alors, on a l'infirmière. Oula. Eh bien, je tiens à dire, Cédric, que ça a été serré ce soir et que ça me dégoûte. C'est peut-être la théorie de Romano qui va être vérifiée. Le mois d'octobre, difficile. Non, mais c'est pas tout le mois d'octobre. Là, on est juste au début, Romano. Alors, attention à la douleur. 55-45 pour les résultats du clash. Il y a Mathieu qui voulait d'ailleurs encourager les deux clasheurs, je crois. Salut, Mathieu. Salut, Mathieu. Bon, Mathieu. 16 ans et parisien. Et Marie m'a dit que tu avais appelé, que tu voulais absolument encourager les deux clasheurs. Ouais, surtout Romano. Alors la team Romano, là, alors pour Romano. Ah, les deux clasheurs, mais surtout la team Romano. Alors arrêtez, au max, là. Bah, j'espère qu'on va être au max, ouais, à 55%. Bon. Eh ben non, ça va être. Je m'attendais à plus, mais bon. Eh ben non, Romano. Ah, putain. Bah, tu vas pour qui c'est, hein. Eh bien non. Non, mais attends. Si, alors là. Tu ne feras pas plus. Non mais va te faire mettre. Parce que j'ai fait encore des statistiques. Ah ouais, c'est les nouvelles statistiques. Eh, tout à l'heure, depuis 21h, il y a pas un auditeur à l'antenne qui a voté Cédric. Eh ben ils ont tous voté. Ouais, ben oui, peut-être sur les messages. Ouais, oui, bien sûr. Romano à la max de la max. Alors, qu'est-ce que ça te fait, Mathieu, si j'annonce que Romano, bon, c'est bien émerdé, mais il fait que 45% et Cédric 55%. Non, mais moi je vais aller tabasser Romain des réseaux sociaux qui a compté. Pour rien, il compte la vérité. Non, mais il sait pas compter, ce connard. Fais gaffe, il est musclé, hein. Ouais, grave, c'est de la gonflette. L'autre, il est sous stéroïde, non. Oui. Non, c'est vrai. Stéroïde et anabolisant. Ah ouais? Bah, bien sûr. Bah, tu crois qu'il y a le mec qui devient comme ça du jour au lendemain? C'est de la gonflette. C'est à doper, Marie. Bon, allez, Romano, il faut supporter des journées comme ça. Non, je ne supporterai pas. Écoute, on est bien ensemble, c'est bien marrant. On va être plus mal, là. Eh bien, Cédric, t'es content? Ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Eh ben, t'as fait 45 et Romano fait 55. Et voilà, bip, bap, boum. Victoire de Romano ce soir, 55 contre Cédric. Kakaba, ouais, Romano, Team Romano, Mathieu de Paris est très content. Ah bah, normal, Team Romano. Team Romano, elle bouge pas. Merci Mathieu, en tout cas, de ton vote. Merci à toute la Team Romano. Ouais, Menzo, tu connais. Menzo, yo. Tu reprends. Menzo. Tu reprends ta coupe. Ouais, ça y est, elle est revenue. Allez, elle revient à la maison après avoir passé le week-end chez Karim. Grosse pensée aussi à Pamela, là, Pamela. Ah, Pamela. Bravo Romano, bravo Mathieu. Mais oui, on est tous là pour fêter la victoire de Romano. Ouais, Team Romano, on va fêter ça, on va déboucher dans la bouteille de champagne, là. Ouais, carrément, ouais. Cédric, on t'entend plus? Ouais, non, mais j'ai rien, moi. Il est malade. Ah, t'es malade, hein. Ouais, ben je lui ai dit tout à l'heure, j'étais malade. Ah, ça y est, il est à nouveau tombé malade. Bon, bah, tu vas passer une bonne nuit. Une bonne nuit en pensant très fort. Ah, tu viens de m'envoyer un message, Cédric, je vais le lire. Ah. Alors. Oh, mais rien d'intéressant. Rien d'intéressant. J'ai fait caca dans la boîte. Triche un peu. Non, mais ça va pas, Cédric. Ah, mais triche un peu, fais-moi gagner, j'ai mal à l'épaule et au cul. Non, mais ça va pas, non, dis donc. Mais 45%, tu me t'as gagné, du coup. Il n'y a pas de triche dans le clash de la drague. Non. Bon, mercredi, prochain clash en direct de je sais pas où. Franchement, estime-toi heureux, 45%, c'est bien payé ce que t'as fait. C'est pour Romano qui gagne. Y a pas. Et Mathieu, lui, il a fond. C'est bien, Mathieu. Ah, hein. Ah ouais, y a pas de problème. Non, mais c'est ça, les vrais supporters. Je te passe Romano, Mathieu. Ouais, Mathieu. Aïe, Mathieu. Ciao, Mathieu. Merci. Mathieu, on va dans une chance Skyrock à la maison à Paris. À bientôt. Salut, Mathieu. Allez, ciao. Vous êtes de toute la France, de Paris. On a eu du Aix-en-Provence, du Toulouse, du Béziers. On est dans le 28 avec Rico. On est dans le 51 avec Lola qui est avec nous. Et on est dans le 63 avec Thomas qui supporte La Rochelle en rugby et Saint-Étienne en football. Donc voilà. Voyez, ah putain, oui. On quadrille bien la France pour l'instant. Hein. Il nous manque un peu de Nord peut-être. Ouais. C'est vrai. Un petit peu de Bretagne et tout ira bien. Bon alors Rico, donc tu t'es farcelé par une meuf et ta meuf officielle, ça lui a cassé les couilles. Vous êtes un petit peu éloigné. Bah, t'as niqué ton couple, cette connasse. Et toi, Lola ? Oh, qu'elle est malade, Lola. Oui. Bah alors. T'as chopé une petite crève, Lola ? Ouais, ça fait plus d'une semaine. Ah, mais je t'assure, mais les crèves, depuis le début de l'année, moi, j'ai pratiquement. On est tous tombés malades. Ouais, tous. Ouais. Tous. Ouais. Enfin, non, je vous aime trop. Je vous aime trop. C'est gentil. Tu vois, même malade, on t'accepte. Du coup, on a échangé des mails la semaine dernière. Oui, je sais, tu veux devenir animatrice radio. Oh ouais, bah avec vous en fait, juste avec vous. C'est pas vrai, juste avec nous, c'est mignon. Ouais. Tu veux pas faire, je sais pas, partie de l'équipe de, je ne sais pas, moi, Julien Courbet par exemple. Non, ça ira. Non, t'as pas. Ni Chérie FM. Ah dommage. Non. Ah dommage. Ouais. Bon. Ah, et puis on a Thomas aussi, donc toi Thomas, t'es à Clermont. Hein. Ouais. On parle des harcelés. En fait, ouais. J'ai une maison en Bretagne, si ça t'intéresse. Ah bah voilà, tu vois, on est déjà en Bretagne. Voilà, chercher des Bretons. Et mes grands-parents, ils habitent dans le Nord. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Nickel. Donc toi, tu fais Saint-Étienne. Clermont, La Rochelle, Bretagne et Nord. Et ma mère habite dans le sud. Et ta mère habite dans le sud. Allez, citoyen de la France. Pratique pour les vacances. Ouais, c'est pas où aller, ouais. Ouais, c'est ça. Bon alors, qui était harcelé? Lola, t'as été harcelée, toi? Non, non, j'ai pas été harcelée. Ah, tu voulais donner ton avis pour Rico, toi? Ah. Oui, mais je pense que c'est une excuse. C'est qu'une excuse. Ah. Tu penses que non, c'est un prétexte? C'est une excuse. Eh, tu sais, il y en a plein qui ont dit ça, Rico. Mais il y a trop de personnes qui manquent de franchise et. Bah, si c'était une excuse. Parce que pourquoi déjà, regarde, là ce week-end je suis sorti en boîte, enfin j'étais même pas censé sortir en boîte. C'est ma sœur et mon beau-frère qui m'ont emmené avec un traquenard qui m'a emmené en boîte. Et elle a envoyé des messages à ma sœur en lui disant que la première fille qui l'approchait, il fallait qu'elle lui dise et tout. Non mais ça elle est jalouse, c'est pas grave. Ouais, mais après, alors dans ce cas-là, la semaine dernière, elle la tête pour rien. C'est bien la dit, semaine ça. Dernière, c'était son anniversaire, qui était chez elle pour passer son anniversaire ensemble. On a fini là-haut. Dans sa chambre. Là-haut. Et quand on était dans le bar toute la soirée. Bien sûr. Non, on n'a rien fait du tout. À strip poker peut-être. Voilà. C'est certain. Et voilà, on était toute la soirée dans les bras de l'un de l'autre, on a discuté. Mais je pense pas que c'est une excuse. Non mais faut lui dire si c'est pas une excuse, elle est trop jalouse, il faut lui dire qu'elle arrête de te casser les couilles, surtout avec une ex dont t'as rien à foutre. T'en aurais quelque chose à foutre de cette ex. Elle t'aurait envoyé le message sur la grand-mère, t'aurais répondu mais t'aurais pas répondu. Fous-moi la paix, je suis en vacances, on voit ça lundi. Ouais, enfin fallait pas. Ouais, mais fallait pas dire on voit ça lundi. Pourquoi t'as dit ça aussi? Ça c'est t'as déconné, ouais. Parce que il savait pas qu'elle allait lire le message. Oui, mais bon, a priori, ta meuf de base, elle est quand même jalouse. Un peu, hein. Ouais, elle est dans le délire d'appeler ta sœur en disant, s'il y a une meuf qui s'approche, tu prends une photo, tu m'appelles. Non, parce qu'ils sont super proches avec ma sœur. Oui, non, mais d'accord, mais bon. Et même, attends. C'est comme moi, si Cariole, elle va bouffer avec sa sœur et que j'appelle sa sœur et j'ai dit, s'il y a un mec qui s'approche d'elle, tu m'appelles. Ah ouais, non, mais moi, c'est pareil. Ouais. Mais puis t'appelles, tu fais quoi? De toute façon, c'était loin. En tout cas, Lola, tu te fais porte-parole de plein de messages qu'on a eu depuis tout à l'heure. Il n'y en a pas qui disent prétexte. J'ai eu plein d'expériences comme ça, c'est que des prétextes. Ah, c'est vrai, t'es tombé sur des lâches, toi aussi. Ah ouais, plein. C'est quoi les raisons de rupture quand t'as sorti le plus? J'ai peur de m'investir, j'ai peur de m'engager, alors qu'à la base, il y a plein de baratins, quoi. T'es trop bien pour moi. Et t'as pas eu, ouais, voilà. Et puis quand ils ont le truc, et ben, après, d'un coup, il y a plus rien, il y a la peur, il y a. Et les études aussi. Faut que je me concentre dans les études. Oui. Beaucoup d'études. Mes parents, ils sont chauds sur moi, là. Ouais, c'est les études, ça marche bien aussi. Adeka Hey qui nous dit, moi, mon ex est allé porter plainte pour harcèlement juste parce que je l'avais quitté, cette pute. Ah ouais, carrément. Ouais, en fait, elle se venge. Elle devait être perdue sans toi. Elle fait n'importe quoi, là, quand même. Non, mais les keufs, ils sont cons aussi. Parce que normalement, quand tu déposes plainte, il y a quand même. Faut des preuves, quoi. Oui, tu vois, tu vas pas chez les keufs en disant. Non, mais il nous a pas dit si c'était fait emmerder. Hein. Ouais, je pense que, t'as dû faire des trucs parce que. Faut quand même qu'il y ait des arguments, tu vois. Bah, si à ce moment-là, je vais aller chez les keufs, je vais dire, Cédric Lemay. Non, mais il a pas dit s'il avait des suites. Il a juste dit, elle est allée porter plainte. Ah, bon. Bah, elle a dû passer pour une dingue. J'espère pour c'est toi. Cas. Ah, des il faut espérer, ouais. Et donc toi, Thomas, toi, tu as été harcelé, par contre. En tout cas, pour Lola, tu te fais prendre parole de plein d'auditeurs et d'auditrices de Skyrock qui nous ont laissé une scène depuis d'ailleurs. Ah bah ça va alors. Et donc toi, Thomas. Ouais. Ouais. Bah alors. Bah on t'écoute. Bah bon bah. C'est à toi. En janvier, j'ai acheté avec une meuf. Ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Mm-hmm. Donc ouais, tout ça, c'est bien. Et un jeudi midi. Ah t'es malade, hein, Lola. Excuse Lola, elle est malade. Hein. Et encore, j'ai loin de la bouche, mais. Oui, donc. Thomas, ça y est, déjà, on l'a interrompu. Au téléphone, c'est pas contagieux. Et genre, à midi, ouais, on est en train de manger, et puis là, elle m'annonce, c'est fini. Oui, bon, ok, j'essaie de comprendre. Mais comme pourquoi. Ça lui a pris, genre, comme une envie de chier. C'est-à-dire que le matin. Genre, comme une envie de chier, tout se passait bien, mais. Le matin, ça allait, à midi, elle a vrillé. Ah, voilà, c'est ça. T'as, mais t'avais rien senti avant, parce que forcément, ça devait couver, l'histoire. Non, bah non, rien du tout. Je t'en ai demandé, je te dis, j'étais content, enfin. Ah, oui, j'avais même bu le matin. Bien bouffé, hein, ah, ma chérie. Bon, je te largue. Ok, ma chérie. Mais bouffe ça. Le truc hyper logique, ouais. Et donc, du coup, bah, oui, bah, j'ai réagi, quoi. Enfin, ça m'a pris tout l'après-midi. Et, là, bah, il y a une semaine après, donc, bon, j'ai essayé de récupérer tout, impossible. Mais elle t'avait dit pourquoi elle te larguait? Ouais, elle m'a sorti une excuse bidon. Du style? Du style, on a 2 ans d'écart, mes parents, ils aiment pas ça. Oui, mais bon, il y en avait 2 ans d'écart quand on sortait ensemble au début. Ça n'a pas changé. Et vous aurez toujours 2 ans d'écart. Ça allait pas se réduire ou augmenter l'écart, oui. C'est un prétexte de merde. Ouais, donc. Donc, du coup, elle m'a largué, donc j'ai essayé de la récupérer. Genre, un mois après, bon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Et là, elle a commencé à foutre la merde. Ah, parce que ah ouais, elle a vu les boules. Elle est trop con, elle aussi. Elle le largue et en plus, tu trouves quelqu'un, elle te fait chier. C'est ça, ouais. Donc, du coup, elle m'annonce qu'en fait, elle avait cassé avant ce prison à Paris avec ses potes. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, elle, super. Elle a quel âge? Elle a que ça à foutre. Cognasse. Non, mais elle a quel âge, ta copine? Elle est jeune, non? Elle avait 16 ans. Ah non, elle est pas si jeune que ça. Ça, c'est le genre de truc que tu peux faire à 13 ans, quoi. Excusez-moi, les 13 ans qui nous écoutaient, vous devez me détester. Et mais encore. Tu peux faire ça, tu sais, au début de ta vie sexuelle, quand t'es tout perdu, tu sais pas quoi faire. Ouais, genre. Mais non, regarde. Elle, 16. Ah, c'est un pari avec des potes. Moi, ça me. J'imagine la gueule que t'as faite. Imagine comment tu réagirais. Tiens, toi, je prends quelqu'un au hasard dans l'équipe. Pouf, pouf, ce sera toi qui es chauve et qui répondra à la belle question de Diffoul. Romano. Ah bah, ta meuf, elle te fait un. Tu bouffes à midi, tranquille. Tu manges ton jambon de porc. T'es content parce que t'aimes bien le porc. Ouais, non, mais je passe pas ma vie à bouffer du jambon de porc comme ça. Dans ton canapé à tétière. Et là, tu manges, t'es content, t'es dans ton canapé à tétière. Non, y a plus de tétière. Mais t'en remets une exceptionnellement pour être bien. Non, mais y a, on peut pas en mettre. Ah merde. Mais si tu fais un trou. Non, parce que c'est plus. J'ai arrêté les tétières. Et donc, elle te dit, bon, ben, c'est fini, Romano, parce que tu es chauve. Alors qu'elle sort avec toi depuis que tu es chauve. Comment tu réagirais? Ah, mais je pense que moi, je lui dis, mais t'es complètement conne. Bien joué. Et après? Bah je lui dis dégage. Dégage, très bien. Va te faire enculer, non? Non mais ça en plus. Bah là je fais le tri des affaires. Et des insultes aussi un peu. Ah ouais, bah j'insulte, ouais. Très bien, normal, le tri des affaires. Bah ouais, j'ai mais surtout, à moi, quoi. Tu devais pas comprendre. Et après elle te dit, ah non, c'est pour rigoler, c'était pour un pari. Avec une copine. Mais tu lui as pas dit, t'es complètement conne. Toi et tes potes d'ailleurs. Ah Thomas. Ah non, je lui dis que c'est une salope. Ah non, mais non, c'est même pas salope, c'est qu'elle est con. Ouais, elle est bébête. Ouais, ouais. Et regarde, Néana. Bon, en même temps aussi, ça t'a tout lâché de la traiter de salope, hein. Mais dans les excuses pour larguer, je sais pas, dites-nous les excuses qu'on vous a données pour larguer. Parce que je vois celle de Nas, là, qui nous dit, vous voulez une vraie excuse à la con. La meuf, elle m'a dit que j'étais trop gentil. C'est pas une excuse en carton, ça. Ah ouais, ça. C'est clair. T'es trop gentil, ouais. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une excuse. En même temps, de merde. En même temps, ça peut agacer. Quand t'as quelqu'un à tes pieds. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils sont cuculs à praline, hein. Ouais. Ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai. Mon pauvre Nas. Donc, on te soulève. Ouais. Et au final, donc, Thomas, c'est fini comment, cette histoire? Donc, du coup, il s'est passé. Je la revoyais de temps en temps, mais juste, entre guillemets, pour le cul. Allez. Après, t'es courage quand même. Ouais, t'es courage. J'ai baisé la cinglée. Donc, du coup, après, au mois d'avril, j'ai appris que je partais sur Clermont-Ferrand. Donc, j'ai rencontré une fille de Clermont-Ferrand sur Internet. Tant qu'à faire, autant trouver une copine sur le coin. Ouais. C'est bien pratique. Oui, et normal, le psychologue. Donc, une histoire assez compliquée. Une fille à qui j'intéressais pas du tout depuis le début, puis après on s'est attaché. Quelle belle histoire d'amour. Voilà. Toi, voilà. Tes histoires, elles sont simples à chaque fois. Ouais, c'est. Non, mais très simple, ouais. Donc, du coup, on a pour 4 mois. Tu sais, quand on arrive à ce point-là, faut se branler sur YouPorn. Ah ouais, parce que putain, les galères, quoi. C'est trop de problèmes. Et donc, ouais, pendant 4 mois, je me rapprochais de la meuf et tout. Et genre, je suis arrivé il y a un mois sur Clermont. Et on s'est vu, dès le premier jour où je suis arrivé. Donc, Et là, vraiment, on s'est mis ensemble officiellement. D'accord, coup de foudre. Donc, et là, ça se passe bien. Donc, entre-temps, la vieille salope, là. Ton ex, ouais. Je l'avais bloqué de partout. Mmh. Donc, Facebook, Instagram. Mais elle a dû trouver le moyen de te. Voilà, donc du coup, elle a demandé à ses potes d'aller sur mon Instagram, comme je suis pas. Ouais, t'es pas en privé, ouais. D'ailleurs, allez follow mon Instagram, Toto86220, tout attaché. Et Toto, voilà. Comme ça, ton ex, si elle écoute, elle pourra trouver. Comme ça, hop, c'est bon. Non, je peux t'envoyer un message. Ah, c'est Toto. Appelle-nous, on a son numéro de téléphone également et son adresse. On organise une rencontre. Magnifique, oui. Donc du coup, ouais, Romano, d'ailleurs, j'attends un petit follow parce que j'ai quand même voté pour toi, donc. Je me rappelle plus déjà ton pseudo, j'ai entendu. C'est Toto, Toto 86, tout ça, tout attaché. Bon, je vais aller voir Toto 86220 sur Twitter et Instagram. Vas-y, vas-y. Donc du coup, alors, je me suis mis en couple avec, elle s'appelle Morgane. Donc elle a trouvé mon Instagram, donc elle m'a tapé tout un scandale. Donc elle a été, raconter des vieilles histoires à la fameuse Morgane. Bon du coup, grosse embrouille, grosse prise de tête pendant une semaine. Ça fait un jour que vous êtes ensemble, elle te fait déjà chier, t'as qu'à lui expliquer. Ah non, ça faisait quasiment moi. Pareil, c'est chiant. Ouais, le résultat est le même, elle te casse quand même les couilles. Ah non, elle te casse les couilles. Non, mais faut lui dire pareil, tu dis c'est de mes ex, c'est une folle. C'est les potes en plus, les potes à la meuf, du coup, ils sont en train de lui monter la tête à ma meuf, lui dire ouais, non, c'est un connard, vas-y pas avec. C'est sympa, les potes. T'as un entourage comme ça. Ouais, c'est bien, franchement. Et puis. Bah, ta vie, elle fait plaisir, en fait. Toi, ton entourage et tout. C'est vrai, YouPorn, dans ces moments-là. Tu n'es jamais trahi par ta main droite. Par un YouPorn. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je pense que c'est plus la faute. C'est pas la faute de l'ex, au final. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi si vous êtes comme moi. Mais moi, pour moi, c'est la faute de la meuf avec laquelle elle te fait pas confiance. Toi, c'est pareil pour toi, Rico. Ta meuf, elle te casse la tête. Elle devrait te faire confiance. T'as été clean avec elle. Non, mais en plus, ça va. Tu l'emmènes en Espagne, l'hôtel te fait une scène. Juste après être parti en Espagne. Moi, j'ai demandé le remboursement. Ah ouais, c'est clair. Pareil pour toi, mon week-end. Bon, t'en as trouvé une. Garde-la si c'est que pour le cul, comme l'autre. Mais fais quand même attention. Elle est capable de te bousiller la vie, l'autre de Clermont, là. Ouais, fais gaffe. Donc, faites gaffe. Je sais pas ce que tu vas faire, Rico. Mais dis-lui à ta meuf, sois pas conne. Non, mais. Bah oui. Je vais essayer, je vais tenir. Non, mais dis-lui peut-être pas comme ça, mais bon, non, faut lui comprendre la même chose, quoi. Si, dis-lui comme ça, tu fais pas. Bon, en même temps, si t'es proche d'elle, je peux lui dire. Ah, en plus, tu me traites de con. Ah non. Ah, voilà, en plus, tu me traites de con. Ouais, depuis ce week-end, j'ai plus de nouvelles parce que voilà. C'est moi la conne. Elle a pas supporté qu'il aille en boîte avec ma sœur et. Oh la relou, elle supporte rien. C'est moi avec ta sœur, oui. Bah, on salue tous les célibataires. Tu vas pas coucher avec ta sœur, hein. Si, peut-être, elle va peut-être penser ça dans sa tête. Tu vas coucher avec ta sœur. Non, putain, oui, ils sont d'un oeil, on part de loin. Ouais. Bon, bon courage, Rico. Tiens-nous au courant de la suite de l'histoire. Merci pour, pour les témoignages. On te remercie, Thomas. Lola, on te fait un gros bisou aussi. Hein. Merci, Thomas. Moi aussi, je vous fais un gros bisou. Merci, Lola. Sonne-toi bien, Lola. Ah ouais. Ouais. C'est possible d'avoir une photo dédicacée et un t-shirt. La photo, on va te la faire en live, comme ça tu auras une photo reine. Génial. Et puis, sinon, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock à la maison. Si même chose pour toi, Thomas et puis Rico, évidemment, hein, on t'oublie pas, Rico. Ah merci. Bon courage. Et ben on embrasse ta sœur et puis ressort en boîte avec elle, éclate-toi et laisse-toi pas marcher dessus. Bah c'est clair. Ah oui, laisse-toi pas faire. T'es un bonhomme, faut porter ses couilles. Ouais. Bon. Allez, il est 11h, on va vous offrir FIFA 17. J'en avais pas parlé, mais on a encore du FIFA 17 à vous filer tout au long de la semaine sur Skyrock. Une petite question footballistique ou gamistique ou autre chosistique. Dans un instant, il faudrait y répondre. Si vous êtes le premier ou la première, vous repartirez avec votre FIFA 17. Le jeu qu'on vous a filé depuis un mois, hein, en exclu. Et le jeu que vous pourrez choper, évidemment, sur Skyrock. Ce soir, c'est dans un instant. Qu'est-ce qu'on a prévu aussi? Tiens, on entendra avec double appel, on fait quoi? Enfin, on l'a pas fait, du coup. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait de double appel. Bah non, parce qu'il a fallu que je baisse Cédric avant. Bien vu, Romano. Bah, double appel. Ouais, c'est vrai, ouais. On peut s'en faire un chez ceux qui bossent. Ouais, c'est bien ça. Bon, alors numéro d'hôtel, numéro de truc où on a de la bouffe, numéro de truc qui livre la nuit, numéro de tout ce que vous voulez qui travaille la nuit. Agent de sécu, station service, balancez. Allez-y, balancez tout, sex shop, tout. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Allez, balancez tout. Bar à pute. Bar à pute, allez, ouais. On fait le double appel avant minuit et la question FIFA dans un instant. Drake a écouté, parce qu'on l'entendait derrière moi, ça me donne envie d'écouter One Dance, un son découvert sur Skyrock du Drake. Et dans un instant, Samir a une passion, il va en faire son boulot. Eh ben, dites-nous si vous avez des passions et que vous voulez en faire votre boulot. Passion qui peut devenir boulot, faites-nous signe. Moi, j'ai failli être footballeur. Ah ouais? Ouais. On sait. Footballeur, je fais être.

see in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, c'était Drake. Allez, c'est reparti, radio libre en direct. Skyrock, D-Fool. Avec le fait qu'il l'appelle Malbouffe, ça me dérange parce que c'est bon. Romano. Ah ouais, ça m'énerve de me réveiller, avoir envie de chier, tu vois, je sais pas. Cédric. Enchanté, ben je voulais donner une petite leçon de sport à ta femme ce soir. Un petit coup ouais, particulier. Ouais, c'est ça, va te faire voir, va. Marie. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une urgence de fille, là. Tu veux qu'on vienne avec toi? Non, ça va aller. On peut sûr. Samy. Salut, bonsoir tout le monde, content de vous retrouver. Et Karim. Ouais, ça représente quoi pour vous, 1 million d'années? D-Fool radio libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct sur Skyrock. Vous tous aussi de toute la France, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Une petite question foot que je vais vous poser, elle est facile ma question foot là. C'est pour gagner FIFA 17. Et oui, on fait gagner FIFA 17 à n'importe quel moment de l'émission. Ouais. Vous le gagnez, votre jeu, tout au long de cette semaine, encore à choper. Tiens, puisqu'on parle de foot, on aura des places de foot à vous filer dès mercredi matin dans le morning pour aller voir le match des Français, match qualificatif pour la Coupe du Monde. Yes. Qui aura lieu au Stade de France, des places à choper, ce sera 8h-5 tous les matins dans le morning dès mercredi. Bon, là, on va s'arrêter sur notre gros jeu. FIFA 17, que vous gagnez sur Skyrock, que vous avez chopé en exclu sur Sky. Il est pour vous maintenant, si vous me dites... Ah ouais. Qu'est-ce qu'a fait d'un peu particulier Mario Balotelli ce week-end. Ouais. Ah bah merde. Il a fait un petit truc un peu particulier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était ce week-end ou c'était vendredi, Romano, la petite story là? Non, c'était hier. Ah non, tu parles de quoi, l'expulsion? Ah non, bah je vais pas donner la réponse. Non, c'est pas ça. Hier, il y a eu le gros buzz. Non, je crois que c'était avant même. Hein. C'est juste avant. C'est sorti là, mais je crois que ça date un peu. Hein. Bon, ouais. En fait, il a fait un pari avec son manager. Et un pari avec son manager et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est un peu la question que je vous pose. Pas son manager, son agent. Son agent. Qui s'appelle Raiola. C'est ça. Ah ouais, c'est bon, je sais, moi, c'est quoi. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit pari. Il a dit si je marque 2 buts contre Marseille, je fais ça. Le problème, en fait, c'est son agent qui lui a dit. Je peux pas expliquer parce que sinon je donne la réponse. Non, mais en gros, ils se sont dit si tu marques deux buts contre Marseille, tu vois, il y a un truc super. Ouais, voilà, ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et à partir de là, il y a eu un problème. Moi, je l'adore, Mario Balotelli, parce qu'il y a que des galères. C'est un peu comme Cédric. Mais là, d'ailleurs, il a été blanchi aujourd'hui par rapport à son histoire d'hier. C'est normal. Il a été expulsé. Il n'y avait pas de faute. Complètement à tort, c'est clair. Bon, donc il aura pas de carton rouge. Il sera là pour le prochain match. Jouera le match. Donc Mario Balotelli, l'Italien, le quebla italien, vous savez, qui est arrivé à Nice. Ouais. Lui, enfin, toute l'année, il va nous amuser. Ouais, c'est clair. Donc c'est déjà parti. Il a fait une connerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'avais dit. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, c'est la question qu'on vous pose. Vous avez la bonne réponse. 41-759 sur l'appli Skyrock aussi. Vous nous laissez vos réponses. Et le premier ou la première repart avec son FIFA 17 qu'on vous offre tout de suite sur Skyrock. Préparez-vous. On va parler des excuses à la con, tiens. Les excuses à la con qu'on vous a déjà données pour vous larguer. Romano, tu nous as pas dit comment t'as largué la gothique? Mais si, je vous l'avais dit, je l'avais largué par téléphone. Non, comment elle t'a largué? Non, je l'ai largué. Excuse à la con qu'elle a jeté en l'herbe. Bon, vous nous dites et on peut. Non, mais elle, je l'ai largué classiquement. Hein. Et il y aura Alexis de Strasbourg qu'on prendra dans un instant. Je vois Alexis, 19 ans, qui arrive justement pour les prétextes à la con qu'on a utilisés pour vous larguer. Juste avant ça, il y a Samir. J'en parlais il y a un instant sur Sky. J'ai posé ma question, c'est bien? Oui, c'est bon. On a le gagnant dans un instant. Et donc, toi, Samir, tu sais ce qui est arrivé à Balotelli ce week-end, mais c'est sorti vendredi, je crois. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Balotelli? T'es au courant, Samir, ou pas? Non, du tout, désolé. Eh ben, c'est pas grave. Bah, désolé pour toi, t'aurais gagné ton FIFA, dis donc. Oui. désolé pour toi, tant mieux pour les autres. Ouais, c'est clair. Oui. Bon, la réponse arrive. Tu vas tout savoir, Samir. Sinon, toi, tu nous appelles pour une passion que t'as depuis tout petit. C'est ça. Et là, t'as envie d'en faire ton boulot. C'est bien, ça, je trouve. Ah ouais. Marie, toi, t'avais la passion d'être actrice. D'assise. Non, faire la radio. Mais tu travailles dans un bar aussi, t'as fait. C'est radio. Ah oui, non, mais ça, c'était mon premier boulot, ouais. Ma passion de l'alcool, mon premier amour, mon premier boulot. Non mais c'est vrai, ouais, c'était mon premier boulot, c'était le bar où je traînais souvent en fait. C'est vrai que le bar a failli fermer tellement que Marie vidait les caisses. Non mais il vit toujours, hein. Je suis allée boire un verre il y a deux semaines là-bas. Mais pas les caisses avec de l'argent dedans, hein, les caisses de vin. Elle changeait les fûts. Hein. Elle te les vidait, elle les déchargeait surtout. Ouais. Bah ouais. Et je faisais tout décharger, même les clients. Non, mais le problème c'est que j'avais plein de potes, donc j'offrais plein de verres. Ah oui, donc c'est pas rentable pour le patron. C'est pas très bon. Le mec, je te dis, il a failli fermer. C'est clair. Non, mais ça vit toujours le truc. Donc une passion que vous aviez quand vous étiez tout petit, dites-nous. Merci pour les messages que vous avez envoyés à moi. Ah bah tiens, toi t'as 17 ans et tu veux devenir médecin, c'est ma passion. Ah bah écoute, j'espère que ce sera ton métier aussi. Tu peux gagner de l'argent, quoique ça dépend, les médecins ils gagnent pas tous des sous. Hein. Ouais. Il y a Célia là qui nous laisse un message qui elle voulait. Ah bah c'est marrant. Tu voulais travailler dans une horlogerie. Eh bien j'y travaille aujourd'hui et je vends des montres toute la journée. C'est ma passion, j'adore. Célia qui nous a laissé un petit message. Ouais bah tant mieux. Hein. C'est bien, pas Célia. Et toi, Samir, ta passion de quand t'étais petit, c'était quoi? Moi, ma passion quand j'étais petit, c'était les voitures. Les voitures. Et tu es pilote de Formule 1? Non, pas pilote de Formule 1. T'es mécano? Non plus. Bah, il est rien du tout, il voudrait pour l'instant. Ah, et tu voudrais faire quoi? Et en fait, je voudrais suivre les traces de mon papa et devenir chauffeur de taxi. Ah ouais, on est loin du pilote de Formule 1, mais si t'aimes la voiture, c'est bien pilote, comme boulot. Ouais. C'est ouais, galère, c'est non bien. Ils ont des belles voitures. Non, mais si t'aimes conduire, t'aimes les caisses. Après, c'est vrai que ça dépend dans quelle ville tu roules, mais dans certaines villes, ça peut être galère. Ouais. Journée dans les bouchons, client à la con. Ouais. Ouais, carrément. C'est pour ça, moi, je voudrais m'éloigner de la région parisienne. Ah, c'est vrai que c'est pas là que ça roule le mieux. T'es où? T'es en 93, toi, Samir? C'est ça. T'es où dans 9-3, toi? À Montreuil. Enfin, en région parisienne, c'est aussi peut-être l'endroit où tu te fais le plus de fric, non? Ça dépend, ouais, mais je pense. Ça dépend, comme il dit. Ça dépend de quoi? Bah déjà, par exemple, en province, tu sais, les taxis, un truc qui rapporte pas mal, c'est ils font des transports de malades, tu vois. Sympa. Non, mais oui, c'est vrai, ouais. Tu te vois transporter Cédric dans ton taxi. Non, mais le mec te chirait sur la banquette. Non, mais par exemple, tu sais, je sais pas, mettons, tu t'es pété comme Cédric la clavicule. Tu dois faire de la rééducation, le kiné, loin de chez toi. Et en fait, le malade. Et ouais, en fait, t'emmènes le malade. Tu vas chercher la vieille tous les jours. Tu déplaces pas un brancard dans ton taxi. Non, hein, les gens, ils sont... ouais, bonjour, monsieur le taxi. Excusez-moi, j'ai fait une tache sur votre siège. Tiens, le mec, en fait, t'es derrière. Attendez, il en fait une deuxième. Oh, putain, mais Cédric. Mais bon, après, le taxi, oui, c'est en gros, t'es comme un client, sauf qu'il t'emmène dans un lieu médical, quoi. Non, tu sais que le pire que Cédric, on parle de Cédric, moi, il m'avait dit que pour se déplacer, il fallait qu'il prenne un van parce qu'il pouvait pas se plier en deux, en fait, tu sais, dans une voiture. Donc, le mec était dans un van pour 8 personnes, tout seul. Quand on vous a dit que Cédric était un peu gras, c'est ainsi, hein. Comme un con. Ah, c'est pas trompé, hein. Une bonne bétaillère. Ouais, c'est ça. Bah, bon, est-ce que ton père, il est quoi? Il est taxi, il est Uber, il est quoi, toi, Samir? Ouais, mon père, il était chauffeur de taxi parisien. D'accord. Et toi, ouais, tu veux être quoi? Tu veux être Uber? Simple, moi, je voudrais être chauffeur, en fait. Je voudrais toujours être au contact des clients. Je sais pas encore Uber, VTC ou chauffeur de taxi. Là, par exemple, je me suis inscrit à la formation pour janvier, chauffeur de taxi en région. Bah, c'est bien, tu donnes les moyens de réussir ta passion. T'avances, ouais. C'est ça. Mais j'ai un petit souci, en fait. C'est quoi? C'est, j'ai ma maman qui veut pas me laisser faire ce que je veux. T'as quel âge, Samir? Pourquoi? J'ai 22 ans. T'as 22 et ta mère, elle te dit quoi? Elle veut que tu fasses quoi? Bah, en fait, ma maman, elle me dit, ton père, il était jamais là quand vous étiez petit, il travaillait de 10h du matin à 3h du matin, il dormait que 7h, il se tuait au boulot, c'est pas une vie. Ah, elle te prévient, mais bon, si t'aimes ça, dis-lui, je suis au courant, t'es au courant de façon de tout ça. Ouais, carrément, bah ouais, mais c'est un peu compliqué, et du coup là j'ai dû m'inscrire de manière discrète pour... Non, 22 ans, faut dire aussi à ta mère que t'es un grand garçon, Samir. C'est sûr, mais c'est pas évident, hein. Regarde, Romano, qui a 21 ans, se considère comme un adulte, malgré sa taille d'1m54. Oui, mais taille d'enfant, mais cerveau chauve. Oui, mais adulte. Adulte, cerveau très chauve. Non, mais en plus, autant, ouais, si c'est vraiment ta passion, ce serait con que tu fasses un autre taf dans lequel tu te feras chier toute ta vie. Ouais, quoi. Tu sais que c'est galère, tu sais qu'il y a des problèmes. De toute façon, dans tous les métiers, on peut trouver des problèmes. Non, mais de toute façon, il y a rien de, oui, il y a pas le boulot idéal. Bah non, tous les métiers, t'as des horaires, tu vois, même nous, on fait un métier cool, mais par exemple, s'il y a un concert ce soir, il y en a pas. Mais on peut pas aller le voir. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il y en a peut-être d'ailleurs, mais bon. Non, mais si tu vois, il y a des trucs, tout le temps, tu fais des concessions. Mais c'est pour être avec vous, mes amours. Donc le taxi, c'est pareil, si c'est ton truc. Et puis faut. Mais ta mère, elle est vachement présente pour toi à 22 ans quand même. Ouais, vachement. Bah, je suis le petit dernier, donc. C'est maman poule, hein. Je suis le petit chouchou, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Maman poule, souvent, exactement. Hein, les petits. Non, mais après, bon, peut-être, elle a vu ton père en chier aussi, comme pas deux, et elle se dit, ouais, j'ai pas envie que mon fils il vive la même chose que mon mari, quoi. C'est marrant cette expression, pas chier faux. Comme pas deux. Ah ouais, chier comme toi. Oui, je sais pas d'où ça vient, mais. Ouais, Bourgogne, à mon avis, Romano. Chier comme pas deux. T'sais, c'est pareil, je pense que par exemple une maman, tu sais que son mari il est maçon, tu sais, c'est des boulots vachement physiques. Ah ouais, c'est chaud. Si le fils il dit je vais être maçon, je pense que la maman elle va dire ouais, ce serait peut-être bien que tu fasses autre chose. Si c'est des boulots, ouais, t'as le dos fracassé. Et non, mon chéliche, tu travailles pas ma chance. Tu travailles dans le froid. Moi je vois les mecs sur les chantiers, mais comment ils galèrent, quoi. C'est Et la canicule. Oui, ouais, aussi. Bah c'est bon, Marie, on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Ouais, c'est clair. Oui, là, ce sera plus le froid là maintenant. Et justement, c'est pour ça que je veux pas faire taxi parisien et vraiment dans une région et avoir des horaires plus soft. Non, mais bah a priori, t'as pris la bonne décision, c'est de commencer à passer, je sais pas, des examens. Enfin, c'est quoi, tu vas passer une formation. C'est une formation. Il y a plusieurs étapes dans la formation. Il y a le code de la route. Il faut avoir les premiers secours, etc., etc. Et ouais, de toute façon, c'est une formation obligatoire, donc bon, fais-le. Ouais, bah ouais, de toute façon, je vais faire. Et toi, t'as envie de t'installer où, du coup, après? Bah moi, je me serais bien installé du côté de la Seine-et-Marne, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, en fait. 7-7, ah ouais. Un petit conseil pour vous qui voulez être chauffeur. Oui. 7-7, mais moi, j'ai des potes qui sont devenus chauffeurs. Toi, t'as ton cousin. Ah, moi aussi. Ouais, ouais. Chauffeur Uber, il y en a plein, hein. Ouais, mais il a arrêté, moi, ça l'a saoulé. Non, mais c'est la galère, hein, les mecs. Il a arrêté. Ça non, mais bien ça. Non, mais ils sont exploités, les mecs. Ouais, ça va, il prend son billet quand même. Non, mais moi, les autres fois, ils sont pas. Non, mais ils en parlent à la télé, c'est-à-dire que pour vivre à peu près, pour sortir un SMIC, faut travailler 13-14 heures par jour. Ouais, exactement, c'est une galère. Donc, c'est quand même pas super bien payé. En fait, les vrais gagnants dans l'histoire, c'est Uber. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ils grattent des soies morts. Ah bah eux, ils sont dans leur bureau et tous les chauffeurs ils triment comme des chiens et ils prennent des comme. Il est blindé Hubert. Quel enculé cet Hubert. Ah bah c'est vrai, ils gagnent pas. Ouais, ou alors ouais, pour gagner à peu près correct. Et encore un SMIC, c'est pas. C'est ce que disait ta mère, ça n'est pas un truc de, c'est pas un salaire de ouf. Hein. Non. En gros, non, et puis les clients qui rendent fous aussi, gros. Ta mère t'a prévenu, ça, ouais, mais les clients qui rendent fous, tu dois en avoir en boulangerie. Ouais, et puis apparemment. Dans les grandes surfaces. Ah, non, quand t'es taxi, gros. Quand t'es taxi, dire faut que t'apprennes toutes les rues et tout ça, hein. T'as des. Non, mais ils ont le GPS. Tu sais, Marie, il existe un truc qui s'appelle le GPS. Non, mais sans déconner. Tu dois les apprendre quand même. À l'examen. À l'examen, tu dois connaître tout. Non, mais les taxis, les Uber, n'importe qui. Non, les Uber, ouais, tranquille. Et les taxis, franchement, il y en a, je veux pas critiquer, mais clairement, ils n'ont pas appris toutes les rues par cœur. Non. Ah non, bah non. Il faut des grands détours. Bah, l'autre fois, Carriole, elle voulait aller à Boulogne, le mec l'emmenait à Porte de Bercy, donc c'était complètement l'opposé. Oh, ça va borne, hein. Elle a dû gueuler. Ça va borne. Et le mec, il fait, j'ai mal compris. Elle fait, effectivement. Dis-nous. T'as une étape, pendant la formation où, t'as le moniteur, il te demande de l'amener à un endroit et t'as pas de GPS, en fait. Oui, oui, non, mais c'est vrai qu'a priori, vous devez connaître les rues, ouais. S'il t'aime pas, c'était ça. Ouais, c'est ça. Le mec. Oui, alors je te fais l'impasse de Bounus. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Le mec qui t'envoie dans une petite rue d'enculé que personne connaît. À Damary sur Foin. Ah ouais, non, c'est allez, faire, impasse du coup. Allez, on y va. Et plus vite que ça. Ah, si t'as d'enculé, il te baise. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Samir, nous? Bah, en fait, je voulais savoir si je faisais une erreur ou pas. Je voulais savoir s'il y avait déjà des personnes qui travaillaient. Il y a plein de taxis qui nous écoutent. Ouais, taxi, des Uber. Mais en tout cas, c'est ta passion. Moi, je te dis que quand tu fais ta passion, tu vis ta passion. Ouais, la seule erreur, ce serait de pas aller au bout. Après, tu te rendras compte si t'as envie de changer. De toute façon, on a une vie, mais on peut faire plein de choses dans la vie. Samir, regarde-moi, j'ai été footballeur, j'ai fait de la boxe thaï, champion du monde. J'ai été mannequin, modèle à New York. Mm-hmm. J'ai été agent de Eminem et de Dr. Dre. Wow. Et du prince du hip-hop. Et du prince du hip-hop. Ouais. J'ai voyagé dans l'espace. Ex de Rihanna aussi. Et voilà, et Rihanna aussi. Aussi. Tout ça dans une vie si courte. C'est dingue. Et il n'est pas encore fini. On sait jamais, Romano. Ouais, bah, oui, c'est gay. Ouais, tu dis, Sam. Moi, je te disais, je t'avoue que moi, je sors de 4 ans dans le commerce, je travaillais chez Adidas et ça m'a gonflé, en fait. Bah, change, tu vois, t'as fait 4 ans d'Adidas, t'empêches pas de faire autre chose après, si le taxi, la voiture. Bah après, si tu veux vraiment être taxi, faut investir, parce qu'il faut acheter la plaque, là, la licence. Tu peux louer. Ouais. Ça se loue par jour, ouais. Ah ouais, ça se loue. Ça après, t'as ton père qui doit savoir, parce qu'il a été taxi, c'est quand même ça marche, ça. En plus, la plaque, elle a augmenté, là, c'est... Non, elle a baissé, là, un petit peu, gros. Elle a baissé, elle était montée à 250 000 euros, elle a baissé, elle est à 180 à peu près, là. Putain, à Paris. C'est Samir, t'as Karim, c'est un spécialiste de taxi. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est parce que mon oncle, il est taxi, gros, depuis que je suis petit. Et à Nice, elle valent 400 000. Ah ouais? Ouais, à Nice, 400 000. C'est le plus cher de France. Ah, mais c'est Mais il y a du boulot à Nice, bah, 400 000, c'est cher. Ouais. Tous les vieux. Tu sais, les mecs, tu fais Nice, admettons l'aéroport, t'emmènes les gens sur, dans une autre ville de la Côte d'Azur, ils t'attendent au tournant, les mecs. C'est-à-dire que le compteur, il tourne. Ah, c'est vrai. Et après, ouais, il faut les transferts, tu vois, genre Nice-Monaco, les mecs blindés. Mais en même temps, ils ont bien raison de les faire cracher, hein. Bah ouais. Regarde, on apprend que de nos erreurs, nous dit Lucie, 19 ans. Elle est bien ta phrase, mais elle est assez juste. Quand on fait une erreur, autant tirer les enseignements. Donc si ça te plaît, t'as envie de le faire, tu regretteras toute ta vie si tu fais pas. Donc moi je te conseillerais d'y aller. Marie te dit fonce aussi. Ah ouais, non, c'est clair. Fonce, taxi dans le mur. Non, ça peut être dangereux. Romano, t'en penses quoi, toi? Non, mais faut y aller. Bah de toute façon, t'as inscrit, forme-toi, essaye. Puis de toute façon, oui, au pire, si ça te plaît pas, c'est pas définitif. Hein. Vas-y. Parce que moi, je t'avoue que ça me plaît parce que tu vois, je fais Hitch en ce moment. Je suis en région parisienne. Mais Hitch, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je fais du Hitch, je fais du blablacar. Et moi, je t'avoue que j'adore, en fait. Être dans ta voiture, conduire, c'est. Ouais, tu rencontres du monde et tout, quoi. Sinon, tu peux faire routier, si t'aimes bien rouler. Ouais, mais c'est pas des grosses berlines. C'est plus des gros camions, oui. Non, mais tu vas sauver ta passion, t'aimes les grosses caisses, tu vas t'acheter une grosse. Et tu vas acheter quoi comme bagnole alors quand tu seras taxi? Bah, franchement, pas un truc de malade, mais genre un Q5 chez Audi, quelque chose comme ça. Ah, ouais, ça va déjà, ouais, c'est les 4x4. Bah, Q5, c'est déjà assez gros. C'est moins gros que le Q de Kim Kardashian, mais. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, c'est déjà une belle bagnole. Vas-y, Samir. En plus, c'est les messages qu'on nous laisse sur SMS. Tu le regretteras trop si tu le fais pas. Regarde, ça, c'est le message de Karim. Guiloute qui a des conseils pour toi. Laisse ton numéro, Guiloute, si tu veux qu'on te mette en contact avec Samir. Moi, c'est les chiens qui sont ma passion. Je suis éleveur et éducateur. Et je kiffe, tu vois. Il a réalisé sa passion, c'est Jer. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la radio, tout le monde me demandait, mais tu vas vivre comment, à part ça? Non mais c'est souvent ça. Hein. Ah et Hitch, c'est pas comme les Uber, ne nous insulte pas. Pareil, pas. Ah, excuse-moi monsieur Hitch. Non, c'est vrai, c'est pas pareil. Ah bon, alors il y a quoi de différent? En fait, tu fais pas de formation et tout ça, je crois que t'es juste un particulier et non mais Uber, la formation elle est claquée, t'as rendez-vous un après-midi dans une salle et ouais, mais c'est bon, tu payes Uber. Ouais, mais non, merci. En fait, Marie, pour Hitch, en fait, c'est tout simple. C'est juste envoie tes papiers, ton permis de conduire, ta carte grise. Voilà, t'es Hitch. Et ta voiture, et tu peux être Hitch à n'importe quel moment. En fait, t'as juste à t'enclencher sur l'application et tu trouves tes clients. C'est ça. Avant d'acheter une plaque, comme on dit, pour devenir taxi, commence comme ça. Tu vois ce que ça donne. Si ça te prend pas la tête, après, tu t'engages à autre chose. Ouais, ouais. Faire gaffe. Bon, ben, en tout cas, merci pour les messages. Vous êtes d'accord avec nous, hein. Il y a Juan qui nous laisse un message et qui nous dit exactement la même chose. Vas-y, fais-le. Moi aussi, j'aimerais devenir chauffeur. Tiens, il y a Zombit. Salut, grosse bite. Non, Zombit. Salut, Zombit. Mon père était en taxi en province. Il a changé de boîte parce qu'il faisait large plus de 50 heures par semaine en tant qu'employé. Ah, il faut bosser, ouais, pour être taxi, c'est sûr. Ah, ça, il tape des heures, ouais. Bon, bah voilà, en tout cas, Sam. Donc, tiens-nous au courant, vas-y, fonce. Et puis, si on a besoin d'un taxi ou d'un chauffeur. On t'appelle, ouais. Ah, on t'appelle. Ouais, appelez-moi, il n'y a pas de souci. Avec ta grosse berline. Et puis, tu mets Skyrock à fond, hein, dans la berline. Bien sûr. Toujours accompagner Skyrock. Toujours. Ouais, c'est cool. Bon, bah, tiens-nous au courant, Samir, mais vas-y. Ah, bisous. Ça marche. Du coup, juste, je voudrais juste dire un petit mot. Vas-y. Je vous écoute depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. J'ai grandi avec vous. Franchement, vous déchirez. Bon gosses, c'est gentil, Samir. Franchement, continuez ce que vous faites, parce que comme je te dis, j'ai des grandes sœurs et des grands frères, je vous écoute vraiment depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, et vous assurez depuis tout ce temps. Déjà Sky. C'est ça, ben, ouais. Des grands frères, des grandes sœurs, c'est ben, tu c'est salues toute ta famille, Samir. Ouais, coucou à tout le monde. Ça fait des beaux merci gosses. Élevé à Skyrock. Salut, Samir. Ciao. Salut. Bisous. Ciao, Samir. Bon, on a un petit PNL là qu'on va se passer tout de suite. Mmh. Mais d'abord, la réponse à ma question footballistique, ouais. Bien sûr. Question pour gagner FIFA 17. Skyrock vous file FIFA 17, c'est à gagner. Tous les soirs dans la radio libre, le matin aussi, dans le morning. Et FIFA 17, je crois que c'est pour Youssouf de Colombe qui doit être au téléphone avec nous. Salut Youssouf. Salut Tifo, salut tout le monde. Salut Colombe. Bonsoir. Colombe dans le 92, mais on est couillu dans le 92. On est couillu. Ah, dans le 92, on est couillu. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. T'as 19 ans, Youssouf, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, t'as la réponse à la question que j'ai posée il y a un instant. On parlait de Balotelli. Alors, Balotelli qui avait fait un pari avec son manager, son agent, plus précisément, Raiola. Et Raiola lui avait dit, si tu marques deux buts contre l'OM, en pensant que ça arriverait jamais, je te fais quelque chose. Alors c'est pas une pipe, comme on nous le disait là sur SMS, il y a eu plusieurs messages. Non. Le message de Chiquito qui nous dit, il lui a fait une pipe et il a été obligé de sucer Balotelli. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a gagné son pari, Balotelli. Ouais. Il a marqué deux buts contre l'OM. Ouais, c'était son premier match d'ailleurs. Et deux buts. Comme c'était le mois dernier. Ouais, il nous avait bien niqué. On gagnait 2-1, on avait perdu 3-2. Alors le pari qu'il avait fait avec son agent, attention. Alors, Raiola lui a donné sa Bentley et il a fait un accident. En fait, il lui a prêté sa Bentley parce qu'il a une Bentley. Raiola, il est riche. Ah bah, lui, il est blindé, tranquille. On parlait de grosses voitures, ça, il est bien riche. Ah, il est blindé. Et à ce moment-là, donc Balotelli, qui est un très bon conducteur, puisqu'il a plié une bonne dizaine de voitures déjà. Dans tous les clubs, les pays où il a joué. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est un jour, Balotelli, il appelle son agent là, Raiola, et lui dit, ouais, prête-moi ta Bentley. Il a une grosse voix, Balotelli. Prête-moi ta Bentley. Ouais. Et donc Raiola lui dit, ok, si tu marques deux buts contre Marseille, je te la prête. Ouais. Et parce qu'en fait, le mec n'avait pas marqué, il marquait un but en 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, il avait marqué. Même Raiola, il a dit, ouais, bon, je pensais pas qu'il les marquerait. Ces statistiques d'avant. Eh ben si. Et quelques jours après, il appelle chez Raiola, il tombe sur la femme de Raiola et elle fait ouais, il y a Mario. Salut, c'est Mario Balotelli. J'aimerais parler à Raiola, quoi. Il lui fait ouais, passe-moi les clés. Et Raiola, il dit les clés de quoi? Il fait bah, les clés de la Bentley, donc il lui a lâché. J'avais pas oublié. Il a été dans un yacht club et en fait, en reculant, il a défoncé un poteau et en même temps la Bentley. Ah bravo. Donc en fait, c'était ça la petite story. Ouais, il a défoncé la caisse de son agent après avoir gagné le pari, comme nous le disait Mad, mais le plus rapide, ça a été toi. Youssouf, tu gagnes FIFA. Bravo. 17, Youssouf. Bravo. Merci. Bah toi, tu déchires bien. Fais bien de te brancher sur Sky le soir, tu vois, avant de dormir, pas mal. Tu supportes toujours, qui, toujours. Toi PSG. Comment? Tu supportes qui, le PSG? Non, je reste silencieux. Non. Vas-y, non, mais c'est qui là, tu supportes l'OM et t'oses pas le dire. Tu oses pas le dire. Ah, je suis avec mon gars Samy. Faut pas avoir honte, hein. Non, mais si, t'as raison d'avoir honte. Mais gros, on a une équipe, voilà. De merde, Samy. Au milieu du tableau, donc bon. Pour moi, c'est dur. Attends l'année prochaine qu'on soit racheté. Ça fait quelques années que c'est dur, les gars. Je vous le dis quand même. Et alors, il est arrivé, votre américain. C'est bon, là, dans deux semaines, c'est fait. Ah, dans deux semaines. Ma couille, là. Dans deux semaines, c'est ça. Ça fait 4 mois, ils disent dans deux semaines. Ça va être officialisé pour le classico PSGOM. Bon, en tout cas, oui. Youssouf, tu pourras jouer peut-être avec l'OM. Je suis pas sûr sur FIFA 17 ce soit la meilleure équipe. Non, je te conseille pas. Mais tu pourras jouer sur ton FIFA 17 que tu gagnes et qu'on t'envoie à la maison. Bravo à toi. Lourd. Merci beaucoup, Sky. C'est pour toi. Eh ben, c'est parti du côté de Colombe. Je sais pas si on aura le temps de vous enfiler un autre avant minuit, mais on essaiera. De toute façon, tous les soirs, c'est à gagner, tous les matins aussi, dans le morning et dans la radio libre. Salut Youssouf. Salut. Salut à tout Colombe. Salut. Ciao. Ciao. Alors, tiens, on se prépare un petit. T'aimes bien PNL, Youssouf? Ouais, PNL, je kiffe. Eh ben, nous aussi. Ça, c'est PNL qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock. Le son qui arrive tout de suite. Vous en direct, évidemment, et dans un instant, Alexis de Strasbourg avec les excuses à la con pour se faire larguer. On y revient et on en reparlera avant minuit. Donc avec Alexis. Bonjour Strasbourg. Salut Alex. Salut l'Est. Ouais, on est salut, content d'avoir les Strasbourgeois. Ça y est, vous pouvez écouter Skyrock sur la FM à Strasbourg maintenant. Ouais. Eh oui, enfin. Je sais, vous êtes plein d'ailleurs à nous laisser des messages. Ça cartonne à Strasbourg, c'est bien. Ah oui, avant, on allait sur l'ordi et tout. Bah, je sais, c'était galère. Il y avait l'ordi ou alors vous aviez RFM, je sais. Voilà. Super. Ou BFM aussi. Ou Nostalgie aussi. À Strasbourg, il y avait que des radios pour vieux. C'était dingue. Ouais, c'est ça. Que de la merde, c'est de la merde. Oh non, on les salue, nos collègues, on les aime bien. Mais oui. Il y a faux pour tout le monde, tu sais. Bah oui, c'est sûr. Skyrock est arrivé. 96 FM, si vous voulez nous écouter à Strasbourg. Alexis, tu vas nous expliquer une excuse bizarre pour un largage. C'est une réaction par rapport à Rico tout à l'heure. On se fait du PNL. Et puis on te retrouve juste après. Et puis notre multi-appel, double appel amélioré ce soir, direction ceux qui bossent juste après PNL sur Sky. Le nouvel iPad mini a gagné tous les soirs pour le meilleur freestyler de Planet Rap. Pour la sortie du film Chouf. Moi je ramène les sous. Toi tu ramènes ton diplôme. Viens gagner ton iPad mini en rappant dans l'émission rap numéro 1 en France. Planet Rap, 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Chouf. Et retrouve Chouf le 5 octobre au ciné avec Skyrock. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus près du SMS DGP. Concert. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien. Le phénomène Nekfeu. C'est Nekfeu sur Skyrock. Choisis encore Skyrock pour son prochain concert à Paris. Nekfeu. C'est ce bon vieux feu. Le beau gosse du rap français. Le 1er décembre en concert Skyrock à l'Accor Hotel Arena de Paris. On verra bien. Merci. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Au plus profond de l'obscurité, quand vous mourrez de peur, ne criez pas. Qui est là? Ne respirez même pas. Par le réalisateur de Evil Dead et le producteur Sam Raimi, Don't Breathe, la maison des ténèbres. Maintenant, vous voyez ce que je vois. Numéro 1 au box-office américain, Don't Breathe, la maison des ténèbres, le 5 octobre au cinéma, avec Skyrock. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. What the fuck? C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Ouais, et c'est PNL maintenant sur Skyrock. Premier sur le rap et premier sur PNL. Gros son de PNL, un gros extrait de leur gros album à PNL. C'est sur Sky. Et dans un instant, direction Strasbourg, les excuses à la con pour se faire larguer. On s'en occupe avec Alexis. Ouais. Et on débarque à l'improviste chez ceux qui bossent ce soir. Ouais. Multi-appel, plus fort encore que le double appel. C'est après PNL. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. feu. Raconte vite, pardon. Je recompte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans que tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non, mmh. Ok, je vois, balai, mmh. Je crame une clope dans la, mmh. Cette passion, va ma, mmh. Je parle à ma, mmh. Le Yankee veut ça, mmh. En menottes dans la, mmh. Au parle. Au milieu des tochas, je fais le tour de la plaine avec Epona. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané, nanané. Grosse de pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E en chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Un cœur de ice, tu connais. Olé, olé, je suis parisien, enculé. Volé, volé. Aux riches, mais pas aux pauvres, salope, salope. Mmh. Une légende comme Ice sur le terrain. Aïe, tu sais, ma bitch, on aime la maïs. Avec cette merde que la mif graille. Bataille. On pourra pas dire qu'on est condamné. La lumière on la voit que depuis cette année. 170 degrés je dois pédaler. Laisse les parler. Des schlags et des schlags je peux plus les compter. Et l'hôtesse de l'air elle me sert à monter. Je suis pas là mais VR continue de voter. Dans l'escalier. Je veux du L, je veux du V, je veux du G. Résident, ta grand-mère. Rigolo, prononce. Mon blanc j'aimerais bien rigoler. Soleil sur la tête. Ça lève les compètes. Mon hall, tu mens, et tu sais, je m'empête. Non, non, mmh. Ok, je m'en balai, mmh. Je crame une clope dans la, mmh. Cette passion, voir ma, mmh. Je parle à ma, mmh. Le Yankee veut ça, mmh. En menottes, dans la, mmh. Au parle, je sens la, mmh. Je rame que pour la, mmh. La street ça pue la, mmh. Je vois le monde, je vois ça, mmh. En poster, j'ai la, mmh. Tu crois, je veux le, mmh. Et tout ce qui y a de, mmh. Sa mère là, AMD, mmh. J'suis totalement paix, mmh. PNL sur Skyrock. Non. Voilà, gros son de PNL, Naha sur Sky. Et dans une demi-heure, vos places pour Jul a gagné la tournée de Jul et du Ken Jones à écouter aussi, c'est sur Skyrock. D-Fool, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Rock, rock, rock. Skyrock, Radio Libre jusqu'à minuit. Attention, attention, direction les travailleurs de la nuit. Ouais. Ceux qui bossent la nuit, on va les appeler en direct. Si vous êtes tranquillement dans votre lit, vous allez pouvoir en profiter vous aussi. C'est le multi-appel. On n'a pas eu le temps de faire un double appel ce soir parce que soirée très très chargée. Un peu comme la Marie, si vous voyez ce que je veux dire. Hey. Ah bah c'est malin. Complètement fait. Putain, il y a plein de messages pour PNL. Franck qui dit je kiffe ce son de PNL. Alan du 40, il déchire ce son. Il y a Jules aussi qui nous dit tue ce son, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien PNL. Tu ris pour Alan, un hôte. Et pour Tino également qui nous laisse un message magnifique. PNL. Oh bah vous écoutez Skyrock, vous avez du PNL toute la journée là, du matin au soir. Et là c'était un des extraits de l'album de PNL qu'on vous passe sur Sky. Ken Jones, je vous l'ai dit, il arrive. Mais avant ça, ah oui, on a les réactions pour les excuses à la con pour se faire larguer. Ah oui. Qui a déjà utilisé ou été victime d'excuses à la con pour un largage? Dites-nous au 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez vos messages. J'en ai pas mal qui sont arrivés là depuis tout à l'heure parce que j'ai lancé l'appel dans l'émission. Alors une excuse à la con pour te larguer. Je t'aime, mais je suis à saturation. Je lui ai demandé de quoi. Elle a répondu je ne sais pas. C'est message super. De Céline. Ça saturait dans le cerveau. Oui, oui. Je suis trop heureuse avec toi, Lionel. Oh putain. putain. Qui a sa meuf qui lui a dit je suis trop heureuse avec toi. Voyons. J'ai envie d'être en bad. Ouais, c'est ça. Je suis trop bien pour toi, ça s'est revenu plein de fois. C'est clair. Évidemment. Il y a Ben qui nous a laissé ça, qui a été victime de cette excuse à la con, on peut le dire ça. Ouais. Je t'aime trop. Ouais. T'es trop bien pour moi. Je suis pas dedans, je veux pas te faire de mal. Il y a Skinet aussi qui nous laisse un message. Moi, mon mec m'a dit qu'il avait besoin de baiser ailleurs et donc il préférait me larguer. Au moins, c'est honnête. C'est ce que j'allais dire. Au moins, lui, il est franc. Oh, ouais. Tu te prends ça dans la gueule. Tu te prends ça dans la gueule, tu. C'est dur quand même. Ça va pas être facile, ouais. Et là, on a Alexis justement pour les excuses. On va y revenir tout de suite. Bah tiens, il est avec nous, Alexis. Ouais. En direct de Strasbourg. Bonsoir. Bonsoir l'Alsace. Bonsoir Strasbourg. Bah, il a pas l'accent, lui. Yo. Tu dis oui. Oui. Ya Strasbourg. Alors. Salut à tous Strasbourg. Et donc Alexis, c'était quoi l'excuse bizarre qu'on a utilisée pour te larguer, toi? Ouais, bah moi, mon ex, bah en gros, tu vois, bah ça faisait 2 ans que j'étais avec elle, j'étais bien, tranquille et tout, et du jour au lendemain, bah, elle me dit, ouais, je suis lassé, t'es relou, tu me saoules, tu vois. Je suis lassé, t'es relou, tu me saoules. Oh, faut encaisser quand même tout ça. T'es très amoureux, toi, ça fait plaisir. Ouais, j'étais à fond, moi, tu vois. Ah ouais. C'est vrai, quand t'es très amoureux, tu te prends un truc comme ça dans la gueule. Et au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans et demi, et puis tu vois, elle me faisait croire mon démerveille, donc. Tu pensais que ce serait la femme de ta vie, celle qui donnerait naissance à ta progéniture. Comment dire, des gosses qui chient, qui pleurent et tout ça. Fais des crêpes, c'est mieux les crêpes. Pourquoi tu veux faire des crêpes que des gosses? Ah, quelle horreur! Bah, les crêpes, ça crie pas, ça pleure pas. Ouais, mais ça rendra malade Romano, les crêpes. Ah, ouais, bah, ça me donne la chiasse. Il est devenu allergique aux crêpes, Romano. Fini les crêpes. Ah, j'avais pas bouffé depuis. Hein. Ah, bah. Excuse à la con de Romain, 21 ans. J'ai peur de m'attacher. Pas mal. Excuse à la con de Simo, 26 ans. Ça me fait chier qu'on se dispute jamais. Non, mais t'imagines, ça me fait chier qu'on se dispute jamais. C'est pas normal pour un couple. Pff. Allez, tiens, prends ça dans la gueule. C'est ennuyant après, c'est ennuyant. Dégagé. Ouais, on a trop d'écart. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, par exemple, regarde. Il y a Laurie qui nous dit que son mec le dit, on a trop d'écart. Je sais pas combien vous aviez d'écart. Laurie, elle a 19 ans. Mais c'est dès le début. Mais tu le sais dès le début. J'avais 2 ans d'écart avec elle. Hein, tu vois, l'écart, ça grandit pas au fur et à mesure que tu sors avec elle. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un peu débile, ouais. Et en plus, l'écart, tu le vois plus quand t'es plus jeune que quand t'es plus vieux. Ouais, c'est vrai. Non, mais même, ça change rien. Si t'es bien avec la personne, je vois pas pourquoi l'écart il ferait quelque chose. Donc c'est vrai que ton excuse elle est pas mal. Ouais, mais surtout qu'il a appris un truc derrière Alexis. Ouais, le pire c'est qu'une semaine après, tu vois, je la croise à un festival et elle me dit ouais, je fais plan cul avec lui, tu vois. Oh non. Genre d'être seul un peu et tout, tu vois. C'est donc, une grosse vanne quoi. En fait, c'était une grosse excuse de merde pour, pour pas te dire qu'elle sortait avec. Ah ouais, puis c'était brutal, ouais, c'est clair, putain. Ouais. Oui. Ah ouais, moi j'ai pris une claque. Hein, ah bah tu m'étonnes, ouais. Ciao. Ah bah j'imagine. Ah bah du jour au lendemain, au bout de 2 ans et demi. Ouais. C'est vrai. Ah bah oui. Excuse à la con dans l'équipe Marie, t'en as sorti des excuses à la con pour larguer quelques-uns parmi les 17 792 mecs qui sont sortis avec toi. Non mais les trucs où je suis plus dedans, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, ça souvent. J'ai plus dedans aussi. Ouais mais faut dire le temps. Mais tu leur dis quoi Marie? J'ai plus le temps. Mais de temps pour quoi faire? De temps pour te voir. Mais tu travailles 3 heures par jour. Non mais je sais, mais tu sais, quand t'es avec un mec qui bosse toute la journée, en fait tu le vois plus. Non mais attends, écoute, l'autre, elle travaille 3 heures par jour et elle a des problèmes de temps. Et tu penses que ton mec il détecte pas que c'est une excuse à la con? Tu me parles d'excuses à la con. Ah, non, mais c'est vrai celle-ci. Hein. Non mais souvent moi les mecs me disent ouais ben on se voit jamais parce que forcément s'ils bossent toute la journée on se croise vraiment pour l'apéro. Ah, moi j'ai pas le time baby. Non mais c'est vrai, la semaine c'est un peu compliqué quoi. Ah bah les grave. Se lève tôt, moi plus tard, enfin ah bah, bon, voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc je l'ai utilisé souvent ça. Ah écoute c'est pas mal. Eh ben, c'est bien de la merde. Bah écoute. On est bien d'accord. Mon les mecs ils sont bien qu'on y croit. Ouais. Ah putain. Quoi que moi j'ai eu un sale truc aussi une fois. Excusez-moi mais Didier Deschamps a fait une couleur blonde non? Mais il a non, toujours pas de chic. En fait, non, c'est quoi, lui, il a pas de dents, par contre. Excuse-moi, parce que je vois Didier Deschamps à la télé. Ah, là. Mais il s'est relooké, dis-donc. Non, mais ouais. Didier Deschamps a un nouveau coiffeur et il s'est mis une perruque blonde. Non, mais attends, il a maigri, non? Il a pris une malade. C'est jaune. Ouais, non, il a maigri, en général. Non, il est... Non, on dirait, il est bogasse un peu. Non, mais il est moins rouge qu'avant. Ouais, parce qu'en fait, il est bronzé, ouais. Il a peut-être été en cure. Et il est allé chez le coiffeur de Donald Trump. Non, mais ouais, il a mec qui s'est fait la petite coupe. Ah, c'est jaune. Il est tout jaune. Ouais, Didier. Didier, beau gosse, Didier. Vous savez, c'est les mecs de l'équipe de France qui lui ont refilé un coiffeur et lui ont fait une blague. Je suis sûr, moi. C'est qu'il est très complexé de ses cheveux, Deschamps. Ah ouais. Parce qu'en fait, avant, il avait une coupe à la brosse, tu vois. Ouais. Et quand il était entraîneur de l'OM il se faisait victimiser par ses joueurs, tu vois, parce que en fait il collait des affiches de Bart Simpson dans les vestiaires parce qu'il avait la même coupe de Bart Simpson. Et en fait ça l'a vénère. Un jour il est arrivé, il s'est plaqué les cheveux et depuis il fait je vais me plaquer les cheveux. Et voilà, je me crache dans les mains et voilà, et j'aplatis. Et ça fait du gel. Ah, j'ai un nouveau coiffeur. Ça va. Donc excusez pour la petite interruption Didier Deschamps. Ouais. N'oubliez pas d'ailleurs, dès mercredi matin, on vous filera vos places pour aller voir l'équipe de France. Ouais. Pour aller au Stade de France à gagner sur Skyrock. Ah oui, non, par rapport aux ruptures en bois là. Bah, alors les ruptures, deux sens. Les ruptures à la cour. Une fois, moi, je me suis fait larguer. La meuf m'a dit parce que c'est l'été. Ah, t'as largué parce que c'est l'été. Et je lui fais mais l'été comment, genre t'as chaud, enfin non mais dis non mais c'est l'été. T'as chaud au cul, tu vas en baiser d'autres. Genre c'est l'été, mais ouais, mais bon ouais je me sens pas, c'est l'été, laisse tomber les vacances, les trucs, donc ouais elle est partie. Et une autre fois, moi j'ai le truc des études, ça marche à tous les coups. J'allais voir la meuf, je fais ouais laisse tomber, là je peux pas, faut vraiment je me concentre sur le brevet, mes parents ils sont chauds sur moi et voilà. Samy il allait la voir, il avait un cahier de course sous le bras. D'ailleurs je vais réviser tu fais le mec sérieux, ouais. En plus de connaissance, Samy c'est crédible. Ouais bah je fais tu sais vraiment je peux pas, je peux pas. Il faut que je travaille. Ouais, c'est ça. C'est quand j'étais en troisième. Faut absolument que j'ai le brevet. Bon, je l'avais pas eu. Excuse à la con. Désolé, je comprends pas ton humour. On a dit ça à Manon. Merci ouais. Manon. Karim, une excuse moi, à la con. Putain, non, même pas. Même pas. Mais non, t'es Romain, franc, non. Toi. Ouais, non, moi, non, pas franc. Je ne calcule pas. Je fais le mort. Ah, tu disparais, c'est pire. Tu dis direct, c'est pour baiser, puis salut. Ouais, en plus, déjà. Ouais, et puis, même quand elle me casse les couilles, je lui réponds plus, je bloque son numéro, et puis voilà, c'est réglé. Il y a Ben Escobar qui me dit, moi, au bout de 2 ans, et elle m'a dit, je t'aime, et il faut qu'on s'arrête. Et j'ai appris quelques mois après qu'elle est tombée enceinte d'un autre. Elle fait exprès, genre. C'est ce que tu dis, Ben. Ou peut-être qu'il s'est dit, putain, heureusement, c'est pas de moi qu'elle est tombée enceinte. Moi je lui dis qu'elle avait changé à cause de sa formation qui l'a rendu con, alors qu'au final je sortais avec l'ex de ma meilleure amie. Voilà, c'est Chachou qui nous laisse, enfin, qui nous laisse un message. Salut à toi Chachou. Tu es trop coté pour moi, Julio. Voilà ce qu'on t'a dit. Ouais, c'est Julio. Un peu ouais, s'il t'est mieux, t'es ouais. Trop mieux que moi. Ouais. Trop coté. Bon bah Alexis, au final, bon, aujourd'hui tu as continué ta vie, tout va bien. Ouais, bah ouais, moi ça se passe, hein, j'ai des potes, voilà, je fais ma vie. Bah écoute, t'as tranquille. Raison. Profite mais bien. Mais bon après, tu vois, vaut mieux être franc, vaut mieux être honnête et dire les choses que faire les choses pas. Que sortir une excuse bidon, ouais, c'est vrai. Ouais, mais quelquefois tu veux pas faire de mal à la. Non, mais bon, là, c'est une vraie connasse de te dire ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, un peu. Hein. Et en plus, après, t'as bousillé le festival où tu la revois et. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est mon plan de cul. Elle a niqué ta soirée, quoi. C'est vrai. Ah, j'ai vu aussi le message d'une nana qui disait qu'en fait elle avait sorti à son mec qui était devenu lesbienne. Ah, pas mal comme excuse à la con. C'est pas mal. À cause de toi. Tu proposes un plan à trois, tu vois. Ouais, dans ce cas-là, c'est vrai. Ouais. Le mec peut dire ça, c'est pas mal. C'est cool aussi, tu vois. Et Nana, l'excuse bidon que j'ai eue, c'est j'ai parlé à ton ex, je veux pas lui faire du mal. T'imagines. Non, mais moi je jure. J'ai parlé à ton ex, je veux pas y faire du mal. Trop fort, ça. Bon, bah, en tout cas, merci Alex. On embrasse tout Strasbourg et on t'envoie un t-shirt Skyrock à la maison. Yep. Je peux faire un petit big up. Bah, déjà, big up à mon pote Omar Sy qui a 18 ans aujourd'hui. Omar Sy, tu connais Omar Sy? Je pense pas qu'il était aussi jeune que ça. Marty, ouais, comme Marty McFly. Bon anniversaire. Salut Marty McFly. 18 ans, c'est beau. Big up à Momo qui nous écoute de là-haut. Big up à Jeannot et big up à tous les potos du rugby. Et ben, big up à tout le monde aussi et on t'embrasse, Alexis. Skyrock, il y a moyen de gratter le dernier FIFA ou pas? Ah non, le dernier FIFA, ça sera gagné dans l'émission, mais avec des questions. Sinon, on t'envoie le t-shirt Sky, ça c'est sûr. Je l'avais, mais c'est passé avant. T'as raison d'avoir tenté le coup. Mais retente le coup, on jouera demain soir, demain matin, soit là dans le morning, soit là dans la radio libre, il y en a pour tout le monde. Enfin, tout le monde, ça pas marche. Tout le monde. Mais il y en a tous les soirs et tous les matins. Yep. Salut Alex. Bonne soirée. Salut Alexis, ciao. Et bonjour à la famille derrière. Je sais pas qui c'est. Son pote qui s'est assis sur un truc, à mon avis, il s'assoit sur une manette de console. C'est l'a rendu heureux. Ça fait wouh. Ouais, ouais. Bon, on fait un petit multi-appel. Allez, un multi-appel. C'est le double appel version améliorée direction ceux qui bossent. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Difool sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Oui. Va te faire enculer, connasse. Va te faire enculer, connasse. Et voilà, et c'est comme ça. Bon, alors on va commencer par un double appel et après on ajoutera d'autres personnes. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc on a récupéré les numéros. D'ailleurs, merci de nous en avoir filé tout à l'heure. On a des stations-service. Ouais. On a des restos. Ouais. On a des hôtels. On a un commissariat, on va peut-être éviter. Ouais. On a. Il m'a donné le numéro de sa mairie. Bon, la mairie, elle est fermée. cette heure-ci. On a des livraisons, livraisons de kebabs, des kebabs, des burgers, des épiceries de nuit. Ouais. Et donc, on va commencer par quel numéro, Samy ? Alors, on va commencer par un livreur de burgers. Un livreur de burgers. Ah. Attendez, je prépare Cédric, ne bougez pas. Une station service. Et une station service. Attends, juste que je retrouve les sons de Cédric quand Cédric a très très faim et qui veut son hamburger. Attends, bouge pas. Tu veux un hamburger, Cédric ? Très bien. C'est bien, Cédric. Quel rire intelligent, hein ? Ah oui, c'est clair. Oh oui. Alors oui, mais ça nous dit pas où ils sont, mes hamburgers de Cédric. Alors attendez, bougez pas. Je les cherche. Je vais vous les trouver. Descends. Tout de suite, je descends. Putain, le nombre de sons de Cédric qu'on a. Cédric, est-ce que tu mangerais bien un truc maintenant ? Une bite ? Qui veut donner sa bite à Cédric ? C'est pas venu. Tu veux la mettre où la bite ? Dans le cul. D'accord, j'ai bien noté, Cédric. Okay. Bon, allez, on appelle donc un truc qui fait à bouffer. Ouais, c'est ça. Ok. Et une station service. Des hamburgers. Et tu veux des hamburgers ? Très bien, on a trouvé les sons. Et un yaourt à la fraise. Moi, j'ai mangé une lasagne. Une lasagne. Ouais, une seule. Dis donc, tu es très fort. Moi, j'ai mangé un spaghetti aujourd'hui. Ah, c'est bien. Oui. Et ça va, t'as pas trop bourré le bide ? Je suis un peu lourd. T'as été un peu loin, je crois. J'ai mangé un spaghetti et un petit pois aussi. C'est bien. Ouais. Parce que Cédric, il mange comme ça, lui. Voilà, j'ai mangé une grosse carotte. Moi, dans mon cou. Ah ouais. Et une lasagne. Salut Cédric, il nous écoute de l'hôpital ce soir. Il sort demain. Vous présentez précoce. Je sais. Alors, on appelle donc le burger plus l'épicerie. La station service. Hop là, l'oubli. Bonjour. Bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Des hamburgers. Bonsoir. Allô, c'est trop bonsoir. Dites-moi. Je vous écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Comment vas-tu ? Ah, ils sont tous partis ? Ah, ils sont tous partis. Allô ? Ben vas-y, enchaîne. Oui, comment vas-tu ? Oui, c'est bon Patrick, t'as du calme. D'accord, oui. Bon, moi j'ai Cédric avec... Tu l'as Cédric, c'est bon ? Des hamburgers. Moi j'ai Patrick, moi. Bon, parfait, tu t'occupes de Patrick, je m'occupe des sons de Cédric. Bah si, mais pas simplement ça, hein. C'est bien noté. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Et puisque vous n'avez pas à toi, bonsoir, je vous écoute. Votre correspondant, n'est pas joignable. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Laissez-nous. Allô ? Est-ce qu'on pourrait commander à manger, monsieur ? Comment, monsieur ? On a faim. Allô ? Oui, allô, in the morning. Tell me what you need. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends absolument rien à ce que tu dis, mon ami. Hello. Hello. Do you speak English ? Hello. Qu'est-ce que vous me demandez, monsieur ? Ah bah, j'aimerais... Vous êtes à la réception. Très bien, on est à la réception de l'hôtel ? Oui, tout à fait. Je suis dans une chambre en haut, au-dessus. Je suis en train de faire l'amour avec un ami à moi. Oui, très bien. Ah, et vous n'avez pas d'autre chose à faire, monsieur ? Bah, on a le droit de baiser quand même, vu le prix de la chambre. Oui. Ah. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes jaloux parce que vous êtes jaloux parce que vous voulez pas baiser avec nous. Ah, t'es jaloux. Bonsoir, monsieur. Allez, monte, on va baiser. Non, on baisera pas avec lui. Mec, t'as même pas le droit de baiser dans l'hôtel. Mais ça lui grille. Pourri la gueule, quoi. Allô ? Bonjour, allô ? Oui, bonjour, comment allez-vous ? Oui. Très bien, je suis avec un ami, je peux vous le passer ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Bah, très bien, là, bon. J'ai des godes. Allô ? C'est les godes. Oui. Merde, non, mais ça, c'est j'ai les godes. Patrick, t'attaques fort. Tu reçois un coup de fil, t'entends l'autre. Sa voix, j'ai des godes. J'ai des godes. Avec un god et tout ça. Ouais, j'imagine. Voilà, voilà. On peut faire des choses. Appelez. Allô ? Ah, allô ? C'est quoi ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? J'écoute. Et allô, bonsoir. Oui, comment vas-tu ? J'écoute. Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Okay. Je l'écoute. C'est pour faire une commande. Vous êtes où, s'il vous plaît ? Dans quelle ville ? Alors, dans quelle ville vous êtes, vous ? Vous êtes dans quelle ville, vous ? Allô ? Hé ! Hey, ma commande ! Allô ? Ah bah, il n'y a plus personne. Non, ils sont barrés, Putain, alors, Cédric, je suis vraiment désolé, mais ce soir, pas de hamburger. Des hamburgers ? Des hamburgers, non, pas de hamburger. Pas de lasagne. Un lasagne. Pas un lasagne non plus, non. Un ou une, ou des, ou... Non, pas un lasagne. Non, j'ai mangé une lasagne. Eh ben, t'as bien de la chance, Cédric. Et puis, le dessert, pas de dessert non plus. Et un yaourt à la fraise. Même pas. Ah, et il y a Patrick qui voulait quelque chose. Oui. Un saucisson de cheval. Un saucisson de cheval, Patrick, non plus. Pas de saucisson de cheval. Un bac saucisson de cheval. Rien du tout. Un peu de potatoes et deux nuggets. Un peu de potatoes. Allô ? Allô, allô ? L'hôtel Ibis, bonsoir. Oui, bonjour l'hôtel Ibis. Je suis dans une chambre en haut. Vous n'avez pas des trucs à manger ? quelle chambre? Qu'on essaie quelle chambre, ma chérie? 312. Ok. La chambre de la partouze. Vous avez quoi à manger? Je suis avec ma copine, elle est un peu pompette, excusez-la. Et hop là. Vous avez quoi à manger? 312 déjà, ça n'existe pas. Alors c'est pas 312, attends, elle est bourrée. Ah, c'est la chambre 12, pardon, excusez-nous. 12. La chambre de la partouze. Ouais, toujours. Ma chérie, ça te dirait de manger? Parce que je suis avec un ami également qui a faim. Qu'est-ce que tu veux manger, Cédric? Une bite. Une bite. Est-ce que vous avez des bites? Est-ce que vous livrez des bites dans la chambre? Je veux bien celle du réceptionniste, moi. Ah, je vous passe ma femme, tiens. Allô? Ouais. N'aie pas peur, parle. Ouais, t'inquiète, je parle. Vas-y, viens à l'Ibis, tu vois. Tu peux monter nous rejoindre, chérie? Ouais. Je te sens un peu tendu. Je te sens un peu tendu du string. Bah, je vais te branler la bite, moi. Non, mais on a des trucs à branler. Qu'est-ce que tu veux qu'on te branle, Cédric? Hein? Une bite? Une bite, si tu veux. C'est pas Cédric, non? Non, mais je sais, mais j'ai un ami qui, qui s'appelle Cédric qui aimerait bien que tu viennes lui branler la bite. Bon, ouais, okay. Tu montes dans la 12? Bon, allez. La chambre de la partouze! D'ailleurs, votre numéro est enregistré. Très bien. Ça n'a rien de le mettre en. Ça n'a rien de le mettre en. De vous mettre en inconnu. Ah, tu as la table d'écoute? C'est dommage. Hein. Ouais. Il est équipé. Bon, bah écoute, nous on t'attend dans la 12. Ouais. La chambre de la partouze. Et à tout de suite. Mais je transmets votre numéro à la gendarmerie. Très bien. Mais tu leur passeras bonjour. Oui, tu leur passes ce petit coucou. Et tu peux les inviter dans la chambre 12, hein. Pour la partouze. Ouais. Parce que c'est la chambre de la partouze. Et oui. Bon, ben, content de merci, monsieur Ibis. Bonne nuit. Salut. Salut. À tout à l'heure. Lui, non, merci pas. La chambre 12, c'est pas content. La chambre de la partouze. Pas mal, retenez-la si vous tombez dans une chambre 12. Hein? Demandez la 12. Ça marche avec la 112, la 212, la 3. Allô? Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est? Allô? Romain, bonsoir. Oui, vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Et vous êtes qui? Bah, je sais pas, vous m'appelez, monsieur, dis donc. Parti. Ah, est parti, merde, dommage. C'était un hôtel. Un hôtel. Station service qui vous écoutait. Ah, ils nous écoutaient. Ah, bah, très bien. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils sont partis. Je crois qu'ils ont kiffé. Salut l'hôtel et salut la station service. Salut les gars. Salut les gars. Merci d'écouter Skyrock le soir. C'est bien. Bon, on a, Guy Lout au téléphone et puis je vais lancer le top là tout de suite pour vous inscrire pour la roulette si vous voulez gagner Joule. Je vous en parle depuis, depuis ce matin déjà. Ce matin, on vous a offert des places. Ouais. Toute la journée, toute l'équipe de Sky vous a offert des places. Ouais. Et ce soir, l'équipe de la Radio Libre vous offre vos places pour aller voir Joule en concert complet à Marseille, complet à Paris, presque complet partout en France. La première tournée de Joule, c'est avec Skyrock. Si vous voulez vos places, c'est au 41-759 sur l'appli Skyrock. Ça va tourner. Ah non, c'est 720. Non, 720, roulette au 720. Ah oui, d'accord. Roulette 720, au 720. Roulette. Allez, c'est parti. 720, roulette. Vous envoyez ça et vous faites tourner là. Roulette. Joule, c'est dans un instant sur Sky. Joule. Et on se prépare pour Joule. Et ben ça va tomber dans un instant. Et on écoute Ken Jones tout de suite avec Don't Mind. La belle roulette qui tourne. Et on finira avec les excuses bidons que vous avez eues avec tous les messages que vous nous avez laissés. Ouais. Et il y a de quoi faire dans un instant. Excuse bidon pour se faire larguer ou pour larguer. On s'en occupe après Don't Mind et Ken Jones sur Sky. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs. Full Radio Libre. Radio Libre en direct. Hola, hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love her, ma. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love her, ma. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her. But she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. And she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock, c'est Don't Mind. Diffoul, radio libre, what the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et vos places de concert pour Jules, Skyrock premier sur le rap, premier sur Jules, à Marseille, à Amnéville, à Nantes, à Paris, presque tout complet hein, les concerts de Jules. Attention, ça part vite. Il y a des places sur Skyrock, ça part vite aussi, hein. Il y a plein d'inscriptions, qui a été tiré au sort, réponse. Et ben dans un instant, les excuses à la con pour les largages, merci pour tous les messages que vous avez laissés depuis tout à l'heure. Il y a des messages qui m'ont fait rigoler parce qu'on a reçu plein, je peux pas tous les lire, mais vous allez voir celui-ci par exemple. Ouais, vas-y. Lucas, qui a 19 ans, au bout de 3 ans, elle m'a dit qu'on n'était pas compatibles sexuellement. Moi, j'ai pas compris car tout se passait bien. Tu as pris ça dans la gueule, mon pauvre Lucas. Ah ouais, surtout si ça dure depuis un petit moment. Bah, 3 ans. Ou alors c'est que la meuf, elle s'était fait secouer par un autre. Ah, c'est peut-être en 3 ans, on n'est pas compatibles sexuellement. Non, mais je t'ai dit, entre temps, la petite s'est niquée par un autre, elle s'est rendu compte que c'était mieux avec l'autre. Ah ouais, c'est possible, ouais. Ah ouais, peut-être, bah, Lucas. C'est pas con. Mon pauvre Lucas, elle était pas bien pour toi, là. Non, mais au bout de 3 ans, quelle garce, c'est horrible. Quand vous comprenez une excuse de merde comme ça dans la gueule, faut vous dire que la personne ne vous méritait pas. Ouais, non, mais au bout de 3 ans, je pense que t'as mal au cul quand même. J'ai eu un mec au soir, je connais pas son prénom. C'est pour ça qu'il s'était pas compatible sexuellement. Ah non, mais lui, je pense qu'il y a un mec qui a dû pleurer, le pauvre. T'as eu qui au téléphone, Marie? Ouais, je connais pas son prénom parce que ça a coupé, qui m'a dit qu'il avait largué sa meuf en lui disant sale pute. Je lui ai demandé pourquoi. C'est qu'en fait, il avait découvert qu'il l'avait trompé. Et en fait, il lui a hurlé dessus. Elle l'avait trompé. Ouais, qu'elle l'avait trompé, pardon. Ouais. Il lui a hurlé dessus, casse-toi, sale pute, en pleine rue. D'accord, c'est ça. C'est sympa, hein. C'est pas comme largage. Ouais, c'est clair. Et discret. C'est discret, ouais. Oui. Alors là, j'ai le message de Yeezy, 18 ans, qui dit, lui, on lui a dit, j'ai peur de te faire trop confiance. Oh, ah ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Don Romano. Moi, quand j'avais un trop, t'as pas choisi un bon pseudo pour ça. Ouais. Moi, quand j'avais un trop gros sexe et qu'elle avait mal aux fesses quand j'avais. Ah, bah, forcément. Mais ça, c'est sûr. Mais c'est certain. Pierre qui nous dit, moi, je suis trop attaché à toi, tu es comme une drogue, je suis obligé de me sevrer. Ah, bah, oh, ouais, ah ouais, d'accord. Il est parti en cure de désintoxication derrière. Excuse de merde. Excuse de merde. Théo, je te larre car ta mère me fait peur. Ah ouais? Oui, mais c'est pas avec ta mère que tu sors, ma chérie. Fallait lui dire ça, Théo. Bah, clairement pas, non. Neyan, il m'a dit qu'il y avait encore trop de meufs qu'il devait se taper et qu'il voulait que je l'attende pour se caser après avec moi. C'est bien. Attends. Bon, alors, j'en dis quelques-unes et j'en reviens. Je reviens, t'inquiète. Attends, tu m'attends, s'il te plaît, merci. Tiens, maman, mon ex m'a largué juste avant les vacances parce qu'il voulait baiser avec d'autres meufs pendant les vacances. Et, ah bah, je l'ai pas supporté. Bah, je comprends que tu l'aies pas supporté. C'est l'inconnu qui nous envoie le message. Salut, ma chérie, on te fait un gros bisou. De toute façon, il y avait rien à supporter puisqu'il t'annonçait la rupture. Ouais, c'est ça. Chauffeur privé, 24 ans, qui dit, moi, je me suis fait tromper 4 ans et demi plus tard. Ouais, bon, ça arrive à tout le monde. Ouais, bon, ça, c'est pas une excuse de merde, c'est du cocufiage. Mais toi, Poki Pu, elle t'avait largué comme ça en disant qu'elle voulait se faire. T'as vu, elle est gentille, Marie, elle te rappelle un beau souvenir d'amour, Romain. Mais elle me fait chier, celle-là, ouais. Et après, on parlera de Tagotak. Ouais, Tagotak, ouais. Tagotak, comment ça s'appelle? C'est la gothique. Ah, Tagotik, pardon. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ouais, moi elle voulait, elle voulait se faire troncher ailleurs. Elle l'a dit. Voilà, c'est ça. C'est hyper sympa. Bah très. Oh, j'ai très bien vécu. Ah mais ça, c'est une excuse. C'est une excuse, mais pas à la con ça. Ah non, non, mais c'est pas une excuse à la con parce que derrière, c'est vérifié. Elle s'est fait tamponner par d'autres. Hein. J'ai envie de me faire troncher ailleurs. Ça, là-dessus, elle m'avait elle pas dit la vérité. Elle m'avait pas mis de tenez sur l'excuse. Hein. On parlait de ça pour Rico hein, avec avec sa petite story. Bon, au moins on voit qu'il est pas tout seul. Rajou, moi j'ai besoin d'être seul. C'est l'excuse bidon que j'ai sorti. Mais je suis sorti avec mon responsable. Donc c'était vraiment une excuse bidon. Merci Rajou. S'il nous écoute, il doit être rageux ton mec Rajou. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, dis cool. Bon, il y a Guiloute qui voulait juste intervenir pour réagir par rapport à un truc dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission. Ah, allô, allô, Guiloute. Ouais, allô. Ouais. Ça va Guiloute? Ça va l'équipe? Ça va, ça va. T'appelles pour Samir, toi, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Samir qui a une passion. Qui veut devenir taxi. Ouais, passion de voiture. Il veut être taxi, il veut être chauffeur. Et il se demandait s'il devait le faire parce que sa mère était pas trop d'accord. On lui a dit vas-y, fonce. Bah ouais, c'est clair. Bah ouais, quand on est taxi, il faut toujours foncer. Ah. Voilà, moi je fonce. Attention, j'accélère. Oh, j'ai pas vu l'humour. Voilà, j'ai plus de clavicule. Oui, j'ai pas vu l'humour et j'ai plus de clavicule. Et j'ai 4 quêtes. Alors toi, qu'est-ce que tu voulais dire à Samir? Parce qu'on s'est tous tombés d'accord tout à l'heure. S'il a une passion, il faut qu'il se lance. Faut y aller. Ouais. Quitte à changer si c'est vraiment ça va pas. Si ça lui plaît pas, il changera. Ouais, même où il aura vécu sa passion. Ouais, de toute façon, déjà il se fait chier en son boulot. Il y a peu de chances de faire toute sa vie le même boulot. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Guiloute? Bah, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut vraiment qu'il fasse sa passion. On se regarde. Tu vois, moi, je suis chauffeur routier là, actuellement. Donc t'as 21 ans. Ouais, 21 ans. Donc t'as commencé très tôt. Chauffeur routier. Voilà, en fait. T'es dans le camion là. Ouais, ouais, je suis dans le camion, là, tranquille. Ah, t'es dans le camtar. Un petit coup de klaxon, là, hein, pour réveiller tout le monde sur l'air de repos. Attends, attends, bouge pas, je passe le péage, je passe le distraction au péage. Ah non, t'es pas sur l'air de repos. Vas-y, casse la barrière. Vas-y, défonce la barrière, n'importe quoi. Eh, passe gratos. Allez, pas cher. Eh bien, ton conseil est pas non, cher. Non, mais non, en plus, il y a nos amis les flics. Tu passes la barrière, tu leur fais des doigts. Ouais, c'est un truc normal, quoi. Big up, les man. Et alors? Et en fait, ouais, bah, mes parents voulaient pas que je fasse taf là, en fait. Mon père voulait pas du tout parce qu'il m'a dit, c'est pareil, c'est une vie malade, t'es jamais chez toi. C'est vrai, maintenant ça peut être un petit fin de voyager à la KM, ça va être sur la route. Mais le problème, c'est que tu es tout petit, en fait, je suis dans un camion. Tu vois, j'étais avec mon père dans un camion, tout ça. Enfin, bref. Est-ce que t'as eu un camion à pédale? Ouais, je crois bien, même. Mais un camion à pédale, comment? Le gros camion télécommandé où mon père me mettait dessus. Ah ouais, total, quoi. T'avais le camion télécommandé quand t'étais petit. Parce que moi, j'avais un tracteur à pédale, moi. Ah, mais ça, c'est passé en Bourgogne, dans la campagne, Romano. Ouais, ouais, j'avais un tracteur en plastique. Ouais. J'allais dans le jardin avec. Il allait labourer les terres. J'avais la remorque, je mettais de la terre dedans et tout. Tu devais être beau, ton tracteur à pédale. Non, mais j'étais tout petit, je sais pas, j'avais 3-4 ans. Mais toujours tout petit. Mes parents ils l'ont encore, enfin, peut-être que je dois ramènerai un truc. Non mais viens à la radio avec. Ça va faire un peu loin de Bourgogne-Paris, 300 morts dans un tracteur à pédale. Un petit coup de pédale. Tu mets Cédric dans la benne et puis c'est bon. Non mais là je roule plus là. il va m'effondrer mon bordel. C'est trop lourd. Et donc toi t'as pas suivi les conseils de ton père et t'es allé au fond de ta passion. Ouais, en fait, je suis sorti de l'école de cuisine, puis sans rien dire à personne, je suis parti m'inscrire pour passer mes permis. Ouais, rien à voir. Ouais. Et je suis revenu avec mon inscription, je suis arrivé à la maison et juste avant de manger, quoi, j'ai sorti le dossier devant mon père. Allez, bim. Et bah, en fait, voilà, quoi, c'est sur le fait, bah, ils peuvent plus rien dire, en fait. T'es inscrit, voilà, c'est tout. Et puis, Non, mais puis bon, au final, c'est quoi à dire, mais c'est ta vie, quoi. C'est... Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ta life. Bon, après, tu vois, 22 ans, bon, c'est pour ça, faut qu'ils prennent les devants, quoi. Ça peut être oui, puis moi, c'est toi qui vas le faire, le taf. Tu vas pas faire un taf pour tes parents et ça te plaît pas, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça. Bon, moi, j'ai toujours dit qu'il faut faire quelque chose que t'aimes, sinon tu seras pas motivé pour quand tu vas te lever. Non, mais puis surtout, tu vas te faire chier parce que au taf, tu passes quand même un paquet de temps, quoi. Qu'est-ce qu'ils voulaient que vous fassiez, vos parents, quand vous étiez petit? Non, moi, ils m'ont jamais trop fait chier. Moi, médecin. Ah ouais? Polytechnique aussi, mon père, il voulait que je fasse. T'imagines, Polytechnique. Polytechnique. Bah, c'est raté. Ah bah, ouais, là-dessus, j'ai dû le décevoir un peu, ouais. Ah ouais, moi, c'était rien, mais mon père, par exemple, il était content quand je lui ai dit de la radio. Ouais, parce qu'il faisait de la radio, ouais. Ouais, en même temps, ouais, voilà. Ouais, c'est ça le truc. Et toi, Karim, il voulait que tu fasses quoi? Avec ta bouteille. Moi, il voulait que j'essaie de m'en sortir, gros. D'accord. Même moi, je savais pas ce que je voulais faire. Et toi, Samy, je serais pas joueur de foot? Non, ouais, ils auraient bien aimé que je joue à l'OM pour la fierté de la famille, tu vois. T'aurais la honte, c'est ton sens. Mais j'ai arrêté le foot très jeune. Oui. Ouais, non, mais je serais content. Mais non, après, moi, mes parents m'ont laissé tranquille, genre, tant que je m'assumais, que je faisais ce que je voulais. Ouais, moi aussi, pareil, moi, ils m'ont jamais dit, ouais, faudrait que tu fasses ça. Ouais. Et là, t'as 21 ans, ça fait combien de temps que t'es routier? Un an et demi. Et tu regrettes pas? Non, pas du tout. Et tu pars quoi? Tu pars toute la semaine ou tu rentres tous les jours? Ouais, je pars toute la semaine, là, je suis parti ce soir, je monte à Lyon, à Chambéry, enfin, je suis à la France. T'as pas de meuf? Tu voyages. Si, j'en avais une, mais tiens, excuse de merde, je te vois pas assez, donc on arrête là. Ouais, t'as bien fait. Ouais, bon, ça en même temps. Bah, tu vas elle sort avec un banquier. Excuse de merde. Non, mais elle le savait dès le début. Elle avait le choix. Bah oui. J'ai eu le choix entre le camion et elle. Bon, bah, j'ai choisi le camion, quoi. Voilà, c'est le camion. Super. Si elle nous écoute, ça doit lui faire super plaisir. Non, mais ton père, ouais, il doit être content. Je par la même occasion. Donc, d'accord. Une relation qui s'est bien terminée. Bon, elle se coûte klaxon, là. Alors, le klaxon. Ah, le péage. Vous voulez faire qu'on l'entende bien. Ah, mais tu captes mal, ouais. Mais ça fait. Ah, Cédric, vous allez faire écouter le klaxon de sa mobilette. La classe, Cédric. Ah, super. Ah, ouais, mais putain, Cédric, j'aimerais bien voir le même. Il n'est pas raccordé encore, alors je peux pas vous faire. Bon, bah, en tout cas, merci du conseil. Tu vas dans le même sens que tout le monde, hein. Samir, si tu nous es. Bah, t'es là, Samir. Il est là, Samir. Il est là. Donc, Samir, faut aller au bout de ta passion, tu vas voir. Comme ça que ça se passe. Ouais, merci du conseil. Tu vois. Je vais faire ce qu'il a dit et je vais y aller au bout, et puis voilà. Bon. Mais t'as raison. Moi, je me sucerais bien le bout, les gars. Mais ça va pas, non, mais t'es malade. Qui est-ce qui a raccroché, du coup? C'est Guiloute. Ah, bah, c'est. Tu l'as dégoûté. Ça lui a fait peur. Oh non, se faire licher le bout par la rue. Ah, quel enfer. C'est comme ça, je m'en vais. Merci, Guiloute. Et merci, Samir. Samir, bah, tu nous tiens au courant de la suite et vis ta passion à fond. Merci, c'est gentil, je suis les conseils. En plus, un boulot, tu peux écouter la radio, c'est quand même cool. Bah ouais. Et bonne route. Et bonne route dans ton. Et roule le petit pilote. Ouais. Dans ta grosse voiture. Ouais. Salut Samir, ciao. Ciao. Salut l'équipe, merci. Ciao. Salut, bisous. Allez, il est l'heure de faire tourner la roulette. C'est Jules, vous l'attendez depuis tout à l'heure. Vous voulez aller voir Jules, vous avez bien raison. Eh ben, il faut s'inscrire. Vous vous êtes inscrit et on a tiré au sort Alejandra. Alejandra. Salut Alejandra. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut. Alex. J'appelle de Ems. Salut. Ah, bah, nous aussi on est content pour toi, hein. Tu vas gagner des places pour Jules. T'es ouais. M c'est dans 5-9, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la ville de Gradure. C'est là, exactement. Ah. C'est la ville de Gradure. Et ben, on va faire tourner, mais tu vas pas gagner du Gradure, on va plus au sud. Non, allez. C'est pas grave, je m'en fous. Plus du côté de Marseille. Jules maintenant a gagné dans la roulette. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Jules sur Skyrock et la roulette qui tourne, t'es prête Alex? Oh oui, je suis prête. Chante, là. Et tu chantes Rabel Me Non-Stop. Ah ouais, j'aime bien, je suis trop contente. Allez, stop quand tu veux, pour les places de Jules. C'est Jules sur Skyrock. Eh bien, c'est gagné. Deux places de concert, Alexandra. Vous êtes trop fort, je suis trop content. Eh ben, tu vas aller voir Jules en concert avec Sky et ben, t'as deux places en plus, donc tu peux ramener qui tu veux, tu vas t'éclater comme une petite folle. Ah ouais, tu trouveras sans problème, Alexandra. Oh oui. Bravo à toi, on te fait de gros bisous, Alex. Ah, moi aussi, je vous remercie beaucoup, je suis trop contente. Et bon concert de Jules, tu le suivras avec nous parce qu'on suivra les concerts de Jules dans l'émission. Ah ben voilà. Donc ça démarre à Marseille au Dôme, il démarre fort le 18 décembre. Ouais, c'est ça. Le 23 décembre à Paris. Exactement, au Zénith, tu veux aller à Paris toi? Oh bah oui. C'est le plus près. Hein. Eh ben allez, à Paris, c'est parti. Le 22 décembre à Nantes et le 20 décembre à Amnéville au Galaxy. Bravo à toi et des places. Ah, vous remercie, vous êtes trop fort. Bis à toi, Alex. Ciao. Bisous. Salut à toi. Et bis à vous aussi. Hein. Fini pour cette soirée. La première de la semaine, première radio libre de cette semaine, mais il y en aura d'autres demain soir déjà, dès 21h. On se retrouve en direct. Donc il y a Mac Miller qui devrait passer demain soir. Mac Miller, c'est celui qui a fait le morceau qui s'appelle Dang et qu'on vous a fait découvrir sur Skyrock. C'est Dang comme morceau. Mac Miller, c'est ça. Et demain, il vient nous voir, il nous fera son morceau en live dans l'émission, donc on l'attend. Hein. On aura du live dans la radio libre avec Mac Miller, qui fait un carton dans le monde entier, surtout aux States avec ce morceau-là. Classé dans le 8US que vous retrouvez tous les dimanches entre 20 et 21 sur Sky, juste avant la spéciale de la radio libre. Mac Miller, demain avec nous, mais surtout vous tous, vous toutes, toute l'équipe aussi, 21h minuit. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Hein, Bonne nuit avec Prisca. Bah, minuit 9, ça va se passer avec Prisca. Prisca pour le son de Sky. Demain matin, dès 5h, le Morning Best avec les meilleurs moments du Morning, mais les pires aussi. Et dès 6h, le direct, en direct de l'appart, on se retrouve pour le Morning avec plein de choses demain matin. Hein. Des 1 500 €, c'est tombé deux fois ce matin. Oui, plus les conseils pas chers. Romano a fait un carton hier. Un carton total. J'espère que tu feras encore mieux demain matin. Ben, j'espère. Vos iPhone 7 à choper, on jouera à l'invité mystère, on jouera à Faux Mytho et on vous offrira également vos PS4 et puis vos FIFA 17. Il y a tout ça pour vous demain matin. Soyez là demain matin entre 6 et 9, demain soir pour la Radio Libre. Une bonne nuit à vous tous et à vous toutes. Bonne nuit. Profitez bien du meilleur son de la FM, c'est Skyrock et c'est parti en bas de musique non-stop avec. Avec Pitbull et Florida. C'est bien ça. Green Light. C'est Green Light. Oh, yeah. On démarre bien la nuit, passez une bonne nuit et à demain tout le monde. Ciao. Bisous. Salut.

supposed to be about, baby. Can't free up your mind, but stop acting crazy. Breathe, breathe, breathe. My girl, to the point time. I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? Shady, shady. Baby, we need some time alone, baby, baby. So we can just breathe. Let it breathe. Breathe, breathe. Let it breathe. Breathe, breathe. Breathe, breathe. Breathe. Uh-huh. Yeah. Say that. Say that. Baby. Baby. Yeah. Time to breathe, y'all. Breathe. Oh. Time to breathe, y'all. Breathe. Just don't stop. Just don't stop. Just don't stop. Just don't stop. Just don't stop. Oh yeah, Travis Scott, Tugger, Tugger, baby. Yeah. I'm on four, I call you a whore, just a fucking short. I just went got my door. Then I go up before. Then I roll up, then I roll up. Then I'm calling your whore. Straight up, I just put up.